c'est fini pour ce soir. Mickaël, t'as du souci à te faire. T'as des concurrents là. Bah, je vois ça, ouais. Je vois ça. Piquer ta place, Mickaël. Mais oui. Gaffe. Bah, non, mais ça va bien se passer là. Tant que j'arrive à tenir jusqu'à Noël. Ah, t'as signé jusqu'à Noël, Mickaël. Non, mais tu sais, signature, ça veut rien dire. Hein. Oui. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On sait jamais. On n'est pas à l'abri de surprise des fois. C'est ça. Bon, très bien. Et le dog, il va falloir aller voir un médecin maintenant. Hein. Non, ouais. Tout va bien. La voix de Johnny Hallyday ce soir. Avec Johnny, ça va. Viens nous voir. Bien. Mais d'ailleurs, par souci de solidarité, on fera l'émission comme ça jusqu'à Noël. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est vrai que le dog nous a fait une petite imitation de Johnny Hallyday pour ceux qui l'ont raté. Et je propose pour finir l'émission. Bien sûr. De réentendre cette petite avec imitation plaisir. De Johnny Hallyday par le doc. Doc, c'est à toi. Non, tu voulais que je la refasse, je croyais que tu voulais bien passer. Ah non. Ah, qu'est-ce que j'avais dit? Que coucou, que voilà. Et oui, c'était. Bravo Doc, bravo. Ah oui, quel talent. Il faut l'encourager. C'est tout quoi, comme ça. À demain pour une nouvelle imitation. Très bien, mais j'ai hâte. Pas ce qu'il nous réserve. Voilà. J'ai déjà hâte. Très bien. Bonne soirée à vous. Bonne émission, les copains. Très bien. Et retrouvez le VinFun évidemment sur le Facebook, sur le site de funradio.fr jusqu'à demain 20h pour les plus impatients. Bonne soirée tout le monde. Bisous. Ciao, Mickaël. Bonne émission. Et puis nous c'est parti jusqu'à 2h. Ciao. Mickaël. Limite, tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et oui, on est là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Et j'espère surtout que vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Oui, de m'avoir ce soir à l'antenne, puisque j'ai failli finir au poste cette nuit. Si, la police. Enfin, c'est pas la police, c'est la douane qui guettait. Bah ouais. Bah ouais, ils étaient là, ils étaient pas loin. Hein. Ils étaient même très très proches. Enfin, je l'expliquerai. Non, mais je vais vous expliquer dans un instant là. Mais voilà, je l'ai mis hier soir directement dès que je me suis fait choper par les flics. Je l'ai mis sur le Facebook. Il y en avait plus de 1000 qui étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je vous expliquerai demain soir. Donc ce soir, je vous explique ça dans un instant. Donc pour les nouveaux qui viennent de nous découvrir, alors moi c'est Mickaël. L'émission s'appelle Mickaël No Limit. Comme ça, vous savez tout. Et on est là le lundi, du lundi au jeudi de 23h à 2h. Et puis le dimanche également, 20h minuit pour passer l'antenne. Et bah, il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 et on parle ensemble tout simplement comme Guillaume qui est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Ça va? Oui. Bon, ça très va. Bien Guillaume, t'appelles de Saint-Hilaire toi, dans l'Allier, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, passez une bonne journée. Oui, ça va. Il t'est pas arrivé de catastrophe hier soir comme moi qui me suis fait choper? Failli terminer au poste. On va faire une pendre sur la place publique. Battu à ce point-là. Mais oui, évidemment, non, franchement, un drame. Bon, sinon, ça va, la journée s'est bien passée, Guillaume, rassure-moi quand même. Oui, ça a été. Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal. Bon, bah Guillaume, est-ce que t'as écouté l'émission hier soir? Oui. Ah. Rapidement, mais oui. Ah, bah rapidement, mais tu peux dire non, c'est pas grave, je vais pas te raccrocher les bordants, hein, Guillaume, c'est pas grave. Hein. Alors, t'as écouté ou t'as pas écouté? Un petit peu. Non mais soit franc, pas grave, tu peux dire non si jamais c'est le cas. Non, j'ai pas trop écouté hier soir. Espèce d'enculé. Eh, d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai un petit message de bienvenue, tiens, pour toi là. Bah va te faire enculer, connard. Bah voilà, je pense qu'il y a un moment tout est dit, exactement. Bienvenue à toi, Guillaume. Bon, à tous les. Eh, voilà, c'est ça, tiens. Alors, comme ça, je le ferai à tous les noms ce soir, tiens. Voilà, alors ce soir, déjà à tous les Christophe. Tous les Christophe. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Voilà, c'est ça. À tous les Guillaume. Elle va te faire enculer, au clochard. Voilà. Et puis il y en aura d'autres, hein. Si vous voulez aussi qu'on fasse une dédicace à tous vos prénoms, ouais. N'hésitez pas. À tous les polos également, là, ouais. Je vais en mettre un petit là. Tous les polos. Vous m'emmerdez. Oh, j'étais gentil. C'est vrai. Dégueulasse pour Polo. À tous les Sandro. À tous les Sandro. Espèce d'enculé. Voilà. Bon, ben, avec tous ces petits appels que nous avons eu l'occasion d'avoir. Bon, Guillaume, Sandro est au téléphone. Comme vous avez remarqué, Sandro au standard, la main prête à répondre à tous les appels. Et pour ça, c'est facile. Il suffit simplement de composer le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Toff, il est prêt également pour faire connaissance avec de nouveaux amis. J'ai rien à faire, c'est un connard. Mais bien sûr, très bien. Je me sens tellement aimé. Ben justement, oui. Heureusement, Polo également est là pour mettre un petit peu de poésie avec toutes ces insultes, bien sûr. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Ah bah voilà, bah très bien. Et puis ça y est, hier, Let's Be Freaks n'a plus été numéro 1 du top Twittos. Ce qui prouve qu'on peut la battre, ça c'est possible effectivement. Donc c'était Rafa hier qui a gagné. Alors si vous voulez relever le défi, eh bien il suffit d'envoyer un maximum de tweets avec le hashtag MIKL, donc le petit dièse avec marqué MIKL derrière. Et puis à la fin de l'émission, on donnera le top 5 de ceux qui ont été les plus influents, les plus actifs sur le Twitter de l'émission. Hashtag MIKL, mettez un maximum de messages bien entendu. Et puis on aura aussi du son. Est-ce que tu connais Guillaume, le son que j'avais fait découvrir la semaine dernière, celui de Both? Tu connais ou pas hein? Non, c'est une nouveauté. Ah oui, c'est un nouveau son, ouais. Je l'ai fait découvrir la semaine dernière. C'est Both avec Both. Voilà, le nom du chanteur, enfin du groupe, c'est Both. Et le titre de la chanson, c'est Both également. Non, mais il est bien en plus. Voilà, t'aimes bien ou pas? Au début, là, comme ça, sans l'avoir écouté. Ça va. Tu peux me dire non aussi, hein. T'aimes bien ou pas? Non, ça va. Non? Espèce d'enculé, va. Voilà, c'est tout ce que tu mérites. Le mec, il va raccrocher dans un instant. Bon, je vocale aussi Michael Moore. Avec White Walls. Et puis avant minuit aussi, Basto, Dance With Me. Autant dire, ça va vous réveiller un petit peu si vous êtes en train de vous assoupir là. Et si vous avez envie d'écouter des sons particuliers, bah bienvenue tout le monde. Vous mettez le hashtag MIKL tout simplement sur le Twitter de l'émission. Vous pouvez aussi demander vos sons évidemment sur le Facebook de l'émission. Pareil, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. T'as envie d'écouter un son particulier, Guillaume, ce soir? Kinvé. Kinvé, très bien, ça tombe bien, on l'a pas. Bon, eh ben écoute, merci Guillaume d'avoir proposé ce magnifique titre de Kinvé. Lequel t'aurais voulu? La vie du bon côté. La vie du bon côté. Bon, je crois qu'on l'a mis du bon côté, mais dans le studio, dans le titre. Écoute, je vais voir, mais je te promets rien, Guillaume. On va essayer, on va voir. Et j'aurais aimé parler aussi de mon ex. Oui, eh ben on va en parler justement, ne t'inquiète pas. Juste, je voulais également vous y signaler que ce soir, on avait également les PlayStation 3 à vous offrir avec le jeu Beyond Two Souls. Pour gagner, eh bien, il va falloir répondre dans un instant à la colle de Lauriane qu'on va accueillir avec plaisir dans quelques minutes. On a également les casques à vous offrir, un casque focal. Et nous avons également, bah oui, parce qu'on a offert récemment là beaucoup de GTA 5, des FIFA 14, des PlayStation. Et donc, pour les filles qui ont été délaissées par leur mec, sachez que nous pouvons vous aider dans ce cas-là. Oui. Mais sinon, nous avons également des God à vous offrir, hein, des sextoys. Alors comment s'appelle encore le petit détail là? C'était les... Ah bah voilà, bravo, merci Toff. Les Hippie Bunny. Les Hippie Bunny qu'on vous offre ce soir, mademoiselle. Donc si vous voulez choper votre sextoy, eh ben, on va jouer ensemble évidemment tout à l'heure avant 2h du mat. Donc restez bien là. Bon, alors, de quoi on parle Guillaume avec toi? Ta copine, c'est ça l'histoire? Oui, c'est ça, oui, voilà. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte tout. Enfin, pas tout, mais enfin, explique-nous un petit peu le bordel là. En fait, ça faisait un mois et demi que j'étais avec elle. Ouais, donc pas des masses non plus, c'est pas super long quoi. Enfin, un mois et 20 jours, et 22 jours c'est exactement. Rien. Ouais. Et le problème, c'est que elle m'a trompé avec deux autres garçons. Ah, deux? Ah oui. Ah ouais, en un mois et demi, deux mecs. Ah, donc à faire. Vaut mieux deux plutôt qu'un. Ouais. Et ben, il y a eu aussi un souci, c'est que dimanche dernier, je l'ai vu avec un autre gars. Encore? Donc trois alors? Et plus moi. Ah ouais, donc ça fait 3, c'est pas mal. Goulu. Ah oui. Ouais. Ah ouais, non, elle est bien. Hein. Oui. Et une chose est sûre, Guillaume, on peut dire que tu l'as... Dans ton cul, au connard. Ah bah voilà, bah ça c'est sûr, hein, tu l'as eu bien profondément, là. Ça... Et le problème, c'est que ça fait une semaine qu'elle me parle plus et j'aimerais bien... Dans ton cul, au connard. Ah oui, tu aimerais bien la voir dans ton cul et effectivement, je pense que nous avons bien compris le concept. Donc, tu veux qu'on la récupère, c'est ça? J'aimerais bien, mais. Mais toi, voilà, excuse-moi, Guillaume, hein, je vais être cash avec toi, mais toi, t'es complètement con. T'es un peu maso surtout. Bah oui, Guillaume, la meuf, elle se barre avec un autre mec. En un mois et demi, elle se tape trois mecs différents, plus toi, ça fait quatre. Et tu veux la récupérer? Non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, je voudrais qu'elle change, mais je sais pas si c'est possible. Bon, écoute, on en parle dans un instant. Guillaume, reste avec nous. Dites-nous, les mecs, les filles, est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper? Tiens, on va en parler ce soir. Est-ce que vous vous êtes déjà fait tromper? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez appris? Venez nous en parler, surtout, n'hésitez pas. Et puis, bah, pour participer, 01 42 48 5000, le numéro du standard avec Sandro qui vous attend. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Et alors, Yann également qui avec nous. Bonsoir Lauriane. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci, et vous? Mais écoute, ma foi, tranquillement, Lauriane, demain est un beau jour, puisque demain c'est mardi, et en théorie, on a des cupcakes. Oh, normalement, en tout cas. Oui, c'est ça, demain. Ah voilà, et comme Sandro a commencé son régime, on en aura plus pour nous. C'est ça. On sera encore bonne nouvelle. C'est même plus qu'une bonne nouvelle. Ouais. C'est une très bonne nouvelle. Je me laisse pas manger demain. C'est une magnifique... T'inquiète pas pour nous, t'inquiète pas pour toi, surtout, on va s'en occuper. Bon, alors, Lauriane, toi t'es là pour la colle, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, allez, c'est parti, on y va, la colle, je rappelle le principe. Tu vas donc poser une colle et tu as 1h30, enfin 1h20, puisqu'on en a la réponse à minuit et demi, pour tenter d'expliquer cette colle sans que personne ne trouve la bonne réponse. Si c'est le cas, tu gagnes la PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, d'accord? Si jamais, évidemment, ce n'est pas le cas, ou si jamais la personne qu'on appelle ne décroche pas, par exemple, tu gagnes également, si quelqu'un trouve la bonne réponse, tu perds, d'accord? Ok, ça marche. Bon, allez, c'est parti, on y va, on t'écoute pour la colle, Lauriane. Alors, la question est, je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? Je suis... Attends, répète un petit coup, Lauriane. Je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, c'était caché. Je sais pas, mais moi, je voudrais d'autres réponses, par contre. C'est quoi? Lauriane, combien mesures-tu? Oh, qu'il est relou. Ah, il est bouillant, c'est pas ça, là. Bon, vas-y. Je mesure 1m60. Combien pèses-tu? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Ça va. 85C. Ah oui, oui, t'as bien fait, finalement. Je retire ce que j'ai dit. Tu vois, et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah oui! Ah oui, oui, oui, oui, oui. Ah bah oui, non, mais il y a maman, oui. Ah bah non, évidemment, Lauriane. Écoute, finalement, on va donner peut-être la réponse à vers 2h30 du matin. Hein, si tu restes avec nous un peu plus longtemps, finalement, ça peut être pas mal. Ouais, bon, moi ça me dérange pas. Hein. Et bah très bien. Bon, bah Lauriane, alors donc si vous avez donc la bonne réponse, donc je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? Vous avez la réponse. Et bien vous envoyez MIKL espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique pour gagner votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qui ne sortira que la semaine prochaine. On vous l'offre en... Exclusive. Évidemment sur Fun Radio, hein, dans Mickaël de Limite, tous les soirs jusqu'à 2h du matin. Bon, bah bonne chance, il y a également le texte, enfin la colle qui est sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez aller voir évidemment et nous rejoindre pour tenter de gagner aussi. Facebook.com/Mickaël officiel. Lauriane, on te récupère tout à l'heure, d'accord? Ça marche. Tiens, tu t'es déjà fait arrêter toi ou pas par les flics? Jamais. Ah jamais, très bien. Bah alors Jean, dans un instant, juste après la pub et juste après le son de Boss également, je vous explique ce qui s'est passé hier soir. Je quitte la radio et puis là, le drame. Le drame, que se passe-t-il? La petite lumière bleue. C'est la police, monsieur. Non, pire. Enfin, pire, ça dépend où on se place. Mais enfin, je vous expliquerai surtout dans quelques instants. Mais pense que t'as dans ton corps. Ça dépend aussi, voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Bon, bah, tu bouges pas, Lauriane, d'accord? Ok. Allez, gros bisous, à tout de suite, Lauriane. Et puis, bah, Guillaume, dans un instant, on va le récupérer. Et on va parler avec vous. Hein. Vous êtes en pleine forme. Et bah, tant mieux, nous aussi. On est là jusqu'à 2h du mat. 01 42 48 5000 pour nous appeler. C'est Fun Radio, c'est Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Bienvenue, tout le monde. Mickaël No Limit sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, les colards. No Limit sur Fun Radio. Allez, bienvenue sur Fun Radio, la 23h12. On est tranquille, on est ensemble. Venez discuter avec nous. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. D'ailleurs, venez nous rejoindre également. Hein, de plus en plus nombreux sur le Twitter. On vous attend. Vous tapez MIKL underscore. Underscore, c'est la petite barre en bas, le petit tiret en bas. Et puis vous mettez officiel. Donc MIKL underscore officiel. Vous me faites un follow. Et moi aussi, je vous ferai un follow, évidemment. Et pareil sur Instagram. Donc voilà, pour les filles, je les follow par derrière. Et pour les mecs, bah, une petite poignée de main, un petit follow standard, basique, classique. Donc voilà, MIKL underscore officiel sur Instagram et sur Twitter. Et je vous follow back, bien sûr, sans problème. Et plein de messages qui arrivent. Il y a Tom qui dit un bazooka dans la gueule de Toff. Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus sorti le bazooka. Oui. Là. Allez hop. Voilà, c'est tout ce qui mérite. Il y a Raphaël également, le top tweetos d'hier soir, qui dit: moi je me suis déjà fait arrêter par les flics, 180€ en tout. Ah oui, quand même. Jules, mais qu'est-ce que t'avais fait? C'est ça la question. Il y a Jules qui dit: qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne, Lauriane? Oui, je suis assez d'accord avec toi, Jules. Lilou qui dit: une salope, ça reste une salope, ça naît salope, ça crève salope. Ouais, c'est... Je pense qu'il y a du vécu là-dessous, Lilou. Nanou qui dit: elle est bonne. Mickaël, t'as fait quoi comme bêtise? C'est Nanou qui avait envoyé le message. Ben, pas grand-chose, je vous explique. Je vous l'avais promis, je vous explique dans un instant, juste après le son sur Fun Radio de Both avec Both. Bienvenue sur Fun Radio. Venez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission. 193 000 ce soir, alors que l'émission n'a que deux mois. Ça fait plaisir. Merci en tout cas à vous. Qu'est-ce qu'il est bon, le son de Both que je vous ai fait. fait découvrir la semaine dernière, Bose avec Bose, c'est B-O-T-H. Et d'ailleurs, il y a le clip, hein, si vous voulez, qui est dispo sur le Facebook de l'émission. C'est facebook.com/Mickaël officiel. 23h, 2h. Fuck Mickaël, no limit. I don't fucking care. Sur Fun Radio. Fun Radio. Et il y a plein de messages qui arrivent aussi. Ça fait plaisir encore une fois. Ludwig qui a envoyé un message qui dit la meilleure émission du monde. Dès que je rentre de l'école, direct Mickaël, je suis au Canada. C'est voilà la raison. Ah ouais, d'accord, ok, normal. Donc, enfin, tu termines l'école et puis hop, directement l'émission le démarre. Ça, c'est cool. Il y a GTR586 qui dit 3 mecs, waouh, réveille-toi garçon, une cochonne reste une cochonne. Ça, c'est par rapport à Guillaume qu'on va récupérer. La Guillaume qui nous avait appelé parce qu'en fait, il est sorti avec une meuf pendant un mois et demi. Et pendant un mois et demi, elle s'est tapé 3 mecs. Et il faudrait la récupérer. Donc, on va essayer. Dame Snurty, Cody, les filles ne changeront jamais pour les mecs. Ça reste des garces. Mais non, dame, ça arrête un peu là. Arrête un peu. Mais non, c'est ça. Bon, et plein de messages. Il y a Lilo qui dit oh, Zippy Bunny, c'est mignon ça. Oui, c'est les sextoys qu'on vous offre toute la semaine sur Fun Radio. Super mignon. Exactement. Et il y a Rémi qui voulait écouter un son, le Bouya. Bah, bien sûr, Bouya, il est prévu là. Hop là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus mis la Showtech avec Bouya. Ah, peut-être que je ferai un remix. Peut-être. Parce que je vous rappelle que je serai bientôt dans Party Fun, hein, DJ résident. Mais là, qu'ils vont vraiment le croire. Hein. C'est ça le pire. Voilà, Showtech, on l'écoutera tout à l'heure, Rémi, sans problème. Et puis Let's Be Freaks qui dit moi je veux Linkin Park avec Steve Aoki, s'il te plaît. Ouais, on va essayer de te caler ça tout à l'heure aussi avant la fin d'émission. En attendant les autres, hashtag et Mickaël, je compte sur vous, venez nombreux. Alors qu'est-ce qui s'est passé hier soir, Lauriane, tu m'as dit que t'es déjà fait arrêter toi par les flics ou pas? Je me souviens plus maintenant. Ah non, du tout. Non, jamais, non, toi tu es une fille modèle, c'est ça? Très, tu es une fille plus que modèle, c'est ça. Ouais, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah bah, apparemment, il y a Lance qui ne te croit pas des masses. Guillaume, tu t'es déjà fait choper par les flics, toi, Guillaume? Non. Non, jamais, d'accord. Attends, il y a Fred également qui est là. Salut Fred de Lyon, comment ça va? Salut, ça va, tranquille, et vous? Bon, oui, ça va bien, ouais. Tu t'es déjà fait choper par les flics, Fred? Ah ouais, moi, plusieurs fois, ouais. Ah, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as fait quand t'as pris une amende? Moi, le pire, c'est quand j'étais bourré, je devais avoir 15 ans, donc j'étais complètement pété, j'ai pissé sur les godasses du flic et j'ai fini de tourner la vue. Tu m'étonnes. Non, mais en fait, moi, ce qui m'est arrivé hier soir, si vous voulez, donc je quitte la radio, je prends l'autoroute, je faisais quoi? Ça faisait 20 minutes que j'étais sur l'autoroute, et puis, c'est vrai que j'allais, bah, c'était la nuit. Il y avait personne, j'allais un peu plus vite que la norme, pas grand chose, mais non, un peu plus vite. 50-60 km/h. Non, j'étais pas à 60 km/h sur l'autoroute, je serais en infraction. On ne peut pas rouler à 60 km/h sur l'autoroute. Qu'il est bête lui, alors. Ça m'étonne pas. Oh, qu'il est bête. Et qu'il est bête. Oh, qu'il est con. Oh, qu'il est con. Voilà, c'est un coup de pelle, sous qui mérite de toute façon. Bon, bref. Et donc, du coup, ce que je ne savais pas, c'est que je me suis fait choper par la douane. Ce que je ne savais pas, c'est que quand il y avait la voiture de douane avec les gyrophares, enfin la voiture où il y a marqué douane dessus, en fait, il y a une petite voiture banalisée qui est avant, genre 2-3 km derrière. Donc, quand tu passes un petit peu plus vite qu'eux et que tout d'un coup quand tu vois la voiture de la douane, hop, tu ralentis pour voir si c'est pas les flics, tu vois, tu sais pas. Donc du coup, tu ralentis, tu vas pépère, les mecs ils sont à 120, donc tu les dépasses tranquillement, genre que se passe-t-il, tout va bien. Et puis donc je redépasse, je me remets devant eux tranquillement, 10 km/h plus vite qu'eux, j'étais à 130, eux à 120, j'avance, et puis tout d'un coup, hop là, gyrophare, je me dis oh merde. Donc machin, mettez-vous sur le côté et hop là, il passe devant moi, la petite voiture, une petite Clio de merde, tu te rends pas compte avec la douane qui est derrière toi, gyrophare également, on va sur le côté, il m'aide à la station Total, je me dis cool, ils vont me payer un café. Hein, tu vois, les mecs sont cool. Normal. Ouais, c'est ça, les mecs sont cool. Et puis bah finalement pas du tout en fait. Me demander d'où je venais, où est-ce que j'allais, pourquoi, comment, est-ce que j'avais de la drogue dans la voiture. Bah, oui, bah bien justement, il y en a plein dans le pare-choc et tout. Là, comme, non, en fait pas du tout. Et puis donc il y a la meuf qui arrive et dit ouais, mais vous faites quoi? Mais je dis je viens de Paris là et puis je rentre chez moi là. Et il me dit mais vous travaillez dans quoi? Je dis bah à la radio. Sur quelle radio? J'ai sur Fun. Et qu'est-ce que vous faites? Je dis bah j'anime. Et vous venez de finir là? Bah je dis oui, j'ai terminé, je fais le 20h minuit hier. Ah mais c'est à vous qu'on a demandé les iPhones. Ah, c'est pas vrai. Mais non. Si. Donc la douane, je les salue qui écoute Fun Radio. Ils t'ont mis l'amende, rassure-moi. Ah non. Là, c'est la douane. C'est Mickaël. Donc le mec m'a dit, roulez moins vite, il y a des radars. Je lui dis vous inquiétez pas, j'ai Coyote. Vous inquiétez pas, je suis couvert à ce niveau-là, y a pas de souci. Et il m'a laissé partir finalement, donc très gentil la douane, merci beaucoup à la douane. Parce que normalement la douane il t'arrête pas sur l'autoroute. C'est... Bah si, c'est pour vérifier si t'as pas de la drogue ou des trucs contrefaits, ouais. etc. Si, donc, je me suis déjà fait arrêter sur le périphérique. Ouais. j'ai une très bonne histoire si et vous voulez. On l'écoutera tout à l'heure. Donc dites-nous si vous vous êtes déjà fait arrêter par la police, là, comme un autre Guillaume qui est avec nous, qui appelle de. T'appelles d'où, Guillaume? Parce que c'est écrit dans le standard, mais j'ai très très peur de l'orthographe. Bah non, j'appelle de Aïe. Aïe. Là, c'est le Marchand Famen en Belgique. Ah oui, non, mais je connais Marchand Famen, mais Aïe, je connaissais pas, non, c'est marrant. C'est marrant. C'est à 2 km. Attends, ça s'écrit comment? Parce que Sandro est quand même écrit Aïe. Non. Bah Aïe, Aïe. Aïe, c'est pas mal. J'ai compris, Aïe, ouais, parce que Aïe, ça fait. Oh putain, Aïe, je me suis fait mal. Si vous faisiez moins de arrête ton cinéma là. Bon, Guillaume, alors toi, t'es fait arrêter par les flics, ça s'est passé comment là? Qu'est-ce que t'as fait? Bah en fait je travaillais au restaurant La Passerelle de 10h à minuit et demi, à 23h, j'avais fini à 23h. Ouais. Donc le temps que je démarre du boulot, que j'aille au Night and Day qui était à Marche, j'ai roulé comme un taré. Tu comptes nous faire la pub Tu vas faire la pub de tous les endroits que t'es passé? Non en fait je suis passé sur un rond-point à 90 et les flics étaient au McDo et ils m'ont vu prendre le rond-point un peu sauté, tu vois. Bien sûr, les flics s'arrêtaient au McDo, donc t'étais quand même 40 km/h au-dessus de la limitation, quoi qu'un rond-point, je me demande si c'est pas 30. Mais donc t'allais quand même relativement vite hein. Je voulais aller au Night and Day pour acheter des clopes avant d'aller à la balle, tu vois. À la balle sans clopes c'est pas cool quoi. Non je comprends. Mais bon soit j'arrive à 23h59 devant le Night and Day, il est fermé, il me ferme à la gueule franchement, je me retourne et là gyrophare. La police était là. Bonjour monsieur les papiers, vous saviez que vous rouliez comme un bourrin sur un rond-point? Et du coup il s'est passé quoi? Mais le truc, tu vois, c'est qu'il m'a demandé une justification, tu vois. Le magasin ferme à minuit, vous comprenez, il était 23h59, bah ouais, pas lui dire. Je lui dis, si j'ai passé, c'est pas une excuse, je vais pas vous la dire. Il fait, si, il faut quand même que j'en ai une, quoi. Bah, je l'ai expliqué, et puis il m'a engueulé parce qu'il a jugé que c'est pas une excuse, donc. Ah ouais, d'accord. Mais moi aussi, je l'ai fait à l'envers, quand même. Voilà. Parce qu'au douanier, je lui ai quand même fait à l'envers, il me dit, vous rouliez un peu vite? Moi? Je fais, mais non. Non, franchement, moi, je lui ai dit franco. Au moment où j'ai sauté, je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai fait, merde, tu vois, Ouais. Ouais, grillé. Je rappelle qu'il ne faut pas dépasser la limitation, c'est mal. D'ailleurs, franchement, pour quitter le rond-point, j'ai quand même mis mon clignoteur et j'ai quand même. Mais c'est bien, quoi. Encore heureux. Mais je rappelle que ceux qui passent au-dessus de la limitation, c'est tout ce qu'ils méritent. Bon, ouais, merci. Ouais, j'avoue, parce que j'ai payé l'amende. Voilà. À combien l'amende? 110 euros. Mais c'est cher quand même. Mais c'est parce qu'en fait j'étais plus jeune conducteur. Il me demande, t'es jeune conducteur? Je fais, je sais plus, et par chance. Je sais plus. Ça fait quoi, 2 ans que je roule? 2 ans, ouais. Ah oui, 2 ans, ouais, c'est au-dessus de 2 ans, après ça va, ouais, t'es tranquille. Ouais, merci Guillaume d'être passé en tout cas, tu reviens quand tu veux, tu restes au stand, tu fais un pack fun, je te renvoie chez Sandro. Ça va, pas de problème. Salut Guillaume, on embrasse tout le monde à Marchand Famen. Salut Guillaume, ouais, ciao. Pas de problème, ciao. Allez, bye. On a récupéré Colline là, qu'on a depuis la semaine dernière. Hey Colline, j'ai une bonne nouvelle, on a trouvé une radio. C'est cool, t'as vu? Donc, je devrais la voir normalement demain, donc comme ça on peut ta dédicacer, on te l'envoie direct demain par la poste. Ah, oh, merci. Bon, là la poste va la perdre, donc il va falloir qu'on la recommence. C'est comme ça tu vois un peu le cheminement de ce qui va se passer, quoi. Colline va rester un mois dans le standard. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Colline est là depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier, donc pas hier, avant la semaine d'avant, puisque ses parents lui ont confisqué sa radio et donc du coup volé la radio, exactement. C'est et donc nous, on la met dans le standard pour qu'elle puisse écouter la radio, en fait, tout simplement. Et donc ça fait une semaine et un jour qu'elle est avec nous, hein, Colline. Et ouais. Bon, t'es bien là, t'es bien. Il fait bon, il fait chaud, c'est bon, t'as à boire et tout ce que tu veux. Ouais. Bon écoute, j'ai envie de dire alors très bien. Ah bah Morito, j'en ai bu un très bon ce midi, un Morito fraise là. C'était top. Vous avez été nombreux sur le Facebook à le voir mon petit verre, très sympathique. Tu vois Colline? J'ai un petit message à passer. Comme tous les jours. Oui, comme d'habitude. Hein. Ouais, comme tous les jours, mais Colline, tu as pas eu ton message de bienvenue? Ah oui, c'est le message de bienvenue, attention, tout le monde y passe. Hein. Attention, c'est parti. Va te faire enculer maintenant. Voilà. Donc tu voulais dire Colline? Alors, ce soir il y a Luc qui nous écoute et je lui fais de gros bisous, je fais des gros bisous, gros bisous aussi. C'est tous les nouveaux auditeurs ça? Non, c'est Luc Skywalker, il écoute de la planète noire. Ah, très bien. Bon Luc. Et dans ton cul au connard. Voilà. C'est un message d'accueil. Qui écoute. Voilà. Ah bah Marie également. Marie qui est là également. Voilà. Il y a Mélanie qui écoute pour la première fois. Non. Un beau pour la nouvelle. Hein. Ah bah très bien. Et Mélanie? Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Une nouvelle auditrice, c'est bien ça. Et c'est pas mal. Bon on embrasse Mélanie. Et c'est je tout. Je voulais dire parce que j'ai des nouvelles de quelqu'un qui dit que je suis pas finote et tout, mais je tiens à dire que l'émission est de 23h à 2h. Très et bien. Que je suis fatiguée le soir. Et que du coup, c'est normal que parfois je dise des. Mais oui! Voilà, mais c'est très bien. Oui, c'est Colline. Parfait, Colline. C'est parfait. Bon, Colline, reste avec nous. On va donner une nouvelle de la radio dans un instant. On aura Lauriane dans un instant aussi avec, avec la colle également ce soir. Et puis ce soir également, grande nouvelle. Ce soir également, Le lundi, vous connaissez le principe. Le lundi, c'est. Ravioli. Non. Ah, t'es faire un cul au PD. Voilà. Bon, il y a ça. Et puis, ouais. Et puis, il y a également. Il y a également le chéri, je peux te faire cocu. Ah oui, c'est vrai. Que nous ferons d'ici quelques instants. Et autre info également, c'est sur laquelle je suis tombé. Il y a une université, toi, aux États-Unis qui fait une semaine de la nudité. Ah, c'est bon ça. Ça t'intéresserait ou pas, toi, Lauriane, une petite semaine de la nudité? Parce que si toi, ça t'intéresse pas, ça nous intéresserait, hein. Enfin, que tu le fasses, hein, pas de nous, évidemment, mais... Enfin bon, après, moi, je dis ça, c'est pour aider. Hein. Hey, Colline. Non, mais si vous voulez le faire, allez-y, hein, mais moi, je le fais pas, par contre. Hein, ah, d'accord, ok. Bon, bah tant pis, Lauriane, on aura demandé, en tout cas. Bon, en gros, il y a une université aux États-Unis donc qui fait la semaine de la nudité avec des cours de yoga nus, bien évidemment, un cabaret nu, une soirée nue, du body painting, des témoignages au sujet de la nudité, etc., etc. Et donc, l'université, en fait, se transforme en camp naturiste. Voilà, camp naturiste, plutôt sympathique, au final. Hein. Bah, moi, je suis d'accord. Moi, voilà. je vais d'ailleurs monter ma propre université. Eh ben, dites-nous si vous participez. University of Tough and... Je vais trouver quoi? Son of a bitch. Ah voilà, c'est pas mal. Bah, c'est bien ça. Donc dites-nous si vous participeriez genre, à ce genre de truc là, s'il y avait un truc comme ça dans votre bahut par exemple. Et puis je propose que t'appelles des gens là pour trouver des nouveaux participants. Bah allons-y. Voilà, si vous avez des numéros à balancer, n'hésitez pas. Des gens qui sont encore debout à cette heure-ci, qui sont un peu sanguins, n'hésitez pas à nous donner les numéros. Vous envoyez un mail à sandro@funradio.fr ou alors vous l'appelez au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Et toi, Colline, tu participerais toi à un cours, un truc, une semaine de la nudité, s'il y avait ça dans ton bahut? Non. Oh merde. Et toi, Fred, de Lyon? Ouais, bah, il y a des plages naturistes à Lyon, on y va. Hein. Ah, t'as vu, Fred, tiens, bien. Et Vanessa également. Salut, Vanessa. Salut. Ça va bien? Oui, toi? Bah, tranquille, ouais, Vanessa. Alors, toi, tu ferais, toi, une semaine de la nudité si t'avais ça dans ton bahut? Ouais. Wow, ah, sympa. Ouais, complètement. Ah, complètement, ah, complètement nu, alors. D'accord, Vanessa, ok, ça vient. Vanessa, on ne se connaît pas encore, il me semble. Non, pas encore, c'est la première fois. Combien mesures-tu, Vanessa? Combien mesures-tu, Vanessa? Pardon? Combien mesures-tu, Vanessa? 1m72. Combien pèses-tu? Je pèse-tu 61 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Ah oui. Et la taille du pantalon c'est comme, c'est comme c'est bien. Voilà, c'est très comme bien. C'est là. Ouais, ou comme c'est gros. Oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Pardon ? La taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 38. Attends, excuse-moi, mais du coup, vu les mensurations, je me mets un petit peu de menthol dans la bouche. Voilà. Est-ce que ça va mieux comme ça pour se parler ce soir ? Ouais, c'est nickel. Parfait. Je me souviens pas bien, t'étais d'accord pour le naturisme. Hein. Ouais, oui, c'est ça, t'étais d'accord. Ouais. Très bien. Très bien. Je connais une plage très sympathique. Oui, ne bouge pas, Vanessa, nous allons en parler dans un instant, d'accord? Ouais, ça marche. Bon, allez, bougez pas de là, on va revenir sur Fun Radio, bah, juste après le son de Michael Moore. Ça te branche, Vanessa? Ok, ça marche. Michael Moore avec White Wall, c'est bon aussi pour Lauriane? C'est bon, c'est bon aussi pour Colline, je demande Kofi, les mecs, je m'en branle. Ça vous va, les filles? Vous voulez autre chose? Dites-moi, c'est le moment ou jamais, hein. Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Michael Moore maintenant et White Walls. On revient juste après. C'est Mickaël No Limites sur Fun Radio. Bienvenue, on est là jusqu'à 2h. I wanna be free. I wanna just live. 23h, 2h. Mickaël No Limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Mais oui, oui, oui, on a que ça à foutre. On va faire chier le monde ce soir. C'est voilà, vrai. 23h, 2h du mat. Du lundi au jeudi, on est en direct avec vous et pour vous. Et puis le dimanche soir, évidemment, de 20h à minuit. Il y a Lilo qui lui demande à Valentin. Oui, bah justement, on va le demander. On va le demander à Valentin, là. T'inquiète pas. Attends, il est où, mon demande à Valentin, là? Ah, bah il est là, tiens, très bien. Tu parles de faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Eh bah voilà. Il y a GTR 586 qui dit bonsoir à Colline, il y a Priscia qui dit moi j'ai grillé un stop en voiture banalisé, du coup je me suis fait choper, mon pote lui a grillé, il a rien eu. Il y a Mélanie Okilis qui dit salut, c'est Mélanie la nouvelle auditrice, la pote de Colline, j'adore ce que vous faites, changez rien, gros bisous. D'accord, ok, bah écoute, tu sais quoi Mélanie, t'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Pardon, c'est pas ce que je voulais envoyer, je suis désolé. Pardon. Bienvenue. Voilà, bienvenue, hein, c'est ça. C'est pas celui-là. On est des gens sympas. Pas celui-là, c'était celui-là même que tout à l'heure. Je veux plus avoir de nouvelles de toi. Est-ce que tu comprends? Voilà, pardon, Mélanie, c'était un peu sauvage comme accueil. Et Raphaël qui dit quoi? Et mon message de bienvenue? Ah bah oui, bah t'inquiète, attends, je vais te le mettre aussi, celui-là, voilà, tiens. Mais putain, va te faire enculé, la fille de putain. Voilà, c'était la petite chinoise. Et puis Lynn aussi qui dit putain, la douane qui a écouté Mickaël, j'adore. Bah ouais, et surtout ça l'écoute la douane. D'ailleurs, je salue tous les douaniers. Si vous voulez, je repasse à la même endroit jeudi vers 2h30 du mat à peu près. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Bah, je pouvais pas leur donner un iPhone, sinon ça aurait été de la corruption. C'est vrai, oui, c'est ça. C'est mal. C'est pas bien. Indissociable qui dit moi, je me battais avec un pote et quand je l'ai vu, j'ai voulu partir et ils m'ont mis leur flashball vers moi, je suis sorti direct. Il y a Cell23 aussi qui dit oh, qu'il est bête. Bah oui, mais qu'il est bête, Tof, c'est ça aussi. D'ailleurs, il mérite un coup de pelle pour le coup. GTR586 qui dit bonsoir à nos amis canadiens. Et ben bonsoir également à nos amis canadiens qui sont de plaisir appelés nombreux à nous écouter sur internet. Ils ont pris leur charge sur internet. Au truc au volant là. Au service au volant chez le McDonald's. Au service au volant. D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir bientôt écouter sur funradio.ca. Fun Radio Canada. Bon, Let's Be Flux, il dit pipi sur les chaussures de la police, ça c'est pas mal. Ah oui, c'est Guillaume qu'on a eu tout à l'heure et Juju qui dit il veut la récupérer. En plus, le mec il doit réfléchir un peu quand même. Ça c'est par rapport à Guillaume également, mais par rapport à un autre Guillaume. Bon, je vous rappelle également qu'il y a ce soir, eh bien, la PlayStation 3 a gagné. PlayStation 3 avec le jeu, le gros jeu, le lourd, très très lourd, Beyond Two Souls qui ne sortira que la semaine prochaine. Ouais. On vous l'offre en exclu. Et c'est avec Lauriane qui est avec nous et qui va nous refaire un petit coup la colle. Hein, Lauriane, toujours là. Toujours là. Très bien. Alors attends, parce que toi aussi t'avais des bonnes mensurations. Attends, je remets un petit peu de spray dans ma bouche, un peu de menthol. Voilà. Ça va mieux comme ça? C'est mieux. Parfait. Bon, Lauriane, on t'écoute. Alors, je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? Alors, je suis deux fois... Je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? C'est bien ça? C'est ça. Bon, il y a des messages qui sont arrivés, une éclipse? Non. Il y a Mickaël qui proposait l'heure? Non. Il y a Guillaume qui proposait la lettre N? Non. Un œuf sur le plat? Non plus. Du jambon? Bon, du jambon? Non. Bon, bah, si vous avez la bonne réponse, je répète, je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? Vous envoyez simplement maintenant M-I-K-L par SMS et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. C'est bien ça? Bah oui, enfin mais pour la colle, je me doute bien, tu vas pas me dire ah ben non, c'est pas ça, t'as fait une erreur. Bon, pour la colle, donc je répète encore un coup. Regardez, alors je me dis bon bah c'était énorme. Ouais, c'est ça. Majuscule. Ouais. C'est toi le patron. Je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? Voilà, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64-900 ou au 63-22 depuis la Belgique. Rancard également sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Voilà. Bon, Lauriane, on te récupère dans un instant, ok? Ça marche. Allez, vous avez jusqu'à minuit 30 pour participer, donc surtout n'hésitez pas. On va récupérer Sandrine dans quelques minutes également pour parler de la police, puisque Sandrine également s'est fait arrêter, n'est-ce pas Sandrine? Oui, tout à fait. Hein, c'est mal Sandrine, tu roulais trop vite? Non, au téléphone. Au téléphone, Sandrine, c'est encore plus mal, coup de pelle. Voilà. Bon, Sandrine, tu nous expliques ça dans quelques minutes, ne bouge pas de là. Et puis, Guillaume, de retour là, Guillaume? Oui. Bon, très bien. Alors, Guillaume qui nous avait appelé parce que il est sorti avec une meuf, hein, c'est bien ça, tu me dis à partir de quand je me trompe. T'es sorti avec une meuf, cette meuf, donc pendant un mois et demi, cette meuf t'a trompé une fois, deux fois, tu t'es rendu compte la troisième fois, et donc il y a un moment tu veux la récupérer maintenant alors qu'au final en un mois et demi, y compris toi, elle s'est tapée quatre mecs. Oui. C'est bien ça. Et pas moi, et je suis très déçu. Et je me sens vexé. Exactement. Et nous avons Vanessa qui est donc, comment on peut dire, Vanessa qui est un petit peu, qui est un petit peu là. Avec Laurie de la soirée. Allô? Oui, t'inquiète pas, on t'écoute. On t'imagine, là, on t'imagine. Attends. Courant nu sur le sable. Voilà, à Nice, sur le sable, à la plage, tout ça. Exactement. Enfin bon. La poitrine balançant de droite à gauche. Ah bah, avec A90, il y a de quoi faire. Hein. Tuant un jeune homme. C'est ça. En mettant un coup sur la gueule de Tof. Voilà, un coup de sien sur la gueule de Tof en courant. Avec plaisir. Remets-moi un deuxième. J'y mets. Allez, vas-y. Très bien. Voilà. Ah oui. Bon, arrête parce qu'il va finir par faire des cochonneries. Bon, alors Vanessa, toi tu voulais réagir par rapport à Guillaume. Combien de fois t'as trompé ton mec, Vanessa? Non, lui m'a trompé. Oh non, mais c'est pas possible. Quand t'as une meuf avec des mensurations pareilles, on fait pas des conneries quand même. Si, il m'a trompé. Pour il ton m'a mec, trompé. Un coup de pelle. Voilà, non, mon ex, hein. Maintenant ça l'est plus, justement. Ouais, pour ton ex, voilà, c'est ça, un coup de pelle. Ça veut dire que tu es célibataire, Vanessa? Non, là non, plus maintenant. Ah, qu'est-ce qu'elle est conne. Qu'est-ce qu'elle est conne. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle est conne. Oh, les petits bourrins, là. Ah, dis donc, tu veux un coup de pelle aussi ou pas, là? Oui, vas-y. Voilà, non mais je rêve. Bon, et donc du coup, Vanessa, donc son ex. Et donc du coup, mon ex, on s'était engueulé et totalement un week-end, il était parti. Donc nous, ça faisait pas un mois et demi quand même, ça faisait un an. Ouais. Et il m'avait déjà trompé et je l'avais donc pardonné. Oh. Il m'avait déjà trompé plusieurs fois, donc des plans à plusieurs, comme dit Ah. Ah ouais, donc et toi, il t'a trompé plusieurs fois, mais tu le pardonnes quand même. Voilà, je lui ai pardonné. Comme Guillaume veut faire à donc sa copine. Et moi, je viens témoigner parce que je croyais qu'il avait changé. Ouais. Et en fin de compte, on s'engueule ce fameux week-end et bien sûr, ben, je cède encore une fois, je retourne chez lui. Il s'en va travailler le matin et là je vois qu'il n'y a pas de souris sur l'ordinateur. Alors je voulais sortir, donc je me suis dit il a caché la souris de l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est, ben c'est vraiment, ouais. Franchement c'est vraiment un mongol hein, parce tu sais le mec il a les codes qui existent, il peut débrancher la prise, genre il est en panne, c'est mais piquer la souris, ça c'est vraiment autant mettre un panneau, j'ai un truc à cacher mais tu ne le sauras pas tout de suite. Oh qu'il est con, oh mais qu'il est bête. Qu'il est bête. Oh qu'il est bête. Ah moi j'aimais bien cette technique. Ah ouais tu parles. Et donc après je trouve la souris, je trouve son code. Et en fin de compte, je m'en suis rendu compte que je vais sur ses historiques à l'époque MSN, j'avais 15 ans. Mon Dieu, MSN, et... ouais. Paix à son âme, donc... RIP MSN. Voilà. Et donc, je parlais cru, donc il y avait marqué la meuf qui lui disait « Alors, c'est quand que t'arrives ?» Ça faisait vraiment... Il lui disait « Bah attends, je me nettoie la bite, j'arrive de suite. » Oh là là, qu'est-ce qu'il est con lui aussi alors, putain. Hey, c'était top ça. Attends, mais c'est quoi ce message? Même si tu prends ta meuf ou n'importe lequel, tu dis pas ta... Attends, j'arrive, je me nettoie la bite, tu te laves les mains, tu prends une douche, tu fais ce que tu veux, mais tu te laves pas ça. Ah, bon, comment il chauffe le mec. Vanessa, reste avec nous, tu vas raconter la suite. Après, il y a Fred aussi qui va récupérer, qui va revenir, il y a Guillaume également, vous toutes et vous tous en direct. On est là sur Fun Radio jusqu'à 2h du mat. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit. Sur Fun Radio. Vous pensez avoir tout entendu? Vous vous trompez. Mickaël No Limit, 23h, 2h. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio avec Cell 23 qui dit mort de rire, attends je me lave la bite, ça va tuer. Ah non mais c'est exceptionnel, là, on va reparler dans un instant là avec Vanessa, donc bougez pas. Il y a Lilo qui dit je me nettoie la bite, ah oui d'accord. Il y a Happiness qui dit non mais je vous adore tranquille dans mon lit et je suis en train de rigoler toute seule. Eh ben c'est le principal Happiness. Il y a Witwiki aussi qui dit ça fait 5 jours que je vous écoute et j'ai toujours pas eu mon message de bienvenue. Oh bah attends une seconde, il est là, tiens va, tiens prends-le, tiens Witwiki. Ouais toi je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir. Voilà, tu vois c'est ce que tu voulais. Il y a Laure aussi qui dit mon ex m'a trompé et je ne demande que ça. Retournez avec, mais c'est ça votre problème les filles, c'est que c'est dingue, hein, on en a déjà parlé, mais plus on vous traite mal, façon de parler évidemment, hein, plus vous avez envie de revenir. Ouais. C'est un truc de dingue. Et les mecs gentils, bah eux ils l'ont toujours dans le fion. Toujours. Non arrête ton les cinéma, Toff, pas comme toi certainement pas. Y a Rémi qui dit j'ai pas entendu de pet Toff, là il est constipé ce soir. Non, non hein. Tout va bien. Non. Voilà, non, il va bien, fidèle à lui-même. Bon, allez, venez nombreux encore, facebook.com/Mickaël officiel. Venez nous rejoindre également. Il y a sur le Facebook la question, la colle de ce soir, donc pour répondre. Je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? C'est pour gagner votre PlayStation 3. PlayStation 3 avec le jeu Beyond Two Souls qu'on vous offre en exclu avant sa sortie la semaine prochaine. Pour gagner, vous envoyez Mickaël espace la réponse au 64 900. Ou au 63-22 pour la Belgique. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Je vous l'avais promis, le son de Basto qu'on écoute maintenant sur Fun. Basto avec Dance With Me. Soyez les bienvenus, c'est Mickaël No Limit. On est là jusqu'à 2h du mat ce soir. Prévenez vos potes d'ailleurs, hein. Dorénavant c'est sur Fun Radio que ça se passe, tous les soirs de 23h à 2h et tous les dimanches également de 20h à minuit sur Fun. Le son de Basto sur Fun Radio, c'était Dance With Me. Bienvenue si vous venez de débarquer, là on est parti. C'est plus de pub maintenant sur Fun Radio. Jusqu'à 2h du mat, on est en direct avec vous. Donc vous balancez tous vos messages évidemment. Il y a Rémi qui dit j'ai pas entendu le pet-off. Mais si, c'est bon, oh, il était là. Attends, il est où le pet-off? Merde, c'est pas celui-là. Voilà, il est en pleine forme, tout va bien. 23h, 2h. Mickaël No Limit. T'as à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct, je vous le disais justement avec tout à l'heure le chéri, je peux te faire cocu, ça va arriver dans un instant. Si vous voulez d'ailleurs jouer avec nous au chéri, je peux te faire cocu avec des cadeaux à gagner. Alors le principe est très simple. Il suffit simplement, si vous êtes maqué, évidemment, ça, c'est un jeu qu'on réserve aux couples. Donc si vous voulez prendre la tête à votre copain ou votre copine, eh bien c'est possible. Vous nous appelez en imaginant que vous êtes une fille par exemple. Vous appelez votre copain en direct à la radio. je me fais passer pour un mec qui vous a proposé de coucher avec vous juste un soir comme ça pour voir. Et puis bah vous, comme vous êtes une fille honnête évidemment, et bah vous, vous avez envie de demander l'avis de votre copain afin qu'il dise oui. Et puis après je lui prends la tête et rassurez-vous, je suis assez doué pour ça. Donc si vous voulez jouer avec nous ce soir, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Tony aussi qui dit c'est clair, mais depuis que j'écoute, j'ai toujours ma barre de rire avec Mickaël. Eh bah, ben merci Tony, en tout cas c'est bien gentil de ta part. La prince qui est prince Adia qui dit je dois avouer que j'apprécie encore plus le son de Basto lorsqu'il démarre par tu me dégoûtes, tu comprends, tu me dégoûtes. Oui, c'est original. Rémi qui dit j'ai pas entendu le père. Ah mais c'est bon Rémi là, t'avais déjà dû deux fois là. Et qu'est-ce qu'il y a aussi Chris qui dit la relation la plus courte que j'ai eue, le record c'était 4 heures. Est-ce qu'il y a mieux? Oui, Toff également, hein, vu sa précocité, une demi-heure. Je crois que ouais, je dois avoir un 20 minutes, un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais. Thierry aussi sur le Twitter. Baiser, je suis déçu. Bah oui, Thierry sur le Twitter qui dit continuez comme ça, Mickaël et toute l'équipe, vous vendez du rêve, merci. Et puis Donovan qui dit Lauriane partage son numéro sur Facebook. T'as vu Lauriane, t'as des fans. Ah ouais, carrément. Ah bah carrément, Lauriane, t'es célibataire ou pas? Oui. Ah bah tu vas avoir encore plus de fans là. Alors je note ton numéro que je vois dans le standard 0620. Allez tais-toi. Bon il y a Lynn aussi qui dit peut avoir un message de bienvenue Lynn. Ben bien sûr allez celui-là. Vas-y va te faire enculer connard. Bon voilà Lynn hein, t'as voulu tu as eu maintenant. Et puis Cécile qui dit bonsoir toute l'équipe. Je voulais vous faire un gros bisou car vous êtes tous géniaux. Et même s'il y a beaucoup de cas sur lesquels vous tombez, vous restez toujours aussi cool même après des années. Bonne soirée. Merci Cécile et gros bisous à toi. Sois la bienvenue également. Et puis on va dans un instant également et bien se faire le chéri je peux te faire cocu, puis surtout quelques appels n'est-ce pas Lauriane, t'as entendu, bah on en avait parlé justement avec toi de cette université aux États-Unis qui propose donc bah une semaine spéciale nudité avec des cabarets nus, des soirées nues, des body painting, du yoga nu, etc. et donc bah j'ai proposé à Toff qu'il appelle des gens pour bah voir si éventuellement il y avait peut-être moyen de négocier un truc là-bas quoi, hein, enfin pas là-bas mais en tout cas si eux voulaient éventuellement s'inscrire à cette nouvelle opération spéciale nu, n'est-ce pas Toff? Mais oui, moi je suis partisan de ça. Bah, c'est ça. Mettons-nous d'ailleurs tous nus dans le studio. N'allons pas jusque-là. Je suis heureux que ce soit toi la première. J'ai beaucoup d'humour. Parce qu'après, Lauriane va fantasmer, c'est pas bien. Puis Vanessa également va fantasmer, c'est pas bien non plus. On a perdu Vanessa. Bah, elle est où Vanessa? Impossible de la rappeler. Hein. Non, Vanessa, merde, t'es sérieux là? Moi, bon, heureusement, je voyais déjà tes seins autour de ma tête. Heureusement, nous avons toujours Laurine. Oui. Voilà. Lauriane. Lauriane, excuse-moi, Lauriane. Bon, moi, c'est mort. C'est pas grave, c'est l'habitude. Je cherchais qui était Lauriane, mais ça va. Voilà, moi, j'ai aucune chance, c'est plié là. Je me suis mis au placard tout seul, comme un grand là. Ça y est. Non, ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Ah bon, ça va alors, Thérèse. Bon, alors. Non, quand même pas là, quand même. Ah bon, faut pas viser. Bon, on appelle Toff. Allons-y. Bon, merci à tous ceux qui ont partagé les numéros de gens qui étaient un petit peu sanguins et qui sont encore debout à cette heure-ci. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. sandro@funradio.fr pour partager tous les numéros de téléphone de gens qui sont en pleine forme. Allez, on y va, on appelle le premier maintenant. C'est parti. Toff au taquet comme d'habitude. Toujours. Enfin, on va essayer en tout cas. Hein. Et retour avec Guillaume avec son histoire de d'ex là. Essayer de trouver une solution et puis de l'appeler aussi. Et puis on va aller teubé de la télé aussi à minuit, hein, dans 5 minutes. Et de toute façon, là, ça ne décroche pas, donc ça sera du vite vu. Allô ? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que c'est la semaine du nu en ce moment. Oui, bonjour. Oui, voilà, oui. C'est la semaine du nu. Du nu ? Oui, du nu. Vous savez, quand vous êtes tout nu et que vous vous promenez sans rien sur vous. D'accord. Voilà. Et en fait, donc on organise des petits ateliers yoga, body painting, une soirée rencontre. Et donc, du coup, je me disais que peut-être vous pourriez venir participer. Ah bah, moi, il n'y a pas de problème. Avec votre femme. Ah bah oui. Bah oui, et bah écoutez, ça me fait plaisir alors. Hein ? On peut compter sur vous ? Non, je crois pas. Bah vous venez de me dire que oui. Personne ! Oui, allô monsieur ? Oui, allô ? Oui, donc vous venez de me dire qu'on pouvait compter sur vous ? Oui ? Oui, bonsoir madame. Oui. J'étais au téléphone avec votre mari qui me disait que vous étiez d'accord de participer à la semaine du nu ? Oui. Oui ? Et donc quand est-ce qu'on peut compter sur vous ? Non mais je crois pas. Mais vous croyez pas quoi monsieur? Mais on va pas venir avec notre femme, ferme la porte. Mais pourquoi? Attendez monsieur, vous m'avez dit que je pouvais compter sur vous et maintenant vous me dites que non, je comprends plus rien. Ah bah moi non plus. Mais donc vous venez ou vous venez pas? Ah bah je vais pas venir je pense. Bah pourquoi vous voulez plus venir monsieur? Et toi tu viens avec ta femme? Bah oui moi je serai là monsieur, je n'ai pas de femme mais je serai là. Ah bah il faut une femme, faut être rentable. Bah c'est pas un club échangiste monsieur. Hein, c'est une opération tout à fait honorable, hein, et pas de sexualité là-dedans. Et pourquoi pas ? Ben, parce que ce n'est pas le but de l'opération, monsieur. Le but, c'est de mettre le corps en valeur. Bon, ben, je dirais à ma femme de venir, alors. C'est vrai, ben, écoutez, laissez votre femme venir toute seule, c'est mieux. Ça va pas le faire. Je pense qu'on en profitera plus. Je crois pas, non. Ah bah si. Ah non. Hein, visuellement, ça doit être plus attirant. Non. Ah, votre femme est moche ? Croyez-moi, vous voudrez pas voir ça. Ah oui, elle est vraiment si moche que ça, alors. Ah, je pense aussi. Ah oui. Bon, ben, bon courage, alors. Hein. Bon courage à vous. Merci, au revoir. Au revoir, la radio. Quel con. Il a raccroché, merde. Oh, il aurait pu dire. Ouais, tout ça pour dire, putain, depuis le début, on galère là. Et, en fait, il sait que c'est la radio. Quel con alors. Ils ont baisé Tof. Mais oui, complètement. Ouais. Là, pour le coup, clairement, clairement. Bon, Guillaume, retour avec toi. Là, il y avait Noémie, Fred qui est avec nous de Lyon. Ouais. Là. Bonsoir, Fred. Tu voulais réagir à Guillaume ? Encore Noémie, moi. Non, non, excuse-moi, mais Noémie, c'est en ligne au-dessus, mais elle voulait réagir à la police, n'est-ce pas, Noémie ? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Bon, ben, reste avec nous, Noémie. Hein. Pas de problème. Bon, bouge, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Tof ? Oh là là, bon, allez, vas-y. Non, rien, y a rien. Bah, si, vas-y. Ah, bon, allez, Noémie, combien mesures-tu ? Je mesure 1m60. Combien pèses-tu, Noémie ? 55 kilos. Quel est ton tour de poitrine ? 90 C. Oh là là. Ah, putain, c'est la soirée. Ok. Je l'ai dit hier, les auditrices de fun sont. Les plus bonnes. Ah oui, oui, oui. Et la taille des pantalons que tu as acheté ? 36. Oh là là, oh, putain, mais ça, c'est l'hymne des auditrices de fun. Elle hein. Est bonne. Qu'est-ce qu'elles sont ? Ah oui, qu'est-ce qu'elles sont ? Qu'est-ce qu'elles sont ? C'est une tuera. Ouais, ouais. Eh ben, sois la bienvenue, Noémie. Hein. Merci. Mais ne bouge pas, surtout. Hein. Pas de problème. Bon, bah très bien. On a toujours Lauriane aussi qui est sur le grill. Là. Toujours là, Lauriane. Hein. Toujours là, bon, je parfait. Bouge pas. Oh là là, 2,90, ils sont là. Oh bon, 85, 90. Ça a du mal à rester dans le standard, ça déborde. Oui, c'est ça, ça déborde. Mais je vais poser ma tête sur le standard. Comme oui, ça, c'est ça. Tout ce que tu vas prendre, c'est un coup de pelle, toi, Tof, sur la gueule pour te refroidir. Bon, alors, Fred, donc toi, tu voulais réagir par rapport à Guillaume qui donc nous avait appelé parce qu'il est sorti avec une meuf pendant un mois et demi. Pendant ce mois et demi, elle l'a trompé 3 fois. Et donc, il veut la rappeler, il veut la reconquérir. Alors, Fred, qu'est-ce que tu voulais ajouter, toi ? Moi, en fait, il ne m'est pas arrivé quasi la même chose, mais en fait, c'est moi qui me suis fait avoir mon propre jeu, en fait. C'est-à-dire, donc, c'est-à-dire ouais. Ouais, du coup, en fait, je suis sorti avec une meuf et du coup, pendant un temps, ça allait super bien, donc on visait notre histoire tranquille. Et au bout du compte, un jour, j'en ai eu ras-le-bol et du coup, après, je suis allé sur le chat, j'ai rencontré une autre meuf, en fait. Et sans le savoir, en fait, c'était sa sœur jumelle, la fausse sœur jumelle. Et un jour, on allait boire un verre, voilà, on a discuté plusieurs fois. Et donc, je suis ressorti avec ma meuf tranquillement boire un verre et sur qui je tombe sur elle à côté. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, du coup, après, elles sont pris la tête parce que ce qu'elle m'avait caché, c'est qu'elle s'était fâchée. Et du coup, elles sont mangées toutes les deux après. Oh, ah, c'est bien. C'est bon. Ça, c'est le kiff de Tof, ça, de se taper deux jumelles. Enfin, forcément. Ah ouais. Et du coup, après, deux voilà, donc après, elles m'ont tapé l'affiche. Ah, et ils ont fait quoi pour taper l'affiche ? Ah bah après, ils ont fait tourner mon numéro sur des sites de cul, quoi. Ah oui, ah, d'accord. Et du coup, après, elles ont été très loin, quoi. Donc, Ah, sur des sites de cul, carrément, elles ont pas eu peur, quoi. Ah ouais, mais non, elles ont pas eu peur. Et du coup, après, elles m'ont fait une sale réputation au bahut, au lycée, voilà, machin. Elles sont sorties avec les deux meufs. Ouais, dans donc, l'absolu. À chaque fois que j'essaierais de serrer, voilà, j'étais comme ça. Dans l'absolu, elles ont raison, hein, t'es foutu de leur gueule, bien fait pour ta gueule, justement. Oh, bah ça va, j'étais allé voir ailleurs une fois, c'est pas grave dans ma vie. Bah, oui. Non, mais c'est ça, c'est rien, attends, elles sont reloues, qu'est-ce qu'elles m'emmerdent, là, les meufs, là, elles sont sérieuses ou pas, là ? En même temps, elles se marient à 21 ans, alors qu'est-ce qu'elles ont à foutre à se marier ? Ouais, et elles t'ont pas dit ça ? Ta gueule, quand même ! Non ? Elles te l'ont pas dit, ça, non ? Non, ça m'ont pas dit, mais et ça une base de faire enculer au clochard. Ah non, ça jamais, non. Non, ah bon, mais ça c'est marrant, ça. Pourtant j'aurais cru, hein, mais enfin bon. Bon, bah écoute, très bien. Alors qu'est-ce que t'as comme conseil à donner à Guillaume? Et bah Fred, du coup, qu'il laisse tomber, parce qu'au bout du compte, à chaque fois, ça va revenir, elle va recommencer, que ça soit, je veux dire, c'est comme quelqu'un qui boit, il recommencera toujours. Hein. Ah bah bien sûr, donc, mais... voilà, bah oui. Donc qu'il arrête et qu'il la laisse tomber, quoi. Voilà, donc, c'est ça. La peine. Bon, écoute, tu veux quand même qu'on l'appelle, Guillaume, ou t'as changé d'avis? Non, je l'aime, je veux qu'on la rappelle, je veux qu'elle me trompe, je veux qu'elle m'insulte. Non mais dis-moi, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Hein. Je veux être malheureux. Guillaume. Je veux bien, mais ouais, je veux bien. Bon, tu l'appelles toi ou tu veux qu'on l'appelle nous ? Non, que vous l'appeliez. T'es pas un peu mou ? Ah ouais, c'est peut-être ça qui lui manquait, hein ? Un petit peut-être peu son fantasme, hein ? Bah peut-être, non mais peut-être. Bon, on l'appelle et écoute, je sais pas ce qu'on va dire, on verra bien, je l'appelle. Allez, c'est parti. Elle s'appelle comment, Guillaume ? Justine. Ah. Justine. Ah bah c'est parfait, comme ça c'est fait. Hop là, bah c'est le répondeur Guillaume, comme ça t'as... Bah comme ça c'est fixé, hein, mais merci de passer Guillaume. Non mais cela dit, t'as vu, tous les auditeurs t'ont dit, vas-y, vire-la, pense à autre chose. Hein. Et même, aussi bonne soit-elle, parce que peut-être qu'elle aussi... Qu'est-ce qu'elle est bonne, bah, peut-être qu'elle est bonne. Non mais c'est vrai, peut-être qu'aussi elle est... Elle est au taquet peut-être, ou pas, je ne sais pas à quoi elle ressemble, Guillaume. Elle est blonde. Ouais. Petite, aux yeux bleus. Et t'as dû donner... C'est une soutien-gorge, c'est ça que tu dis? Oui, c'est tour de poitrine. Non, tour de poitrine, oui. Et la taille du dernier pantalon. Ah oui, c'est ça. Depuis le temps que je le fais, tu sais pas encore. Oui, bah j'ai oublié. Tour de poitrine, c'est combien? Je sais pas, bon. Oh bah mec, t'es resté. Ah bah oui, en un mois et demi, t'as peut-être pas eu l'occasion. Non, il a peut-être pas assez bien palpé. C'est possible. C'est des petits détails qui comptent pour une femme. Mais bien sûr, bien sûr. Bon, les accessoires. Bah écoute, ce qui est pas bon aussi, c'est qu'elle m'a laissé tomber comme ça et sans me donner de raison, quoi. Et si tu veux, demain, on peut essayer de l'appeler pour essayer d'avoir une raison. Là, à mon avis, si elle a coupé son portable, elle le rallumera pas avant demain. Mais si on peut essayer d'appeler demain. Elle allait changer de numéro, donc. Bah ouais, mais alors. Mais, Guillaume, franchement, si elle t'aime, elle te rappellera. Hein. Ouais, mais là, t'en rappellera pas. Hein. Mais qui passe à autre chose, hein. Voilà. Mais je pense que. Parce que je reçois des appels en inconnu. Et je pense que c'est elle. Oui, non, bah ça m'étonnerait, hein, mais bon, peut-être. C'est ton opérateur téléphonique qui va prendre. Oui, vous n'avez pas changé de forfait depuis longtemps, je vais vous proposer la meilleure offre du monde. Ils appellent toujours en masqué. Ouais, c'est ça, à chaque fois ils t'en fument. Bon, bah Fred, en tout cas, merci à toi d'être passé. Ouais, de rien. Et reviens quand tu veux, Fred, ouais, à bientôt. Y a pas de soucis, allez, bonne et on embrasse tout le monde à Lyon. Salut à toi, le Lyonnais. Allez, ciao. Ciao, Fred. Bon, bah Guillaume, bah merci de passer en tout cas. Tiens-nous au courant si jamais t'as des nouvelles. Hein. Bah oui. Bon, bah je compte sur toi. Salut à toi. Salut, merci. Salut Guillaume, allez, à bientôt, ciao. Et si on se faisait les teubés de la télé, tiens, justement, maintenant, là. Bah oui, vous attendez ça avec impatience tous les soirs aux alentours de minuit. Et bah, les teubés de la télé, c'est dans les 12 coups de midi. Dieu sait qu'ils sont là souvent, les 12 coups de midi. Hein. Oui, c'est bizarre, cette émission. Ah oui, c'est bizarre. Il y a Jean-Luc Reichmann qui a compris que c'était en fait un bide. Hein. Bah, nous, quand on conduit, et bah, si on tourne à droite, on met le signophile à droite. Et cool. Pour l'antibé, on dit, mets-moi le soufflant, Jean-Claude. Vous connaissez. Ah, c'est ce qui s'appelle un bide. Ah ouais, là ouais. Et puis après il y a eu également dans Confessions Intimes. Ah, que j'aime Confessions Intimes. On a encore eu un grand moment de romantisme. Ça, c'est une femme, je suis désolé. Pour moi, c'est des salopes. C'est des chanteuses avant tout d'abord. C'est des chanteuses, mais t'as vu comment elles sont habillées? Et alors? Tu serais chanteuse, peut-être que tu seras habillée comme ça. C'est ça, oui, j'y pensais, oui. Dès que tu vois ça, toi, tu fais... Et tu rages une fois. Non, tu dis pas les jolies, tu dis les bonnes mames. C'est juste pour te faire comprendre que je veux une femme à la maison et pas ça. Oh eh ben voilà, et eh ben ouais, et pas ça. Alors du coup, il y a Julien Lepers qui essaye lui de me rendre service, quoi. Bicha ma biche, alors ce que tu soulignes. Je suis le seul à chanter, bien sûr. Oui, mais c'est normal, Julien. Bon, mais merci Julien d'être passé en tout cas. Hein. Vraiment, là, ça nous a bien aidé, hein, le truc. Inutile. Ah ouais, l'intervention qui était magnifique. Oh magnifique. Là, Julien. Bon, Noémie, dans un instant, qui va réagir par rapport à la police. Bah, t'as encore un petit peu de temps, Noémie, devant toi, Sandrine aussi. Oui, j'ai pas de problème. Bon, ben parfait. Alors, bougez pas de là, les filles, je vous garde. Tiens, mais Sandrine, on n'a pas encore fait le tour du propriétaire avec Sandrine, me semble-t-il. Ah non, c'est vrai. Oh là enfin, là. Si tu veux, toi, après. Écoute, Mont-de-Marsan, 31 ans, c'est parfait. Sandrine, bon. Combien mesures-tu? 1m68. Combien pèses-tu? Il y a quelques rondeurs, 75 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 100D. Ah oui. Ah mais tout est là en fait, hein, c'est pour ça. Mais le poids est bien réparti. Ah oui. Dès énorme. Danone. Comme Denis. Comme Danette. Comme la mère Denis. C'est voilà, c'est pareil. Des énorme. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 46. 48, ouais. 46. Attends, mais ça dépend comment ça taille. Bah, c'est pas normal. Il y a un problème quelque part. Bah oui, il y a un problème dans les calculs. Oui, c'est les données. Je croyais que toi, s'il avait pris des mauvais calculs, j'étais déjà prêt à lui mettre un coup de pelle dans la gueule. Tout est dans le dé. Non, il y a des petits soucis de santé aussi. Ah d'accord, ok. Non mais je pensais. Bah, j'ai failli taper Toff pour rien, dis donc. Oh, non, voilà. C'est pas très grave. Bon, Sandrine, reste avec nous, ne bouge pas de là, de Mont-de-Marsan, là, Noémie retour aussi. Et puis Lauriane, on va se refaire un petit coup de colle dans un instant. Ok. Allez, on va se mettre le son maintenant de Fédé Legrand, ça te chauffe? Ah ouais, carrément. Ok, carrément, bah très bien, allez, c'est parti. Fédé Legrand maintenant sur Fun, c'est No Good, bienvenue si vous arrivez, minuit 5, on va se faire le chéri, je peux te faire cocu, dans 3 minutes sur Fun Radio, la réponse également à la colle avec notre ami Lauriane sur Fun Radio, donc restez bien sur Fun Radio, on est ensemble et en direct sur Fun Radio, bienvenue tout le monde, on écoute Fédé Legrand tout de suite, c'est No Good sur Fun Radio, Mickaël No Limit jusqu'à 2h. Tous les soirs. Fun Radio. Radio. 23h, 2h. Nos limites. Allez vous faire foutre. Mickaël. Sur Fun Radio. Mais oui, allez vous faire foutre, comme ils disent. Bon, bah, si vous voulez venir prendre le contrôle de Fun Radio, on est là jusqu'à 2h. 01 42 48 5000. 02 851 4x0. Il y a le chéri, je peux te faire cocu, Lauriane, qui va débarquer d'ici quelques secondes. Et avant cela, évidemment, on refait un point sur la colle. Alors attention, Lauriane, t'es prête ? Oui. Allez, vas-y, refais péter la colle, Lauriane. Alors, je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je ? Je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Uh-huh. Qui suis-je ? Alors, il y a une étoile filante ? Non. Il y a Gwelolé qui proposait la réponse, c'est la poésie ? Non plus. La lettre T ? Non. La lettre E, c'est Loïc de Tours ? Non. Le solstice ? Non. Ah merde, bon bah c'est toujours pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, et maniez-vous à minuit 10, là, il y a beaucoup qui dorment. Hein, donc si vous voulez choper la PlayStation 3, vous avez évidemment plus de chance qu'hier, puisque hier 20h minuit, plus de monde. Donc PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls qu'on vous offre si vous avez la réponse à la petite colle de Lauriane. Donc je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Si vous avez envie de gagner, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse au 64-900 par SMS ou au 63-22 depuis la Belgique ou encore via le Facebook, facebook.com/ et Mickaël officiel. Bon, Lauriane ? Oui. On va te retrouver tout à l'heure ? Ça marche, pas de parfait. Soucis. Bon, eh ben ne bouge pas, Lauriane, à tout de suite. Chérie, je peux te faire cocu. On va donc jouer dans quelques secondes. On va récupérer également Grégory qui s'est fait choper par la police, Sandrine qui s'est fait choper par la police, Noémie également. On aura Sébastien et on parlera de quoi dans un instant avec toi, Sébastien ? Pour ma meuf. Pour un mec, ta meuf, c'est ouais, ça ? Ouais. Oui. Ok, d'accord, Sébastien, il va se réveiller un petit peu, hein, parfait. Hein. Eh ben, ne bouge pas de là, Sébastien. Et puis, on a... on a top tweet, apparemment, il y a le prince là qui dit Mickaël, un top tweet, et ce n'est qu'un début. Ah bah, mettez en top tweet pendant qu'on va faire le chéri, je peux te faire cocu, justement. Bon, il y a Pauline également qui est avec nous et qui nous appelle, pourquoi ? Pour chéri, je peux te faire cocu. Ah, très bien. C'était petit chéri, je peux te faire cocu, qu'on aime beaucoup, en règle générale. Hein. Chéri, je peux te faire cocu, qui va te permettre de repartir avec des cadeaux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Chéri, je peux te faire cocu, où on est déjà tombé sur des cas très intéressants comme celui-là. Je vais te baiser ton cul, je vais mettre une bite dans ton cul, tu vas voir c'est quoi, c'est ce connard. Voilà, donc en pleine forme ou ça aussi. Tu te fous de ma gueule, t'es en train de me dire que ça me fait coquer et je suis censé avoir de la chance. Vous voyez, exactement, c'est un petit peu ça. Et puis là, la semaine dernière, c'était celui-là. Non, vas-y, je te le retiens, toi. Attends, celui-là aussi. Moi, je sais même pas pourquoi je pète un pont, mais en fait, autant que je te l'avoue, je t'ai déjà trompé aussi, tu vois. Voilà, donc ça c'était fille avec fille, bon, peu importe. Alors, t'as vécu depuis combien de temps, Pauline, avec ton mec ? 3 mois. Ah oui, c'est tout récent, d'accord. Oh, ouais. Très bien. Et tu l'as déjà trompé combien de fois ? Bon, 0. Et en vrai ? 0. Bon, allez, arrête ton cinéma, Pauline. Hein, hein, Pauline ? Non, franchement, non, jamais. Au moins une désattirance pour un autre ? La pipe, ça compte. Même hein. Pas. D'accord. Bon, Pauline, on va y aller. Donc, chérie, je peux te faire cocu. Le principe est simple. On va donc appeler ton mec. Tu lui fais croire qu'on s'est rencontré, je sais pas, dans une soirée la semaine dernière, peu importe. Et que ce soir, eh ben, en fait, t'es avec moi. Tout simplement parce que je t'ai proposé la semaine dernière de coucher avec toi juste un soir, voilà, sans plus, sans rien derrière. Et bah, toi, comme t'es une fille bien, tu lui demandes la permission, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Bon. On y va, on l'appelle ? Ça marche. Très bien. Donc, on est chez moi, on est tranquille, on est pépère. Comment il s'appelle lui encore ? Andy. Andy. Très bien, c'est parti. On y va, on l'appelle. Je te laisse démarrer. Et puis quand j'arrive, t'inquiète, je gueulerai derrière. Tu me le passes au besoin. Quand je te le demande, on verra bien. D'accord ? Ça marche. C'est parti, vas-y, Pauline. Allô ? Andy ? Oui. Ouais, en fait, je t'appelle parce que la semaine dernière, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et tout à l'heure, c'est lui qui sortait. Et en fait, bah, c'est juste pour dire que bah, en fait, je suis chez lui. Comment ça, t'es chez lui ? Bah voilà quoi, je suis avec lui à ce moment-là et voilà. T'es avec lui ? Bah ouais. J'avais peur de ta réaction, j'avais peur de tout ça, donc je n'avais pas pu le dire et voilà. Pourquoi t'es chez lui ? On va faire un puzzle ! Oh là là ! Ouais voilà, on va faire un uno. C'est lui. Bah après voilà, je sais pas trop quoi te dire, je suis lui et après ça va pas te comprendre. Hein. Et ça, moi, je dois comprendre quoi ? Bah, je sais pas, d'ouvrir les yeux, de faire quelque chose. À la base, je l'ai rencontré à la soirée de Vanessa, comme je dis, j'avais une soirée, voilà. Ouais. On va vite, on va pas rester de la nuit avec lui, oh là là ! Dis-lui comment ça se taire. Bah, faut que tu te taises. Comment ça, faut que je me taise, je suis chez moi, il est gonflé, lui. Donc déjà qu'on l'appelle avec mon téléphone à mes frais, il pourrait être poli en plus. Il est énervé, hein. Non mais attends, il a craqué, déjà qu'on l'appelle pour que tu lui demandes. Tu lui as demandé d'ailleurs ou pas ? Il demandait quoi ? Qu'est-ce qu'il a demandé? Attends, mais passe-le-moi si tu veux, moi je lui demande là. Vas-y, je te le passe. Attends. Allô? Ouais, c'est Michel. Michel qui? Comment ça, Michel qui? Bah, c'est Michel. Qu'est-ce que t'as besoin de savoir de plus? Je comprends pas. T'es qui, toi? Bah, je suis Michel, je suis un pote, un pote de Vanessa, et on s'est rencontré avec Pauline. Ouais. Et donc voilà, comme physiquement je la trouvais plutôt bien, je lui ai demandé si ça l'intéressait que. Mais attention, hein, ça n'a rien à voir, c'est rien sérieux ni quoi que ce soit. Hein. On voit ça comme un emprunt, quoi. Quoi comme un emprunt? T'es dingue, toi? Comment ça? Quel emprunt? T'empruntes rien du tout. Non, mais en fait, je lui avais proposé la semaine dernière, je lui ai dit, si tu veux. Bon, évidemment, je ne savais pas qu'elle était casée, hein. Donc je lui dis, ouais, vas-y, si tu veux, on se fait un petit plan comme ça, juste un soir et tout. Elle m'a dit, ah non, mais je suis avec un mec déjà, donc tu vois, elle est honnête et tout, c'est bien. Puis après, elle m'a dit, mais t'as qu'à demander à mon mec, s'il est d'accord, on peut coucher ensemble. Alors je dis, vas-y, on l'appelle. T'es malade, toi. Donc je prends ça pour un oui. Ben oui, ta sœur. Quoi? Mais un peu de respect. Attends, moi je suis gentil. Attends une seconde. Pauline. Quoi? Tu vois la cuisine là-bas là? Ouais. Ouais. Tant que je discute, qu'on est entre couilles avec ton mec là. Ouais. Tu peux faire la vaisselle qui est là. Ça fait 3-4 jours que j'ai pas fait. Hein, comme ça c'est fait. Hein? Ouais. Ça. D'accord. Et casse rien, hein, parce que la dernière là, il y a 3 jours, elle m'a pété 2 verres là, cette connasse. Donc, fais la vaisselle. Je te tiens au jus là. Je te tiens au jus là. Mais comment ça, il y a 3 jours? Oh bah vas-y alors, qu'est-ce que t'attends? Oh là là. Bon, ouais, on est entre mecs là, c'est bon là. On est entre mecs. J'ai foutu la fille à la cuisine. Non, j'ai foutu la fille à sa place, tu vois, c'est la cuisine quoi. Mais quelle à ma place? Non, pas toi, l'autre là. Pauline, oui, j'ai oublié son nom, Pauline. Eh mais... Bon, déjà... Quoi? Bon, déjà, là, je reste calme, tranquille. Ouais, mais alors, tu veux que ça me foute? Voilà. Tu sais, ça peut te foutre. Mais quand je vais te voir, je vais pas être calme. Non mais arrête. Mais arrête quoi? Mais arrête ton cinéma. T'es là, t'arrives gentillet, je vais t'appeler, je vais te dire c'est. Arrête ton cinéma là. Mais oh cinéma, putain, quelle conne. Oh putain, je t'avais dit en plus, pas le verre. C'est pas grave, c'est un verre. Comment ça c'est pas grave? Évidemment que c'est grave là, putain. Mais c'est qu'un verre, bordel. Tiens. Attends, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Aïe. Ouais, bye. Putain, je t'avais dit en plus de faire attention au verre là. Oh que les bêtes. Oh putain, j'ai encore pris le jackpot moi. Bon attends, je vais nettoyer là, je te repasse ton mec, enfin ce qu'il te sert de mec. T'es sûr qu'il a des couilles entre les jambes lui, parce que ça s'entend pas comme ça. Hein. Je t'ai dans le cul, les couilles. Oh là là, putain, et je vais faire un truc de meuf en plus, alors ça répète pas hein. Ah franchement. Non, franchement t'es où? Dis-moi t'es où? Moi? Ah lui dis pas, lui dis pas. Dis-moi, on va juste parler. Je suis dans le melin. Où dans le melin? Voilà, bon l'aspirateur est passé, bon repasse dans le melin, voilà, continue c'est tout à... Oh! Hey! Mais qu'est-ce que ça? T'es où dans le melin? Oh! Tu crois vraiment que je vais dire où je suis dans le melin? Eh, dis-lui que tu l'as fermé, je casse les couilles. Après tu vas venir foutre la merde et tout? Non, je dis rien. Oh! Vas-y. Bon, ben, va reprendre le truc là, va reprendre la vaisselle. On va continuer à parler entre mecs, moi j'arrange les affaires, t'inquiète pas là. Ok, ça marche. Passe-le-moi pas. Allô. Déjà, arrête de gueuler, tu me casses les couilles. Non mais attends, déjà tu vas rester poli, je fais ce que je veux, jusqu'à preuve du contraire. Donc dis donc, elle est gourde comme ça chez toi aussi là, tout cassé dans la vaisselle. Déjà ça te regarde pas, concrètement. Bah si, ça me regarde, parce que je vais quand même coucher avec elle ce soir, donc j'aimerais quand même le connaître un minimum. Tu as couché rien du tout. Bah si, jusqu'à preuve du contraire, elle est chez moi, tu sais pas où j'habite. Ah, qui fait le malin maintenant? Ah mais je vais te trouver, concrètement je vais te trouver. Ouais, tu vas me trouver comment? T'es Colombo? Ah t'inquiète pas, je suis Colombo, je peux t'en gadget, je suis tout. Ah ouais, bah très bien, tu vas voir, elle va découvrir mes gadgets aussi moi ce soir. Dis-moi juste un truc, parce que comme je vois que le courant passe bien et qu'elle est en train de... Non, je parle plus bas. Pas du tout. Tu sais ce qu'elle aime bien, oui? Tu sais, parce que je veux pas passer pour un con, tu vois, dès le début, hein, parce que là elle est dans la cuisine, donc... Hein? Mais je vais te tuer. Mais non, mais attends, mais parle, mais le prends pas comme ça, je comprends pas. Non mais tu vois... Tu comprends pas de quoi? Non mais qu'est-ce qu'elle préfère, oui, je crois qu'elle préfère la levrette ou... Au-dessus, en dessous. Et maman, dans ta gueule, elle va préférer aussi. Ah mais je comprends pas pourquoi tu t'énerves. J'essaie de rendre ta copine heureuse. Ouais, essaye, juste essaye. Mais donc, tu préfères quoi, là? Hein? Elle préfère quoi? Dis-moi, parce qu'elle va revenir. Oh, t'inquiète, tout va bien, là. Tout va bien, on est devenus potes, on va boire un verre demain et tout, ça va être cool. Ouais, donc t'inquiète, continue la vaisselle, Popo, là, continue. Donc, qu'est-ce qu'elle préfère? Concrètement, le verre? Ça finir dans ta gueule, concrètement. De quoi? Elle aime bien les verres dans la gueule. Ah, c'est ça, j'avais pas compris le message. Donc en fait, c'est ça, elle aime bien les trucs un peu violents. Ah, tout à fait. D'accord. Ah bah super, hein, merci hein, mec. Hein, franchement, ça fait plaisir. Repasse-la-moi. Attends, je te la repasse. Ouais. Pauline! Vas-y, c'est bon. Il veut te reparler, là. Mais c'est bon, hein, tout est rentré dans l'ordre. Hein. Rentrer dans l'ordre. Concrètement, on rentre. Quoi, rentre? On rentre. Quoi, rentre? Rentre. Bah, on rentre chez toi, je vais venir te voir. Tu vas faire quoi? On va parler. On va parler de quoi? Ouais, mais parler, mais demain, c'est bon, moi j'ai mon affaire à faire, hein, pas y passer la nuit. Hein. Concrètement, je t'ai dit qu'on va aller demain, on va aller demain, voilà, basta. Non, moi je vais voir tout de suite, demain, je m'en fous, je vais voir tout de suite. Ah, mais moi, c'est pas possible. Ouais, bah c'est pas toujours comme on veut, hein. Oh ouais, c'est pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, des conneries, comme d'hab. Ah, d'accord, ok, mais voilà, rassuré. Ah, des conneries aussi. Des conneries. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Non mais c'est bon, hein? Tu me verras demain, c'est tout. Non, tout de suite, je veux pas voir demain, je veux pas attendre demain. Michel, gagne-moi fort. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Oui, il se rend compte, certainement. Bah je sais pas, mais demande-lui. Ferme-la. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Michel, ta gueule. Mais demande-lui. Est-ce qu'il se rend compte de la chance que j'ai, que t'as? Et ta sœur? Ma sœur, merci, elle va bien, ma sœur, c'est sympa. Ouais. Fait que tu veux t'attaper, mais bon, quand même, hein, y a des limites. Non. Espèce d'enculé, va. Il a dit quoi, là? Je crois qu'il a dit espèce d'enculé. L'enculé, je vais l'enculer, lui. Espèce de petit pili de merde, va. Ouais, il a pas la même voix, là. Ta gueule, connard, t'es... Quoi? Enculé de ta mère, t'es... Enculé de ta mère, en plus. Elle t'a mis au monde à récupérer sur ton front, connard, t'es... Oh, vas-y, Michel, je le repasse, là, réglez vos histoires. T'as compris, fils de pute. Oh quoi? Ah, c'est les potes, parce qu'on est 2-3, là, ils ont voulu rigoler, ils sont cons. Mais quel 2-3? Bah, on est 2-3, il y a 2-3 potes, c'est avec moi, c'est pour ça, ouais, là. Quoi? Moi je suis pas ton pote. Hein. Bon ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tiens, je te le passe. Espèce d'enculé, va. Oh, si c'était pour dire ça, c'était pas la peine, hein. Il va s'énerver encore là. T'es quoi? T'es dans un ascenseur? Tu fais quoi? Bah non, je suis pas dans un ascenseur, on est chez moi. Quoique j'ai un ascenseur également, hein. Privé d'ailleurs, mais enfin bon, c'est un autre débat. Ouais, je vais te prendre dedans aussi. Tu vas me prendre? Ouais, je vais te prendre dedans dans l'ascenseur. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Espèce d'enculé, t'es. Ouais, je peux pas dire qu'il a tort, hein. Dis-moi. Allô. Merde. Putain, il y a mis le temps, hein, donc il est parti, il a raccroché. Bon mais Pauline, t'es célibataire, hein, félicitations. Bravo. Eh ouais. Bon attends, on va le rappeler. Oh c'est bon. Espèce d'enculé, va. Ouais. Eh, t'es sérieux là? Tu m'as raccroché au nez, plus jamais tu fais ça, t'as compris? Mais quoi, plus jamais? Plus jamais tu fais ça ou je te brûle? Oui, il m'a à nouveau raccroché au nez, donc. Bon. Bon, je vais arrêter de le chauffer, sinon il ne raccrochera plus, maman. Ouais. Est-ce que j'en prends plein la gueule? Ah ouais. Bon, dis-lui alors. Non. Plus jamais? De quoi, plus jamais? Non, je sais pas, plus jamais je raccroche au nez. Michel, il veut te parler, Michel, parle-lui. Oh ouais, mais non, je vais pas lui parler. Ah, il a mangé un clown? Ouais, c'est à toi que je vais parler. Ah, il a mangé un clown ou pas? Michel, il veut te parler, Michel. Eh, hey, Michel, il reste, merde. Eh, hey, Andy. Eh, hey, Andy. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte de la chance que t'as au moins? La chance de quoi? Bon, écoute, alors je vais te rendre service. Excuse-toi et on oublie moi tout. Moi aussi, je vais te rendre service. Je vais te refaire toute la façade. Mais non, mais arrête ton cinéma. Mais non, excuse-toi. Dis-moi, Michel, je m'excuse et on oublie tout et voilà. Mais t'es dingue. Vas-y, excuse-toi et on oublie tout. Et ta sœur? Bah, elle va bien, mais excuse-toi et on oublie tout. Ouais, tout à fait. Je vais m'excuser. Ouais, tout à fait. T'as eu la verge, toi? Bah non, mais par contre, elle va voir ma verge. Hein, face à l'autre problème. Bon. Mais allez, enculé, lui. Mais excuse-toi et on oublie tout et on fait rien, voilà. Et genre, mais je vais te tuer, non. Mais déjà, non, mais toi aussi quand tu vas rentrer. Bon, alors Andy, donc tu préfères que je me tape ta meuf ce soir plutôt que tu me dises, ok, c'est bon, je m'excuse Michel, pas de problème, merci, au revoir, adieu et puis on en parle plus. Non, je préfère juste démonter ta gueule. Non, mais oui, mais le problème, c'est que si ça, ce qui n'arrivera pas de toute façon, mais bon, ça voudra dire que je me tape ta meuf quand même. Donc tu préfères que je me la tape. Là, je peux rien faire. T'as juste à me dire, ok, c'est bon, je m'excuse, Michel, pas de problème, allez, à plus. Et basta, terminé. Tu vas voir les excuses. Voilà, allez, excuse-toi. Là, je t'enculé, tu vas voir les excuses. Allez, excuse-toi. Oh là là. Vas-y. Connard, va. Ah, en plus, t'en rajoutes. Connard, allez. Ça fait deux fois que tu le repasses. Excuse-toi. Connard, va. Ça fait trois fois maintenant. Connard, va. Ah, tu peux continuer, hein. Ah, bon, si tu veux, bon, après, j'ai pas de problème. Bon, tu veux pas t'excuser, alors? Tu veux pas t'excuser? Mais t'es dingue, toi. Mais non, mais excuse-toi et on arrête là, c'est tout, c'est terminé. Tu me dis que tu vas te taper ma copine et je m'excuse. Ben justement, parce que tu m'as insulté, tu m'as mal parlé deux, trois fois. Donc c'est pour ça, excuse-toi, je mets ta copine dans un taxi et il se passe rien. Voilà, hop, elle rentre à la maison, hop, ni vu ni connu, mais si, toi, je vais te connaître, toi. Bon, elle m'a déjà fait on va dire c'est les préliminaires, ça compte pas. Eh, tu vas voir, vous finir les préliminaires. Attends, je vais te connaître, moi. Bon, Andy. Quoi? Tu veux pas t'excuser, t'es sûr? Bien sûr, je suis sûr. Ah, t'as cru quoi? T'as vu, hey, Pauline, il devrait s'excuser, t'es d'accord avec moi? Ouais. Ah ouais, là, d'accord. Ouais, je suis d'accord, t'as manqué de respect en même temps. Ouais, envers Michel, ça se fait pas. Là, c'est pas du manque de respect, ça, peut-être. Non, et ça se fait pas. Et ça se fait pas du tout. On demande l'autorisation avant. Bon, Andy. Vous avez l'autorisation du Andy mec. Oh. Ta gueule. Oh. Concrètement, ferme-la. Oh. Quoi, oh? T'es en direct sur Fun Radio. T'es en direct sur Fun Radio. Oh là là, c'est une vanne. Si on peut plus rire 5 minutes maintenant. Oh là là. Mais arrête de quoi, tu crois que je vais rire avec toi? Mais oui, mais t'es oui. Sur Fun Radio, il s'est rien passé. Pauline est chez sa mère là. T'es chez ta mère, Pauline? Mais oui, je suis chez ma mère. Voilà, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Puis il y a Toff, il y a Sandro, il y a Polo, tout le monde est là. Ouais, vas-y, je vais arriver. Mais... On cherche, c'est par la mère. Non. Andy, elle a fait un jeu pour gagner un lecteur Blu-ray. Oh là là. Il s'est rien passé, hein. Oui, je veux pas lui parler. Mon cœur, tu la connais l'émission. Allez. Mais oui. Bon, passe-toi ta mère, Andy. Merde, Pauline. Mon cœur, maman. Parle à Andy. Non, rappelle-le, Andy. Non, parle. Il va niquer, parle. Elle veut pas parler. Oh merde, putain, c'est pas. C'est... Hey, tu crois quand même qu'on est à la radio, quand même, non? Attends, je te mets un jingle. Mickaël, no. Voilà, tu connais quand même. Mais non, qu'est-ce que tu veux Tu connais. J'en sais rien, moi. Bon, hey, dis-moi, hier, je vais te mettre un titre, une musique là, rien. Voilà. Ouais, la musique, tu vas me dire, ok, je peux mettre un disque aussi. Ouais, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'en sais rien, moi. De quoi? Je peux t'en mettre aussi une de musique. Ouais, mais regarde, là, il y a Toff, il y a Polo, tout le monde est là. Mais oui, on est là. Voilà, tout le monde est là. On est en direct à la radio. Oh. C'était une blague. Oui, c'est une blague. C'était pour repartir avec un lecteur Blu-ray. Mais oui. Bon, on voulait faire une touze, mais ça va pas le faire. Ouais, la touze. On rigole, Andy, c'est une blague. Andy, redescend. Il faut lui laisser le temps de redescendre aussi. Oh, mais je l'ai pas chauffé énormément aussi. Regarde tous les sons là. C'est un faux calme, il reste calme. Regarde, Andy. Ah d'accord, parce que regarde, il y a plein de sons là, tout ça ils sont dans la machine. Ta gueule, connard. Regarde, j'ai enculé ta mère. Enculé ta mère. Voilà, j'ai espèce de petit PD. Espèce de petit PD de merde, va. Voilà, enfin tu vois, c'est tous les sons là. C'est bon, c'est pas pour toi, c'était des petits sons. Bon cœur, tu la connais l'émission, allez. Voilà. Allez, redescends, tu repars avec le lecteur Blu-ray, c'est déjà ça de prix. Mais oui. Voilà. Et puis on t'aime, Andy. Voilà, Andy, et d'ailleurs, je m'excuse. Ouais, c'est pas réciproque, hein. Voilà. Oh, oh Andy. Bon, allez, je te repasse chez Sandro au standard, tu peux te taper, si tu veux. Ouais, pour te venger de Pauline. Allez, c'est gratuit. Voilà. Bon. Oh, c'est pas sympa, ça. C'est pour rire. Bon, Andy et Pauline, je vous repasse Sandro au standard, d'accord? Ça marche. Allez, merci Pauline et Andy, t'inquiète, ça va redescendre. Merci à toi. Allez, bonne soirée à vous deux, à bientôt, bye bye. À bientôt. Oh là là, et hey, truc quand même de fou quand même, malgré tout, le mec il voulait pas crafter. On va voir avec Sandro aussi s'il va pas. Il va peut-être l'insulter au standard. Espèce de salope. Bon, il y a SBFX qui le mec qui est lourd, il capte pas que c'est la radio aussi, je crois qu'il a compris. Il a capté en fait, mais il était tellement énervé que ça pouvait pas redescendre comme ça. Dit Seb qui dit concrètement, c'est son mot. Chris qui dit concrètement, ferme là. Il y a Lilou qui dit vous êtes des tueurs, merci. Bah merci Lilou. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme message à Quentin qui dit mort de rire chérie, je peux te faire cocu. Le mec réalise toujours pas qu'il est sur Fun Radio, c'est Liline, Valentin qui dit aussi. Mais demande à Valentin pour prouver que c'est fun. Ah ouais, putain, j'aurais dû. Ouais. C'est Salut 23 qui dit c'était juste énorme, Mickaël. Alors il y avait quoi aussi? Quentin qui dit, attends, c'est Florian qui dit continuez comme ça, vous êtes formidable, bisous à Mélanie. Eh ben merci à toi Florian. Arnaud qui dit mort de rire, je vais te prendre dans l'ascenseur. Ouais, mais il aurait bien voulu, mais même pas en rêve. Il est calme quand même, mort de rire là. Moi j'aurais bien insulté depuis le début, c'est indissociable. Quentin qui dit, attends, c'est Stéphanini qui dit la meuf est dans la merde avec son mec qui croit pas au canular. Oui, c'est vrai, effectivement, surtout s'il reste comme ça. Le prince India qui dit qu'est-ce qu'il dit? Il se rend pas compte de la chance qu'il a. Michel, t'es mon idole. Eh ben dis donc, Zao qui dit mort de rire, j'adore Mickaël. Clem qui dit ils sont pas mal là, j'aime bien. Jonathan qui dit trop débarre. Megumi qui dit quand Mickaël chuchote, ça lui donne un petit côté cochon, j'aime bien. D'accord, Megumi. Dams qui dit inspecteur gadget. Ah, il y en a plein, vous avez commenté à Mortier Xeg aussi qui dit non mais énorme le mec, on sent qu'il boue intérieurement, là, il va te faire la peau Mickaël. Et Didi qui dit tu vas me trouver comment, t'es Colombo, tu m'as tué. Ah écoute, c'est sorti comme ça. Bon, bah en tout cas, merci pour tous vos messages. Dans un instant, on va récupérer Noémie, comme promis, parce que ça fait longtemps qu'on traîne. Pas qu'on te traîne, Noémie, hein, toujours la bienvenue, évidemment, hein, c'est pas ça que je voulais dire. Mais... traîner. Et qu'on traîne le sujet sur la police, on va revenir dans un instant avec Sandrine également, avec Lauriane pour la colle, puisqu'on devait faire ça à 12h30, je rappelle la colle, je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle, c'est bien ça Lauriane? C'est bien ça. Vous avez donc une dernière chance de vous inscrire et pour choper justement votre PlayStation 3 et le jeu Beyond Two Souls, de vous inscrire en répondant à la question de Lauriane. Je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Vous pouvez aussi jouer sur le Facebook, facebook.com/MikaelOfficiel. Lauriane, tu restes avec nous, on se met Selena Gomez, ça te branche ou tu veux autre chose? Oh non, ça me va. Ça te va? Bon bah écoute, très bien, ouais. Alors c'est parti, c'est Selena Gomez qu'on écoute maintenant. C'est Slow Down sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limit. J'ai compris, fils de pute. Tous les soirs Fun Radio 23h-2h No Limit. Allez vous faire foutre, Mickaël, sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, il y a Siri aussi qui dit hola Mika, una buena noches a todos. On vous écoute depuis Cali en Colombie, 19h30 et encore lundi. Oh putain, c'est bon ça. Efface ça tout de suite, c'est des trafiquants. Ah c'est bon ça Siri, putain c'est cool. C'est en Colombie, les mecs sont en Colombie, nous écoutent. Notre voix passe en Colombie, ah, là pendant que je parle. C'est un truc de dingue. C'est énorme. Et nous on est là, 4 ans de merde. On est en Colombie. Non, on n'est pas en Colombie, non. Eh ben, salut Cyril. Eh, quand tu veux, on fait l'émission chez toi, tout ça. Nous, on vient. Pas de problème. Moi, j'aimerais bien aller en Colombie. Franchement, c'est un super beau pays, il paraît. Hein. Mais on va être armé, on aura des. Mais il y a des endroits chauds, mais comme partout. Ouais, mais pas, non. C'est pas comme s'il y a un enlèvement par minute. Mais tout le monde m'avait dit que Costa Rica, c'était chaud du cul. J'ai eu aucun problème. Moi, je te l'ai pas dit. Moi, par contre, la Colombie, je te le dis. Mais non, c'est bon. Bon, il y a Arnaud aussi qui dit mon message de bienvenue, s'il vous plaît. Oui, alors Arnaud, évidemment, le message de bienvenue, t'inquiète pas. Eh ben, on va te le mettre, celui-là. Ah, tu l'as voulu. Eh ben très bien. Attends, hop là, voilà. Tu l'as eu. Ça, mais t'es, je pensais pas vraiment. Ah non, merde, celui-là, excuse-moi, c'est pas celui-là, celui-là. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà, tu l'as voulu, tu l'as eu, Arnaud. Il y a Tom qui dit oh le chéri, je peux te faire cocu, t'es trop génial, je suis mort de rire. David qui dit ça y est, Mickaël, un top tweet. Eh ben merci beaucoup, tout le monde. Merci à David et tous les autres. Il y a quoi aussi Adjar qui dit ce jeu, j'adore. Mickaël, le mec de Pauline, est trop classe, elle a de la chance. Bah oui, c'est clair. Et Clem qui dit ok, les bêtes. Bah oui, et Tony aussi, tous les soirs, Mickaël, en top tweet, génial, t'es le meilleur. Merci, bah c'est surtout vous, hein. Parce qu'au final, c'est vous qui mettez le Mickaël en top tweet, pas moi. Tidjas aussi qui dit il faut apprendre à partager, messieurs, avec ces bonnes auditrices là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et Chris qui dit Polo aussi, je t'adore. Oh, c'est gentil. Une petite déclaration d'amour, ça, je c'est t'aime. Gentil ça. Et puis un auditeur aussi, il y a Willy qui dit bah pour lui prouver que vous étiez à la radio, il fallait peut-être lui demander de mettre la radio. Et oui. Ce n'est pas con. Et ce n'est pas con. La prochaine fois. Mais c'est pas ça, c'est qu'il nous écoutait pas, il s'est barré. Non, pas lui, l'auditeur qu'on a fait, le chéri, je peux te faire cocu. Ah. Il fallait simplement lui mettre, parce que j'ai mis des jingles, des sons, etc. Mais au final, simplement lui demander s'il écoutait la radio aurait été judicieux. Mais oui, mais c'est ce con. C'est vrai. Mais oui, c'est la faute de Toff. Ça le con, va. Exactement. Voilà. Merde. Voilà. Et GTR 586 qui dit Colombie avec le lance-roquette, le lance-flamme et tout ce qu'il faut, surtout la mobilette. Mais oui, c'est ça, on risque rien en fait. Exactement. J'avais oublié qu'on était super, super méga bien équipés là. Qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème. Aucun souci. Aucun souci, hein. Exactement. Ici en Colombie, et armée et tout, c'est un truc de ouf. Et j'ai toujours mon jet privé. Tout va bien. Je suis full équipède, comme on dit. Je peux aller en Colombie sans problème. Et le paquebot. Je repars. Ah, sinon, je suis en train de survoler Cali, là. Cali. Où ça, Roger. Cali, est-ce que tu me reçois, Cali? Cali est donc la capitale, et donc, mais pas évidemment... Elle est revenue avec le jet, là. Voilà, oui, c'est ça, le jet est de retour. Et pendant ce temps-là, Toff, évidemment, au taquet, en train de mener la guerre, en train... Chacun sa méthode. La guerre ferroviaire. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, moi je prends le jet, Polo il est sur l'hélicoptère, ouais. Et Toff il est sur le train. Et puis Sandro sera avec un... Avec mon âne, hein, comme ça. Il reste que ça. Ah non, j'allais te proposer un truc plus sympa, mais si tu veux l'âne, évidemment, bah, j'allais te proposer ça, moi. Ah, le mouton. Pour changer, oui, pour que l'âne se repose un peu. Exactement. Non, c'est ouais, t'es la laine, comme ça t'auras chaud. Au ah bah oui, voilà. Au moins j'aurai à bouffer, moi. Ouais, pas faux. Effectivement, elle sera aussi avec sa carotte. Pour essayer qu'il avance, c'est pas mal. Allez, avance, espèce de connard. Bon, Grégory, par rapport à la police qui est avec nous de Saint-Lon-les-Mines, dans les Landes. Salut Grégory. Salut. Bon, j'avais expliqué au début de l'émission que je m'étais fait arrêter hier par la douane, police, pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais enfin, je me suis fait arrêter, quoi. Ouais. C'est ça le principe. Et donc, du coup, je m'étais demandé si vous vous étiez fait arrêter également déjà. Alors, toi, comment ça s'est passé, Greg? Bah, écoute, moi, j'ai eu police et j'ai eu douane. Je suis gérant d'une société, donc j'ai souvent pas mal de cartons, de trucs de bazar. Ah, je crois qu'ils disaient parce que je suis gérant d'une société. Pas. Je transporte souvent assez de drogue et donc du coup en c'est pour ça. Quantité, Mika, en grosse quantité, je mets ça à Bayard quand tu veux. Calme-toi, viens pas, on ne te connaît pas. C'est ça, c'est ça. Ouais. Hein? On sait comment tu fais travailler tes employés maintenant. Voilà, t'inquiète pas. C'est ça. Bon, à la carotte. Et donc Greg, exactement. Je kifferais être là, non? Bah il est là, tiens, justement, c'est le mouton, ça, en l'occurrence. Et ouais, j'ai souvent pas mal de cartons de bazar et tout, donc c'est vrai que ça les attire. Moi, j'ai une défi qui me fait un rond point. Attends, excuse-moi, il y a l'âne qui fait chier, là. Voilà. Bon, tu disais... J'ai pas mal de voitures, de bordel souvent dans la voiture de carton, donc ça les intrigue toujours un petit peu, parce que ça dépasse un peu. Ouais. J'ai eu, il y a un mois et demi, deux mois, du côté de Bordeaux, et le mec, à 9h le mat, qui voulait me faire souffler, ils sont sortis d'une station-service, hein. Et ils faisaient souffler pas mal de monde un samedi matin. Et quand je suis passé, ils ont voulu me faire souffler. Mais le mec, je pense qu'il avait bien un petit peu plus que moi. Donc je lui ai dit, mais monsieur, si vous voulez, alors on joue à un jeu. Alors lui, il a pas spécialement bien pris. C'était un petit chinois d'ailleurs, je passe le coucou s'il bosse. Oui, Tu as voulu faire la main? J'enverrai un sac de riz ou d'énem. Raciste. Oh, ouais, pas de ça chez nous alors. Oh. Tu parles de drogue, raciste, on va te défoncer la gueule nous. Exactement, coup de pelle. Excuse-toi pour les Chinois. Non mais sans déconner. Allez. Mais et le mec il m'avait dit, mais alors monsieur, bonjour, contrôle de police, machin, veuillez souffler. Je lui ai dit, monsieur, on fait un jeu, soufflez le premier, je soufflerai après, et on verra celui qui aura le taux le plus bas. Et il m'a dit, mais vous rigolez et tout. Non, mais j'avais joué, mais lui, il a très très mal pris. Mais il m'a dit, monsieur, vous avez 5 minutes pour souffler, sinon c'est le poste, c'est un refus d'obtempérer. Je sais pas comment je Oui, mais raison, après, ouais. Après, j'ai pas trop joué. Tu peux pas jouer. Ouais, c'est ça, ils sont pas là pour ça. Hein. Mais ils avaient très peu d'humour. Hein. Ouais, bah, normal en même temps. Et c'est pas des comiques ni des clowns. C'est ça. Ils sont pas là pour ça en fait. On t'a pas expliqué qu'ils sont pas là pour ça. Et puis? Ah bon? Ouais. Et puis? Je suis tombé sur la. Et il y a pas mal de un péage du côté de Bordeaux, toujours pareil. Je suis tombé sur la douane. Et là, j'ai pas rigolé parce qu'ils m'ont foutu le chien, siège en cœur en voiture, enfin mon bras là. Ouais. Ils m'ont foutu le chien, j'ai pas trop kiffé, j'ai pas mal de CD et tout. Bah pareil, ils ont ouvert tous les boîtiers, tout défoncé et tout, quoi. Ils ont aucun respect. Puis là, tu bronches pas parce que de toute façon, si tu bronches, ils t'amènent, quoi. Bah voilà, donc, exactement. Il m'avait dit, alors moi, avec mon humour un petit peu déplacé, vous avez des choses à déclarer. J'avais dit, 9 kilos. Donc il m'a dit vous ouvrez le coffre. C'est comme les mecs qui font les malins quand tu vas à l'aéroport. Vous avez rien, vous avez pas d'objet, vous avez pas de bombe, pas d'objet, genre des fusils. Si j'ai deux bombes dans mon sac. Et tu sais, t'as des gens qui font les malins comme ça et après, j'ai raté mon avion. Bah oui, mais t'as fait le con en même temps. Ouais, non mais faut les taquiner un petit peu. Regarde la preuve. Hein. On avait fait la même avec Polo, on était, je crois c'était à Londres, la meuf elle nous a dit ouais les deux derniers qui ont fait ça, ils sont encore en taule. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc du coup ils sont arrêtés quoi. Ah ouais, direct, hein. Ça nous a tout de suite refroidi. Et donc après la vanne, du coup, forcément ils t'ont mis un PV, ils t'ont mis quelque chose? Non, bah alors par contre il m'est arrivé un autre truc il y a pas très longtemps à Versailles. Ouais. Et c'est la vérité, je sors de boîte avec des amis on avait fait un petit concours vite fait champagne, parce que je bois pas spécialement d'alcool fort, et c'est vrai que si tu fais des mélanges ça monte tout de suite, donc j'avais bu que du champ. D'accord. Et le pote avec qui j'étais, je lui dis écoute, en plus ça s'appelle Toff, enfin de toute façon ils sont tous alcooliques. Ah bah je confirme. Et tous cons, hein. Oh là là. Je lui dis mais Toff écoute, Là, c'est fini, c'est mort. Enfin, on a genre 20 bornes à faire, hein. Versailles, Saint-Germain-en-Laye, pas très loin. D'accord. Et je lui dis, écoute, ils étaient au rond-point, ils essoufflaient tout le monde pareil. Je lui dis, écoute, là, c'est mort. Et la nana, je tombe sur une petite gonzesse. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait des missiles comme ça chez les Condés. Et elle me fait souffler. La machine met ERR. Erreur. Je dis, oh là là, pouf. Ah ouais, c'est que le truc, il avait pété le test. On se coupe de champ. Je dis, bon, tu vois. Et genre, la dernière, je l'avais bu il y a 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Ouais. C'est parti tranquille. Et elle revient, la nana. Elle recherche un embout, machin. Elle me refait souffler. Et elle me dit, vous avez 0,2, monsieur, passez une bonne journée. Putain, t'as eu de la chance, hein. Ah ouais, tout juste. Hein. Ah, t'as eu de... Moi aussi, j'ai vu une fliquette super mignonne tout à l'heure. C'est dommage, Polo, il était pas avec moi pour une fois. Petite fliquette sur la place de l'étoile. J'ai failli faire un accident, je me suis retrouvé, je me dis putain, c'est bizarre, hein, parce que d'habitude. Il y en a quelques-unes. Ouais, ouais, bah il y en a, mais bon, c'est quand même, c'est assez rare, quoi, tu vois. En général, tu vois surtout des mecs. Puis après, quand t'as des meufs, bon, c'est pas terrible non plus. Mais là, tout à l'heure, pas trop mal. Généralement, les nanas flics ressemblent plus à Carlos quand même. Non, c'est pas vrai. Franchement, récemment, ils ont engagé plein de bonnes fliquettes là. Bah, si vous êtes fliquette, gendarmette, vous allez bientôt démarrer là, dites-nous. Hein, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. D'ailleurs, si vous tourniez dans le 11e jeudi dernier. Ça y est, il fait ses annonces là encore. C'est bon, Dof. Mais attends, si vous savez pas quoi faire de votre vie, si vous êtes paumé et que vous voulez passer le concours de la nationale, appelez-nous. Pourquoi ? Non, ça peut être un peu paumé quand même pour faire un métier. Mais non, Greg, mais qu'est-ce que t'as avec les flics, toi ? C'est-à-dire que tu les chauffes tout le temps et après tu les tailles. Le jour, Greg, où tu seras bien dans la merde, que tu vas les appeler, qu'ils vont arriver, là tu vas plus faire le malin. Tu vas être content, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, au final, tu les incendies parce qu'ils te mettent des thalasses. Mais ils te mettent des thalasses pourquoi? Parce que tu fais de la merde. Parce que tu roules, parce que tu te fous de leur gueule quand ils t'arrêtent. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. Mais il faut pas trop faire le malin. Il faut parfois être humble. Je les embête pas, je les taquine. Ouais, mais il faut parfois être humble, Greg. Attends, on a Sandrine aussi qui est avec nous. Salut Sandrine. Salut. Comment ça va? Ça va très bien, nickel. Bon, demande Marsan, Sandrine. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, avec les flics? Et moi, je me suis arrêtée au téléphone. Hop, contrôle. Contrôle d'identité, on contrôle d'identité. Voilà, contrôle d'identité avec l'âne, hein, et l'âne, évidemment, c'est Sandro, la fliquette sur son âne. Voilà, sur les Champs-Elysées, et là, avec son putain d'âne. Ah, là. Mais les puces pas pour rien, hein. C'est ça. Bon, Sandrine, alors, c'était quoi, toi, l'histoire téléphone, mais tout ça? Moi, je les ai croisés. Bon, moi, eux, ils partaient dans un sens, moi, dans l'autre. Ils ont fait demi-tour sur la route. Donc je me suis arrêtée avant qu'ils arrivent quand même, j'ai fait bonne figure. Ouais. Ils se sont arrêtés, ils m'ont contrôlé la voiture en même temps. J'avais les pneus lisses, très lisses, on voyait même la ferraille sur un pneu. Ah oui, super dangereux, toi t'es quoi, toi, consciente? Ouais, mais ça coûte cher. Et ils m'ont mis l'amende pour le téléphone, et en me ramenant l'amende, ma fille derrière a dit merci beaucoup, et du coup ils m'ont pas mis l'amende pour les pneus. Oh. Alors que c'est quand même plus dangereux de rouler avec des pneus qui sont sur le point d'exploser que de rouler avec un téléphone au volant dans l'absolu. Voilà, tout à fait. Donc du coup, ça m'a rendu qu'elle me dise merci. Mais à moi, j'aurais été le flic. Je dis bon, bah je laisse passer le téléphone, mais par contre, vous allez prendre la prune pour le pneu. Bah oui. Ah oui. Mais au final, j'aurais dû la recevoir au bout d'une semaine et demie, 15 jours. Et ça fait de ça un mois, j'ai toujours rien reçu. Mais t'inquiète pas. Hein. Moi, j'attends un PV. Ça fait 2 ans et demi que je l'attends. Je pense que c'est bon là. Ils m'ont dit que d'ici 10 jours, je vais la recevoir, hein, mais bon. Ouais, mais t'inquiète pas, c'est même si... Parce que eux peuvent être en retard, hein. Si t'envoies un PV plus tard, c'est pas grave. En retard, en revanche, là, ils rigolent moins. Mais sinon, ça va. Sinon, t'as encore un peu de chance. Il y a Kenzo qui dit, moi, je me suis fait pourchasser par la douane sur 500 mètres pour avoir voulu aller plus vite à la douane du Luxembourg. Ah, mais les Luxembourgeois, faut pas se foutre de leur gueule. Grosse course-poursuite, ça. Ah bah oui, 500 mètres. Hey, 500 mètres, effectivement, t'étais au taquet. Alors, 500 mètres, ça donne quoi? Ça fait ça, à peu près, hein. Donc, démarrage. Mec, il a, hop, la police arrive derrière, tu vois, tranquille. Et il fait le malin encore. Là, il démarre. La police arrive. 1, 2, 3. Terminé. Ah ouais, voilà. Ça c'était la course poursuite de la folie, ça. C'est Fast and Furious là. Ah ouais, c'était Fast mais pas Furious, quoi. C'était t'es pas trop fast non plus, quoi. Ah ouais, oui, surtout mais... furious, en fait. Ah, t'es fou dans ta tête, hein, Kenzo. Hein. Il y a Mikumi qui dit, moi, je veux bien me déguiser en fliquette si t'aimes bien Mickaël, mort de rire. Je sens que je vais trop loin, là. Non, mais c'est Tof qui est plus fan des menottes, lui. Hein. Ah, moi, j'adore. Si elle veut venir me menotter, quand elle voilà. veut. Voilà. D'ailleurs, bon, est-ce qu'on peut rappeler l'anecdote où on rentre dans la chambre de Tof il y a très longtemps et on trouve quoi? Des perruques? Hein, tu vois pas cette histoire? Ah non, je crois que j'ai essayé d'effacer cette période de ma vie. On rentre dans la chambre de la Zienda où Tof était dans le coin du jardin. Ouais. Il dormait dans le jardin là. Ouais, c'est vrai, parce qu'il ne voulait pas dormir avec moi. J'étais exilé. J'entre là-dedans et je vois des perruques, des menottes et des chaussures. Et une poupée gonflable avec un gros trou et une paire de seins. Alors, va-t'en expliquer ça au propriétaire quand il vient visiter. Et là, tu lui dis, mais c'est quoi, Tof? Il dit, oh, c'est rien. Et il s'en va. Et il se cache pas, il se cache même pas. Il non, non, il t'as oublié, l'énorme sac de capote qu'il y avait sur ah ouais, aussi, ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, il y a aussi. Où est-ce qu'elle est aussi ben, Lauriane aussi, dans un instant. Bon, Sandrine, donc du coup, toi, ça s'est bien terminé alors? Ben, moi, ça s'est bien terminé, du coup, oui. Bon, bah, très bien. Ils m'ont pas compté les pneus. Bon, bah, écoute, tant mieux. Alors, mais le lendemain, je suis partie les changer quand même. Ben, t'as bien encore heureux, t'as bien fait. Bon, ben, Sandrine et Grégory, merci à vous deux d'être passés en tout cas. Yes, merci à vous. Quand tu veux pour un autre canular FM. Hein. Oui, bah pourquoi pas, Greg. Écoute, bah à l'occasion, on va y réfléchir. Mais on l'avait fait un canular SM, d'ailleurs, on l'avait mis, on l'avait rediffusé d'ailleurs, effectivement. Bon, bah quand tu veux, Greg, pas de problème, tu gères ça avec Sandro. Yes, yes. Salut, ouais, Greg. Elle. Allez, à bientôt, Sandrine. Gros bisous à toi également. Bon, salut, bonne soirée à tous. Allez, ciao à toi. Lauriane, on va appeler maintenant le gagnant, la gagnante. Ouais. Et okay. On récupérera Noémie dans un instant. Alors attention, Lauriane, c'est parti. On y va, gagnant ou gagnante, c'est tout de suite. On appelle maintenant le gagnant, la gagnante, celui ou celle qui va peut-être donner la bonne réponse. Si elle la donne, ce sera gagné pour elle. Si jamais ça ne décroche pas, par exemple, ou qu'elle a la mauvaise réponse, Lauriane, c'est gagné pour toi. On y va. Allez. Attention. Allô. Allô, bonjour. Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? Margot. Margot, c'est ça? Oui. Très bien. Margot, il y a Lauriane qui a une question à te poser. Ok. Alors, je suis une fois par minute, deux fois par moment, mais jamais en un siècle. Qui suis-je? La lettre M. C'est gagné. Oh ouais. Bravo Margot. Merci. Et ben voilà, PlayStation 3 pour toi avec le jeu Beyond Two Souls, un jeu que nous vous offrons en... L'exclusivité. Ah bah quand même, putain, il était temps là quand même, il était temps. Bon, Margot, par contre, comme on est dans la police là, il y a Tof qui va faire bonsoir, un petit tour. Mais, madame, vérification, c'est la douane. Contrôle des mensurations. Oui. Les mensurations. 1m68. Combien pèses-tu? 53. Quel est ton tour de poitrine? 90 D. D comme Denise ou B comme Bénédicte? Bénédicte. T'as vraiment un problème d'oreille là-dessus, toi? Mais non, mais si, on comprend pas bien. Oui, on comprend mal parce qu'elle est en train de jouer avec son téléphone dans un endroit particulier, à mon avis. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Ah, et encore. Hein. C'est bon, madame, vous pouvez circuler pour excès de bonasse. On va vous mettre une amende. Voilà, Margot, très bien, parfait. Bah voilà, tu repars avec la PlayStation 3 et toi viens de la livrer. Oui, directement chez toi. Voilà, exactement. Quelle chance, tu as vu un petit peu, hein, quelle chance. Bon, Margot, je te fais des gros bisous. Tu restes avec nous au standard, on prend toutes tes coordonnées pour t'envoyer ça, d'accord? Bisous. Merci, bisous. Salut à toi. Et puis, bah, Lauriane, je suis désolé, hein, mais bon, si tu veux, on peut te livrer Tof, mais tu vas pas gagner au change. Bah non, Tof, non, mais toi, oui, par contre. Moi, ça me dérange pas. Ah, Lauriane, je reconnais là une fille qui a bon goût. Ouais. J'ai encore été éconduit, quoi. Eh oui, alors qu'en plus, je me suis trompé dans son prénom, tu vois, c'est quand même le truc qui se fait pas en règle générale. Oui, non, mais ça, j'ai l'habitude, donc je peux même pas t'en vouloir. Hein. Ah, c'est vrai. Tu seras pas le premier, tu seras pas le dernier. Non, il y a de fortes chances, effectivement, oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, je salue ton bon goût, Lauriane. Ton 85C également, je le salue. Je me suis pas trompé là, c'était 85C. Hein. Oui, c'est ça. Ah voilà, non, parce qu'il y a du 90. Tu vois, ça je me souviens. Moins des prénoms, mais ça je me souviens. Il y avait un palpé. Oui, c'est ça. Il y a goûté. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Bon, ben Lauriane, en tout cas, gros bisous à toi. Et puis tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Merci. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, à une personne. Non, toi, vas-y, 85, c'est bon, pas chipoter. Fais à qui tu veux. Oh, t'es gentil, le merci. Fasse le tour, quoi. le mec acheté, là. Vas-y. Alors, je fais une dédicace à mon GG, puis je le remercie d'avoir pensé à moi. Je fais également un bisou à mon oncle et à ma sœur, et je les remercie d'avoir pensé à moi ce soir. Voilà. Pourquoi penser à toi? Parce que c'est mon anniversaire. Non. Merci. Oh pardon, excuse-moi. Attends, c'est pas gentil, ça. Non mais c'est l'autre connard là. Attends, j'ai la musique de l'anniversaire là. Attends une seconde là. Attends, on va te la mettre. La musique hein, je parle hein. Voilà. Ouais, enfin moi je vais bien aller le mettre aussi hein. Ouais, bah c'est bon, t'as compris. Voilà. Et un petit cadeau de Toff. Ouais, toi je vais te mettre quelque chose dans le cul, tu vas voir, salope. Non, ça va aller par contre. Voilà, bah, bon anniversaire L'Oréal. Alors du coup, t'as 20 ans ou t'as 21 maintenant? Non, du coup j'ai 20 ans. 20 ans aujourd'hui, oh bah 20 ans, oh, toute fraîche. Bon, bah écoute, très bien bah, L'Oréal. Bah, en tout cas, je te fais plein de bisous. Moi aussi, et puis merci encore. Franchement, vous déchirez, continuez. Non, bah c'est gentil. Bah écoute, on vient d'arriver, donc on va pas s'arrêter tout de suite. Enfin, normalement. Bah, j'espère. Bon, bah parfait. J'espère. Bon, Linkin Park, ça te chauffe? C'est parfait. Linkin Park et Steve Aoki avec A Lie That Never Come. Allez, c'est parti, on écoute ça maintenant. On est au cœur de plus de 2 heures sans pub, donc on est tranquille à ce niveau-là. On est plutôt tranquille. Et puis on va récupérer Noémie dans un instant, Marion également, et puis bah Lauriane. Gros bisous encore une fois. Merci, gros bisous. T'embrasse Lauriane. Et on écoute maintenant Linkin Park comme promis sur Fun Radio avec Steve Aoki. Et on fera encore des appels avec Toff juste après. Bougez pas de là. Now you don't know me. Lightning above and a fire below me. On est les seuls à vous le mettre, le son de Linkin Park avec Steve Aoki à l'instant sur Fun Radio. C'était A Lie That Never Come et on est au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Bienvenue. Tous les soirs, 23h, 2h. Ah, t'as été coupé, mon con. Mickaël. Nos limites. Sur Fun Radio. Fun Radio. Bon allez, sur Fun Radio, on est toujours en direct évidemment, vous balancez tous vos messages sur Fun, minuit 57, là on est bien, là il y a Chris qui dit ouais. On se croirait dans GTA 5 avec la moto et les flics, ah bah oui, il y a Let's Be Flux qui dit pour une filelle de 8 ans, là je pourrais avoir mon message de bienvenue, bon t'es plus vraiment bienvenue, hein, ça fait un bail que t'es là, alors attends, qu'est-ce qu'on va te mettre Ah, il faut que je réfléchisse. Un alors, truc bien sale. Bah oui. Elle a mérité un truc dégueulasse. Attends. Ah putain, je cherche, je trouve pas un qui. Ah, message de. Bah, alors, de Toff pour toi, Let's Be Freaks. T'encules, toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà. Ah, c'est le pire que j'ai, les Netflix, là. Je pouvais pas faire pire, là. Ah, elle a été souillée. Ah, bah là, complètement. Il y a Quentin qui dit t'es un con, Toff, mais t'es marrant. Et Cyril qui dit 30 degrés, vous êtes les bienvenus. Et un coup de pelle sur la gueule de Toff. Ici, aucun danger. Bah, c'est ce que je disais, exactement. Eh bah, Cyril, fais-moi un mail, mickaël@funradio.fr, pour qu'on organise notre passage. Mais sérieux, nous, on vient, hein? On vient. Bien sûr, on y va. Tu vas aller où, toi? Tu vas aller où? Tu vas en Colombie? Ouais. Ouais, t'as eu peur de passer la frontière Tijuana, là, et tu viens nous faire. Ouais, c'est ça. On est au Mexique avec Toff, il osait pas passer à Tijuana, il avait peur. C'est vrai, Toff, il est là, c'est dangereux. C'est ça. Il était bouillant là. Je rappelle que là on vient de réserver un petit week-end à Prague, il a peur d'aller. Attends, on peut remettre dans le contexte Tijuana ou pas? Vas-y. Hein, parce que donc on va aller à Tijuana, moi je dis ouais mais c'est relou, c'est chiant, machin, non, il y a non, la non, t'avais peur. Et après, eh ben, on n'y est quand même pas allé. Hein. Bah non, oui, parce que c'est à cause de toi. Il est sérieux là. Quelle mauvaise foi. Mais t'es sérieux là. Bougez sa gueule. Oh là là. Alors que c'est vous qui flippiez comme deux tapons. Quoi? Il monte. Oh, mais... oh putain. Alors là je... Putain, c'est pas possible. J'ai le cul troué là. On avait le 4x4, on était prêt à aller faire une aventure au Mexique. Exactement, et l'autre il avait peur là, putain. Pousse caca. Oh là là. C'est exactement ça. Parachute aussi, c'est à cause mais de oui. T'as sauté. Ouais, c'est ça, c'est à cause de que t'as pas sauté en parachute là. Ceci dit l'autre fois, il fait flipper et tout. Putain, ça rase va. Et il y a Jordan aussi qui dit bravo Toff, les appels déchirent grave, j'espère que ce soir tu seras aussi bon. On sait pas sûr. Message qui dit bon, merci pour Linkin Park. Et alors quoi aussi un message de Johan qui dit quel bon la passette alors la moto là mais toujours au garage là pour l'instant hein. Et alors plein de messages où est-ce qu'il est celui-là Mathias qui dit Mickaël c'est mon anniversaire aujourd'hui je peux passer antidote de la Swedish House Mafia à l'occasion et une petite insulte c'est gratos vous gérez avec plaisir pour l'insulte enculé de ta mère t'es. Voilà avec plaisir et alors antidote on l'a mis la semaine dernière mais pourquoi pas c'est vrai qu'il était bien alors attends il faut que je le retrouve alors attends je cherche live and direct alors antidote voilà. Alors attention, je sais que je l'ai parce qu'on l'a mis la semaine dernière, donc Opela, antidote de la Swedish, et ben ce sera le prochain son tout simplement. Merci à toi. Et puis Stéphanini qui dit oh Prague, je rêve d'y aller, je viens avec vous. Bah si tu veux, hein, mais par contre on dort tous dans la même chambre, donc je te préviens déjà dès le départ, par souci d'économie. Attends, qu'on demande à Sandro là, si toi tu viendras. Hein la fille qui veut venir avec nous à Prague, et il lui a dit bah on dort dans une seule chambre. Qu'est-ce que t'en penses? Elle va dormir avec nous hein. Ben pourquoi pas. Bah quoi? Tu te vois dans une chambre avec moi et Toff? Ah non, non, non, mais t'inquiète pas. La meuf, c'est Fanini. Ah non, mais complètement pareil. Elle est ouf. Et sacré Toff aussi, qui message qui vient d'arriver. Bon, mais tous les messages, en tout cas, merci à vous tous. Sur le hashtag et Mickaël, sur le Twitter, je vous rappelle que tout à l'heure, on fera le top tweetos sur Fun Radio. On élira donc les 5 meilleurs auditeurs de la soirée, les 5 plus influents. Let's Be Freaks a perdu hier sa première place. Va-t-elle la récupérer ce soir ou pas? On verra. Donc, un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël, si vous voulez. Être top twito ce soir, en fait, tout simplement. Bon, on fait encore un petit appel. T'as encore un peu de temps, Noémie. Hein. Je sais que ça fait longtemps que t'es avec nous, mais ça te dérange pas, là. T'es bien. Pas QL, hein. Bye. Oui, je sais, il y a du monde dans le standard, mais je suis désolé. Noémie. Noémie. Ah merde, c'est ma faute. Oui. Noémie. Oui. Ça va, tu as un petit café? Non, ça va aller. Un petit verre, un petit coca, un petit verre, ouais. Un petit mojito. Oui, pourquoi pas. Bon, ben, je vais t'en faire un. Alors, Audrey, pareil, Marion. Oui. Tranquille, okay. Les filles, vous êtes bien? Ça va. Ah, Audrey est une gendarmette, parfait. Ah, bon, alors Audrey ne bouge pas. Elle est dans le gare, c'est trop loin. Autant dire qu'elle va doubler tout le monde. De quoi? Elle va pas doubler tout le monde. Garde à vous. Non, repos. Ah, repos, très bien. Bah rompez, très bien. Bon, alors, Toff, on fait vite un appel alors pour l'histoire d'une université aux États-Unis qui proposait donc de faire une semaine spéciale nue. Exactement. Voilà, avec des cabarets nus, soirées nues, du body painting, du yoga nu. Vous feriez ça, les filles, Audrey et Marion? Non. Non? Jamais? Jamais, non. Bon, c'est dommage. Moi, je dis pourquoi pas. Ah oui, mais toi, tu nous avais déjà dit, Noémie, c'est pour ça que je t'ai pas reposé la question. Bon, bah écoute, on va donc appeler vous déjà l'avez maintenant. Pas dit, non? Ah bon? Non. Ah non, c'est avec Vanessa qu'on l'a perdu. Bon, autant pour moi. Bah, très bien, Noémie. Nous gardons contact. Mais oui. Gardons contact. Bon, allez, on appelle Toff, t'es prêt? Je suis prêt. Bon, allez, c'est parti. On va voir si des gens peuvent, enfin, sont intéressés par ce nouveau système, justement. Est-ce qu'ils seraient prêts à aller faire une semaine spéciale nue dans l'université de Toff? Allez. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui? Oui, voilà, en fait je vous appelle parce qu'en ce moment c'est la semaine du nu. De quoi? C'est la semaine du nu. Vous savez, quand vous êtes tout nu, pas habillé. De quoi? J'ai rien compris. Donc je vous appelle parce qu'en ce moment c'est la semaine du nu. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bah en fait, je voulais savoir si vous pourriez participer à un de nos ateliers pour nous faire plaisir. Oui, d'accord. On a un atelier yoga, ça vous ferait du bien, je vous sens un peu tendu. Allô monsieur? Dis donc alors, Audrey, on peut rien faire comme ça? On peut pas porter plainte contre ces connards qui nous raccrochent au nez? Oui, non, malheureusement, putain. C'est vous qui les dérangez. Comment? Mais fait ça pour instruire, pour leur proposer des nouveaux plans. Mais oui, en plus, moi je voulais l'aider à trouver un moment de détente en faisant un petit atelier yoga. Bah oui, j'aimerais bien qu'ils nous disent, je vais appeler la police. Bah t'inquiète pas, elle est déjà là. Je vois une vanne que j'ai voulu faire. Bon, on rappelle. Bon, la police, tu restes avec nous, Audrey. Hein. Allez. S'il raccroche encore une fois, je porte plainte. Allô? Oui, excusez-moi, j'étais au téléphone avec votre mari, mais ça a coupé. Oui, j'entends rien, vous êtes qui? Moi, je suis Toff, madame. Et donc j'étais avec votre mari pour que vous participiez ensemble à notre semaine du nu. Non, mais ça nous intéresse pas. Arrêtez d'appeler, là. Il y a les enfants qui dorment, là. Mais non. Bah oui, je pense que vous avez besoin d'un petit cours de yoga. Ça vous détendrait, madame. Mais c'est pas vrai qu'on a nouveau été raccroché au nez, là. Bon, Audrey, j'ai la bénédiction de la gendarmerie pour rappeler. Oui, allez. Ouais, merci, la gendarmerie. Ça, c'est bon, ça. Allez, vive la gendarmerie. Allez, on rappelle encore un coup, là. Oui. Oui, vous êtes sûr, monsieur, que le cours de yoga, je pense que ça vous ferait vraiment du bien. Mais tu comprends un peu quand je te dis de fermer ta gueule, là, arrête d'appeler. J'ai des enfants qui dorment, tu te crois où, là? D'accord, monsieur, mais moi, je vous appelle pour participer à une opération. Mais je m'en bats les couilles. T'as vu l'heure qu'il est, là? Bah, oui, monsieur, je vois bien l'heure qu'il est, mais... T'appelles pas les gens à cette heure-là? Bah, si, parce que j'appelle... T'as rien à foutre, va te coucher, va faire chier ta meuf, là, encule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Monsieur, vous voyez, quand je vous dis que vous avez besoin de ce petit cours de yoga pour vous détendre. Non mais sérieux, tu sais quoi, va te faire foutre. C'est clair, va te faire foutre. Mais c'est pas gentil, t'as monsieur. T'as compris là? C'est vraiment pas gentil. Moi je vous appelle pour vous proposer un petit moment de détente. Gentil, toi non plus t'es pas gentil, tu me casses les couilles à ce temps-là, tu te crois où là? Chez vous, monsieur. Mais hey, va te faire enculer. Putain, il me... Hey, il nous a mal parlé, Audrey. Moi, je porte plainte. Va enculer ta meuf, c'est quand même limite, hein, cette affaire, quand même. Non, mais c'est vrai. Nous, on appelle, on est gentils. T'as vu comment ils nous traitent? Je trouve ça honteux. C'est pas très aimable. Ah, tu as remarqué également, toi. Effectivement, c'est même très. C'est même pas aimable du tout. Mais vraiment mal. Bon, on appellera d'autres personnes. Je ne sais pas qui nous a envoyé ce numéro-là, mais merci à lui. Ah, il était très gentil. C'était du caviar. Donc, tu vas enculer ta meuf ce soir ou pas? Écoute, je vais la trouver. Je vais aller voir les petites chinoises en bas de chez moi. Et... Ah, bah sinon, Lauriane. Hein, parce que, hey, faut savoir que Toff a été voir Lauriane sur le Facebook, l'auditrice qu'on avait avec la colle. Ah, il a carrément. Ah, c'est que des pas miel. Elle est très charmante. Mais oui, de beaux yeux. J'irai bien ce soir dans le 9-5. Oui, c'est un peu loin le 9-5. Oui, mais enfin, bon, ce n'est pas grave. C'est pas si loin que ça. Non, allez, je ramènerai Polo et j'irai dans le fin fond du 9-5. Ah, bah voilà, bah c'est parfait, tiens. Bon, et tant qu'on est dans la police, justement, tiens, avec toi Audrey, avec Marion, avec Noémie qui est encore là également, on va faire un petit quiz là par Twitter et par SMS. Alors attention, préparez-vous, prenez votre téléphone en main par SMS. Il va falloir envoyer Mickaël et la réponse au 64 900 ou 3044 pour la Belgique. Et puis sinon avec le hashtag Mickaël, bien entendu. Et puis les filles, vous allez jouer avec moi aussi, tiens. Alors on va voir si vous savez où on consomme le plus de drogue en France. Marion, j'irai Paris. Non mais une seconde Marion, c'est parce que je te dis Marion parce que t'étais en train de parler, tu n'écoutais pas Marion. On écoute le professeur Mickaël. La prochaine fois je prends ma règle et je tape sur les doigts. Et il va falloir arrêter de fumer Marion. Hein Marion? Oui, bah oui. Ah bah oui, il va falloir arrêter de fumer. Bon, alors, donc je disais, donc on va voir si vous savez dans quel endroit, dans quelle ville on consomme le plus de drogue en France. Alors j'ai les résultats ville par ville et il faut savoir évidemment qu'on consomme plus de cocaïne et de cannabis dans certaines villes de France, plus qu'Amsterdam. Ah oui, quand même. Ah ouais, c'est pour vous dire. Alors attention, on va commencer soft, hein, évidemment. Alors attendez, donc on va laisser 5 secondes aux auditeurs sur Twitter avec le hashtag Mickaël ou par SMS en envoyant Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 3044 pour la Belgique. On va commencer donc soft. Dans quelle ville on consomme le plus de cannabis, comme dans Weed, la série? Noémie. Alger. Non, France, la France, France Noémie. En France, d'accord. La France métropolitaine, voilà. D'accord, bon, parce que bah... ça fait plus partie de la France. Voilà, alors Noémie. Marseille. Audrey. Lille. Et Marion. Paris. Oh putain, c'est justement les trois propositions qu'il y a là, effectivement. Ouais. Alors, Lille, Marseille ou Paris, sur SMS, ça dit quoi? Sur le Twitter, ça dit quoi? Alors, sur SMS... Alors... Marseille. Marseille. Il y avait Lyon également, je vois passer là. Ah, Mulhouse. Bah, Mulhouse, très bien. Il y a quoi d'autre? Picardie aussi. Oui, c'est une belle ville, la Picardie. Oui. Très sinon, belle ville, la Picardie. On propose Baccarat aussi. Ah, Baccarat aussi, Lyon. C'est bien. Ouais, c'est ça, la ville française. Et donc, qui c'est qui avait dit Lille? C'est Audrey, la gendarmette? Oui. Eh ben c'est une bonne réponse. Oh eh ben ouais. Alors comment ça se passe au niveau de la consommation, Noémie qui appelle de Lille justement, tiens. Hein? Bah disons, trafic juste derrière chez moi déjà. De quoi? J'habite à Lille même, j'ai un trafic juste derrière chez moi. Donc voilà, bah ça m'étonne pas. Cela. Bon, question suivante. Alors attention, pour répondre, hashtag Mickaël sur Twitter ou alors par SMS. Donc comme je le disais, débutez le message par Mickaël et puis vous mettez votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Et pour la cocaïne, comme dans Nip Tuck par exemple, quelles sont les villes, Noémie? Enfin la ville où ça consomme le plus. Je vais rester sur Marseille. Tu vas rester sur Marseille. J'ai pas envie de dormir Lille. D'accord. Audrey. Lyon. Marion. Je vais rester sur Paris. Tu vas rester sur Paris. Eh bien, vous êtes trois à avoir la mauvaise réponse. Eh oui, la mauvaise réponse. Alors sur les SMS et sur le Twitter, ça répond quoi? On proposait Angers, il y avait Damsnartic, mais non, voilà. Alors on propose Paris, Lyon, Lille, ouais. Lille, Marseille. Pas mal. Avignon encore. Ouais, il y a le prince Adia sur Twitter qui disait dans le 9-3 au niveau de la drogue. Bah non, pas forcément. On propose à Orthez, très bien. Milleville, Paris, ouais. Mulhouse. D'accord. Et ben en numéro 3, il y avait Marseille. En numéro 2, Monaco. Et en numéro 1, Lille, décidément. Et Noémie, c'est le pompon là pour Lille. Hein. Ah oui, non, mais tout donc je suis au courant. Alcool, drogue, tout. Ah bah vous êtes numéro 1 là. Et enfin, on va terminer. Alors attention, vous aussi, oui. SMS, Twitter, et puis bah, vous les filles au standard. Et la méthadone, comme dans Breaking Bad. Alors, les filles, Noémie. Toujours une ville de France alors. Ah, toujours une ville de France, oui, tout à fait. Bon, bah, je vais dire Lille maintenant. Tu vas dire Lille, très bien. Audrey. Strasbourg. Strasbourg et Marion. Je reste sur Paris. Tu restes sur Paris, Marion, très bien. Alors sur les SMS, il y a un message de Camillou qui dit: vous lisez jamais les messages de Facebook car je n'ai pas de Twitter. Bah la prof que si, Camillou. Moi je dis Maison Lafitte, c'est Victor Adrien qui a envoyé le message, n'importe quoi. Sinon ils sont sur les SMS, ils insistent avec Mulhouse. Mulhouse, non. Lyon, Paris de nouveau. D'accord. Alors numéro 3 c'est Marseille. Effectivement, c'est toi qui avais dit Marion, Marseille. Non, il n'y avait personne. Ah, pardon. C'était Nancy. C'est moi qui disais Marseille avant. Ah oui, c'est ça, pardon, Nomi. En numéro 2, c'est Nancy. Et en numéro 1, c'est Lille. Oh là là, quel talent quand même. Oh là là, ces alcoolos, ces drogués à Lille. Non, mais c'est un truc de fou quand même là. Il se passe quoi à Lille là pour Guillaume? Attends, numéro 1 sur la ville qui consomme le plus de weed, enfin de cannabis. Numéro 2 sur la ville qui consomme le plus de cocaïne. C'est fou. Et numéro 1 sur la ville qui consomme le plus de méthadone. C'est un truc de fou. Il y a une explication à ça. Ah, on alors vas-y, Audrey la gendarmette, on t'écoute. Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Oui, Audrey. C'est une ville très très proche des frontières. Ouais, non, mais d'accord, mais Tourcoing aussi. Ben, ils sont très proches de la Belgique et du coup, ils ont pas mal de trafic. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, c'est le pays où il y a de la drogue en Belgique? D'ailleurs, la douane est juste à la frontière. Attendez, une à la fois. Tu dis Noémie? La frontière est juste à la douane après. C'est là que je me suis fait prendre. Enfin, moi, je me suis pas fait prendre. Mais... Oh, bah oui, c'est ça. C'est là que je me suis fait prendre. Enfin, non. Non, enfin, c'est pas moi. Pas du tout. C'est pas moi. C'est pas vraiment moi, en fait. J'étais là, mais j'étais pas là. C'est-à-dire, j'étais tellement shooté qu'en fait, j'étais pas vraiment physiquement là. Enfin, si, physiquement, oui, mais mentalement, non. C'est ça? Non, c'est même pas ça. Ah, ouais, c'est ça. Donc, Audrey, c'est quoi l'histoire? C'est parce que, genre, il y a beaucoup de drogue en Belgique, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais. C'est, bah, attends. C'est une ville assez frontalière à un pays qui est assez frontalier aussi C'est surtout Amsterdam, la Hollande. C'est consommateur, ouais, voilà. Ah donc, oui, mais non, mais d'accord, mais à ce moment-là, c'est facile. Enfin, genre, la Hollande, c'est là où il y a tout, donc du coup... Bah ouais. La France, on est le pays européen le plus gros consommateur de cannabis. Hein. Ah oui, ça c'est pour oublier Flambie. Bah c'est normal, c'est plus grand. C'est le plus grand des pays. Non, je crois que c'est par habitant. Ah, par habitant. Ouais, c'est en nombre de grammes par habitant. C'est en nombre de grammes par 1000 habitants, c'est la plus grosse consommation en France. C'est quand même beaucoup plus grand que tous les autres pays d'Europe. Oui, c'est par rapport à 1000 habitants, ouais. C'est là qu'il y en a le plus, d'accord. En fait. C'est pas spécialement par rapport à la zone. Parce que comment t'expliquer que la France, c'est un grand pays, c'est un peu comme les États-Unis, mais au milieu, il n'y a rien. Oui. Tu vois, c'est-à-dire. Il y a de l'herbe. Voilà, comme dirait Polo, il y a Paris et puis il n'y a rien d'autre. Hein. C'est ça. Parce que lui, c'est un sale con. D'ailleurs, il mérite un coup de pelle, tiens, justement. Tiens. Voilà. Bon, alors, du coup, Audrey, toi, tu nous avais appelé par rapport à la gendarmerie. Tout à fait. Et donc tu peux aller arrêter Noémie hein, quand tu veux, hein, Audrey. Hein. Ah non, mais je consomme rien, moi. Non, mais tu consommes rien, tu dis que tu t'étais fait arrêter? Mais non, mais c'est pas ça l'histoire. Attends, et Noémie, moi j'arrive et je te mets les menottes. Hein. Pas de problème. Ah ouais, c'est ça, moi j'arrive directement, hein, pas de problème. Alors attention. Bon, alors c'est quoi l'histoire? Bah en fait, j'étais avec mon ex qui se droguait. Oui. Donc voilà, on était dans sa voiture, donc il avait une belle BM blanche et noire, donc bien flash, qui faisait genre 15, donc tout pour se faire prendre. Ouais. Et on revenait de Belgique. Donc, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez été faire en Belgique? On a été chercher du tabac avec ses sœurs, sauf que c'est ses sœurs qui avaient le tabac dans sa voiture. Et oui, et lui il avait le cannabis. Et lui il avait rien. Non, lui il avait rien. Donc, bien sûr. Il était blanc comme neige. Comme sa voiture. Oui, voilà. La voiture était blanc. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et puis? Et donc la douane qui nous arrête. Donc moi je commence à stresser. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je regarde, je me dis oh là là, non c'est pas possible. Il nous arrête, il fume, mais il a sûrement quelque chose sur lui. Noémie, je t'arrête deux secondes. Audrey, tu peux faire l'interrogatoire? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. c'est quoi ton grade, Audrey? Je suis juste gendarme. Ah, juste gendarme. Et gardez-vous. Voilà. Bon. Moi, enfin, c'est pas grave, tu as l'uniforme, c'est tout ce qui me plaît. Mais oui, et les menottes. Oui. Ah. Et la matraque. Ah. Je peux faire un tour du propriétaire avant? Ah, d'une gendarmerie, ça c'est bon ça. Audrey, combien mesures-tu? 1m65. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Ah, oh putain, encore! Enfin, je me plains pas, loin de là, oh là là, n'imaginez pas que ça m'ennuie. Hein. C'est comme commissariat? Oui, c'est comme c'est pas comme mal. Commissariat. Voilà, comme ça vient. Cocaïne. Ouais. D'accord. Oui, comme cocaïne aussi, ouais. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Ah ouais, donc 1m65 et 60 kilos, c'est du muscle, hein. Eh, mais si on dit que t'es bonne, est-ce que c'est y a outrage, hein, Jean? Non. Non, d'accord. Ah alors non, voilà. Bonne, voilà. Mais tu peux venir m'arrêter quand même. Mais oui, c'est ça. Et oui. T'inquiète pas, tu auras de quoi faire. Bon, bref. Alors du coup, donc maintenant on sait à qui on parle. Et donc Noémie, donc tu t'es fait choper, toi. Alors vas-y, continue. Donc bah du coup, je commence à stresser. Il nous demande de sortir de la voiture. Et donc moi, j'étais blanche comme je sais pas quoi. J'étais en train de stresser. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc on n'avait pas le droit de se parler. On était genre 20 mètres l'un de l'autre. Et puis j'étais les douaniers, ils venaient me voir en me disant, mais de toute façon, le C qui fume, alors du nous qui fume. Moi j'étais là, non, je suis pas balance, au courant, je sais pas. Balance. Et ensuite ils ont trouvé les cartons, donc pour faire ces joints. Ouais. Donc, ah, le coup, bah, alors, là, l'usine avec, c'est bien, non mais il a bien fait. Hein. Tant qu'à faire, autant faire un seul aller-retour. Hein. Du coup, bah ils ont commencé à lui poser des questions, ils ont commencé à vraiment fouiller la voiture, ils ont été jusqu'à fouiller dans son caleçon au cas où il aurait caché... Bah bien sûr, et il a encore eu la chance de pas avoir eu droit au toucher rectal. Bah en mais tout qu'est-ce cas, qui se passe dans le cul, on va vérifier. Moi ils m'ont rien fait par contre. Moi ils m'ont fait totalement confiance, ils m'ont juste demandé de vider mes poches. J'ai vidé mes poches, mais j'aurais pu laisser des trucs dans mes poches, j'aurais rien vérifié. Moi j'aurais fouillé, moi j'ai le cul tout. Pas le passion, pas le passion, j'aurais écarté les deux fesses, j'aurais fouillé, refouillé. N'importe quoi, ouais. Et donc du coup ton mec il a été arrêté. Au final, on est resté 30 minutes là et on a eu la chance qu'ils n'ont rien trouvé. Donc pour la seule fois où il avait rien sur lui, je me suis dit putain, je l'ai engueulé ensuite. On est arrivé une heure en retard chez mes parents. Je ne savais plus où mettre quand j'ai dû leur expliquer qu'on s'est fait arrêter par la douane. Surtout qu'ils n'arrivaient pas à dire que c'est un drogué. Mon mec fume, alors du coup on s'est fait arrêter. Exactement, oui. En même temps, ils se sont fait arrêter parce qu'il y avait un nuage qui suivait la voiture, donc bon, forcément, ils se sont dit, c'est bizarre. Bah, en même temps, quand il y a une voiture comme ça, les douaniers, ils arrêtent forcément. La voiture qui flash. Ah, bah oui, bah, c'est forcément. C'est tuning. C'est surtout qu'au passage de la voiture, les chiens devenaient ouf, quoi. C'est clair, ouais. C'est clair. Bon, et donc, Audrey, toi, tu. Donc, gendarmette, alors, depuis longtemps ? Deux ans. Ah, depuis deux ans, ah oui. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et ça va, tu te plais ? Pas de problème avec les mecs et tout ? Oh non, absolument aucun. Tu as déjà fait des arrestations ? Oui. Tu as déjà tué quelqu'un ? Non. Oh merde. Tu peux venir à la radio, on va le faire le premier avec Toff. On va simuler un truc, c'est genre il t'agresse, et toi tu crois qu'il a une arme, tu prends évidemment ton arme, et puis bah l'accident bête, hop, ça dérape. Il est décédé. Bien entendu, son témoin. Ah merci Audrey. Bah si, ou alors juste dans son cul. Une petite balle perdue. Dans son trou du cul. Oui, c'est ça. Ouais. À ce connard. Non, c'est possible ou pas, tu penses ? Ben, ça va être dur de monter à Paris quand même. Non, mais c'est pas grave, si tu nous assures de le tuer, on vient te chercher. Hein. Mais non. L'avion en jet. Ah ouais, t'inquiète pas, moi je viens avec mon jet privé là. Sinon, il y a dit que c'est l'autre moyen sans me faire venir. Ah bon, quoi ? Du poison ? Voilà. Ah, c'est une idée, moi j'avais mon pistolet également. Il est pas mort ce connard. Ah non, il tient bon, hein. Il tient bon, c'est bizarre quand même. Et à préciser que la gendarmerie, vous êtes des militaires. Exactement. Tout à fait. Voilà. Et garde à vous. Rompez. Polo est tombé, hein, donc mais du coup, faut quand même le savoir. T'as fait le service, Polo ? Non, il a été réformé. Bah oui, il a été réformé, tu penses. Enfin. Bon, Noémie, bah, t'as encore un truc à ajouter ? Oui, juste mon filleul aussi, la fois, tout à l'heure, il y a je sais plus qui parlait des enfants, comme quoi sa fille a dit merci et que du coup, le gendarme avait pas fait passer pour les pneus lisses. Ouais. Moi, par contre, mon filleul, il y a quelques semaines, mon beau-frère s'est fait arrêter parce que mon filleul a montré son poing aux gendarmes quand ils les ont doublés. Ah oui, moi aussi, j'étais avec un con comme ça dans une voiture qui a insulté un flic et on a failli se retrouver en prison. Ça s'appelait Polo. Quoi ? Ouais, quand t'as fait va te faire enculer ! Puis que le flic s'arrête, c'est à moi que vous parlez comme ça ? Non, c'est au cycliste. C'est au VO. Voilà, donc c'est bizarre. On s'énerve un peu, on est un peu, on un peu tendu. Bah ouais, c'est ça. J'ai juste un truc à vous dire, c'est que je suis vraiment contente de vous retrouver parce que ça fait très longtemps que je me suis. En fait, on s'est perdu. Ouais, c'est ça, il y a vraiment, on s'est perdu. Quand vous étiez dans une autre émission, qui s'appelait Interdit, pour le voilà. Donc je vous suivais, j'avais 12 ans, aujourd'hui j'en ai. Non, c'est pas la peine de dire ce genre de conneries, ça ne sert à rien. tu vois. Tu nous feras pas passer pour des vieux, ça ne marchera pas. Je veux pas vous faire passer pour des vieux, mais je veux dire que j'étais super contente de vous retrouver. Et franchement, je vous adore. Et je suis super contente. Et puis, quand plus petite, j'étais amoureuse de Toff, alors. T'étais amoureuse de Toff, Noémie. Oui, je vais être la seule auditrice. T'es sérieuse. Mais aujourd'hui, maintenant que t'as 18 ans, que t'es majeure et que t'as quelque chose dans le cerveau, tu t'es rendu compte de ta connerie? Disons que pas vraiment. Mais moi, je trouve toujours marrant. Non, attends. Il y a une différence entre je le trouve marrant et je suis toujours amoureuse de lui. Hein. Alors, une seconde. Amoureuse, quand t'es petit, tu dis amoureuse, mais là, maintenant, non. Ah, d'accord, ok. À Valentin. C'est ça, oui, mais exactement. Mais parce qu'elle voulait rajouter un truc, Noémie. Je dis ça, mais t'es, je pensais pas vraiment. Voilà, c'est ça, elle le pensait pas vraiment. Je pensais vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, faut pas tuer Toff. Merci. Si, il y a un moment, faut y aller, quoi. C'est gentil. Noémie, je te fais des gros bisous, en tout cas. Je viendrai te faire l'entretien. Ouais, c'est ça, super, merci. Salut, Noémie. Gros bisous. Allez, gros. Et Noémie, t'es avec un mec actuellement ou pas? Non. Ah bon, je viendrai te faire deux fois l'entretien. Non, on va t'offrir un petit sextoy alors, comme ça tu pourras penser à nous quand tu l'utiliseras. Comment s'appelle le sextoy encore, j'oublie à chaque fois. C'est le... Bunny. Bunny, voilà, c'est ça. Sunny Bunny. Non. Sodo Bunny. Le Zippy Bunny. Ah, le Zippy Bunny. Non, le Zippy Bunny. Hein. Zippy Bunny. Voilà. Bunny. C'est un lapin. Oui, c'est ça, cool, oui. C'est un Bunny. Lapin cool. Oui, c'est ça, le Zippy Bunny. Bah, on va t'offrir ça, Noémie. Tu vas l'utiliser? Quoi? Tu vas l'utiliser? Peut-être. Je viendrai te l'apporter comme ça pour l'utiliser à deux. Oh, génial, quelle chance. Est-ce que Nickel, tu pourrais passer au Emmanuel de Nickelback? Mais comment t'expliquer que c'est, tu vois, t'as le logo de la radio, hein, c'est un espèce de rond avec marqué FUN rose, à côté il y a radio, enfin tu vois le logo de la radio. Bah oui, je sais, mais bon. Et en dessous il y a marqué quoi? En dessous du logo de la radio. Dancefloor. Voilà, exactement. Regarde, tu vois, c'est pas pareil. Mais cela dit, je l'écouterai dans la voiture en rentrant, je penserai à toi, Noémie. D'accord. Je te fais des bisous, Noémie. Bisous. Eh ben, en attendant, on va s'écouter Sweet du chauffe ma fille avec Antidote. Tu vois, ça ressemble un peu à Nickelback, Noémie. Audrey et Mario, vous bougez pas les filles, on revient juste après. Ah, j'avais pas menti, hein. Ouais. Quasiment pareil. C'est la même chose. Quasiment pareil. La ligne de basse. Bon, voilà, je sais plus qui me l'avait demandé, mais en tout cas, c'est fait. Swedish House Mafia avec Antidote, c'était sur Fun Radio. 23h, 2h. Espèce de petit pili de merde, va. Mickaël, nos limites, sur Fun Radio. Fun Radio. Bah oui, on est là, 1h24 sur Fun Radio, sans pub, là, depuis minuit, donc on est plutôt bien. Et Lilou qui dit Zippy Bunny, j'en veux un. Bah oui, mais bon, là, vous inquiétez pas, on va vous en offrir les sextoys. Avec... passagedudésir.fr. Exactement. Merci. Ludwig aussi qui dit j'ai amené une nouvelle personne québécoise sur Fun Radio et kiffe à mort. Ah bah. Bonsoir. Bah bonsoir à toi, bienvenue. C'est service au volant en direct sur Fun Radio. Service au volant, pas de problème. N'oublie pas de t'arrêter à l'arrêt. Hein, au stop à l'arrêt. Et qu'est-ce que vous prenez comme breuvage? Bah, je vais prendre un Coca-Cola. Très bien, et bah, très bien, on va faire ça dans quelques instants. Je prendrai également un chien chaud. Avec plaisir. Et on va s'écouter Céline Dion. Bon, Mr. Steven qui dit Polo est toujours dans les mauvais coups, lui. Ah bah, t'as toujours, évidemment. Il y a Megumi qui dit Mickaël, pour savoir la réponse du sondage, il faut demander à Valentin. Oui, c'est vrai, j'y penserai. Bon, retour avec Audrey, Noé, Marion. Mais avant cela, on refait encore un petit appel. Oh oui, on en a pas fait beaucoup aujourd'hui. C'est vrai, on n'a pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Donc petit appel maintenant afin de vérifier si oui ou non les gens seraient capables de faire comme cette école université aux États-Unis qui proposait de faire une semaine spéciale nue, voilà. Avec du body painting, du yoga nu, du nu tout court, voilà. Etc, quoi. Moi je trouve ça beau, je trouve ça magnifique de pouvoir faire du nu. Voilà, et Marion qui est gendarmette et Audrey qui est gendarmette et Marion qui est futur gendarmette, enfin futur flic en l'occurrence, ont bien pu remarquer que nous étions fait insulter. Oui, tout à fait. N'est-ce pas les filles que nous sommes à deux doigts de porter plainte, faut le savoir. Évidemment, nous avons été maltraités. Exactement. Bon, on appelle encore un coup maintenant, attention c'est parti. Et si jamais, eh bien je porterai plainte. Tu as raison. Bah oui. Allez, c'est parti. En plus j'ai des témoins là. Oui. Allez. Allez, debout, c'est pas une heure. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce qu'en ce moment, c'est la semaine du nu. C'est là. La semaine du nu. Vous avez tout nu et sans vêtements. Bah écoutez, monsieur, ça ne m'intéresse pas. Oui, mais en même temps, je suis nu à mes heures et habillé à mes heures. Et réellement, ça ne m'intéresse pas. Mais bonsoir, peut-être, monsieur. Peut-être notre atelier yoga. Non, non, mais bonsoir. Oui, bonsoir. Appelez quelqu'un qui sera intéressé. Bah, c'est ce que je fais, je vous appelle, monsieur. Mais moi, je ne suis pas intéressé. Mais si, vous venez de me dire que vous faisiez de temps en temps du nu. Non, non, mais je ne suis pas intéressé. Bonsoir, ah. Monsieur. Peut-être, mais peut-être la soirée... Mais, attendez, vous me dérangez, là. Oui. Alors, 2 minutes, c'est bien, et puis vous allez commencer à être indiscret. D'accord, bah, donc si j'ai 2 minutes, c'est bien, vous me devez encore non, une minute. Non, non, mais, monsieur, bonsoir. Attendez, vous m'avez dit 2 minutes, vous me devez encore non, une minute. Non, non, mais les deux minutes sont passées. Non, monsieur, ça fait une minute. Vous me non, devez non, une minute. Mais écoutez, monsieur, n'insistez pas. Hein. C'est vous, monsieur, vous m'avez dit... Vous êtes indiscret. Non, vous m'avez dit j'ai droit à 2 minutes, je vous mets 2 minutes. Vous m'ennuyez beaucoup. Mais pas du tout, monsieur. Et c'est très désagréable. C'est vous qui êtes désagréable, monsieur. Alors, je vais raccrocher. Non, monsieur, j'ai encore 45 secondes. Non, non, bonsoir, monsieur. Non, pas bonsoir, au monsieur. Revoir. Vous me devez 40 et secondes. Et à bientôt. Mais... Et il raccroche, et il raccroche. Je veux le reste. Bah oui, attends, mais c'est normal. On veut encore des secondes. On veut notre dû. On rappelle. On rappelle. Et donc, il se croit où lui ? J'ai pris. Bah oui. Allez. Et j'écoute. Oui, monsieur, vous m'avez dit que j'avais droit à 2 minutes, j'ai encore droit à 40 non, secondes. Non, mais écoutez, monsieur, ça commence à bien faire maintenant. Hein. Mais c'est vous, monsieur. Alors, on arrête. Vous me faites des promesses... S'il vous plaît. Vous me faites des promesses que vous ne tenez pas, monsieur. Non, non, je ne fais aucune promesse si. Et je ne tiens rien. Oui, sur ce bonsoir, monsieur. C'est bien ce que je vous reproche, et monsieur. Et à dans très longtemps. Non, monsieur, j'ai encore droit à 20 secondes. Oh merde, il a nouveau raccroché, on je rappelle. Je veux mes 20 secondes. Bon, on rappelle. Excusez-nous les filles, mais c'est une question de logique, hein. Il y a un moment où faut pas se foutre de notre gueule. Alors. Bon, je vais vous poursuivre pour harcèlement. Pas du tout, monsieur. Vous m'avez promis 2 minutes, vous m'en aviez... Je vais vous poursuivre pour harcèlement. Vous m'avez promis... Je vais vous poursuivre pour harcèlement. L'affaire est entendue. Bonsoir, monsieur. J'ai encore 3 secondes. Bonsoir. Voilà, là vous pouvez raccrocher. Ah bah voilà, au moins on l'a là, été... Là j'ai eu 2 minutes, d'accord. Là j'avais presque un client pour toi Audrey. Quel connard. Il n'y a pas harcèlement au bout de 3 appels. Ah, bah c'est noté. Et en plus tu es témoin, il m'avait promis 2 minutes. Exactement, que nous avons eu. Oui. Enfin, finally. Enfin, on a bataillé mais on les a eu. Exactement. Bon, bah très bien, bah, ça au moins c'est une bonne chose de faite. Bon alors Marion. Oui. Qui est avec nous dans l'Essonne, ça va bien Marion? Tout à fait, ça va. Bon, attends, inspection, bien contrôle. Bien sûr. Alors, Marion, technique. Combien mesures-tu ? 1m73. Oh, tu es grande. Combien pèses-tu ? 59 kilos. Ah oui, tu... Mais il faut manger maintenant, hein, par contre, hein, Marion. Hein. Pas du tout, tu es très bien, Marion. Ouais. Quel est ton tour de poitrine ? 90 C. Encore ? Mais c'est une folie ! C'est que des 90 C, 85 C. C'est génial, hein, c'est parfait. Ouais. Mais... ouais, mais je pense qu'on oublie toujours de poser la bonne question. Est-ce que ce sont les tiens ou est-ce qu'on te les a prêtés ? On s'en fout. Non, les miens. Ah oui, d'accord. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté ? 36. Oh, ah. Ah oui, non mais c'est la folie totale ce soir, je sais pas ce qui se passe là, mais... C'est un défilé de gros libards. Ah ouais, non, mais c'est même pas gros, c'est... Non, c'est pas gros, c'est bien. Non, c'est bien, c'est juste parfait. Ah ouais, non, c'est... C'est quoi, Flo ? Ça tient dans la main. C'est Byzance. Exact, ça tient dans la main. Je pense qu'à Toff, il va se faire plaisir ce soir. Oh là là, je vais repeindre tout le plafond ce soir. Oh, Toff, putain ! Ça fera plaisir à Lucas, directeur d'antenne, puisqu'il est chez lui, je tiens à le rappeler. Lucas, si tu nous entends, t'auras la peinture gratis. Voilà. Franchement, ça me fait plaisir de contribuer à la rénovation. Bon, le problème, c'est que c'est pas blanc, blanc, quoi, tu vois. Ça sera blanc crème. Ouais. Quelle horreur. Écoute pas dans sa gueule, tiens. Voilà, c'est ce qu'il mérite. Aïe, aïe, aïe. Bon, Marion, alors toi, t'es des futurs flics, c'est ça ? Tout à fait. Mais comment ça s'est passé ? Parce que j'ai du mal à imaginer, je ne dis pas que ça doit pas se faire, hein, loin de là. Mais tu sais, quand t'es une meuf, tu dis, ah, hop, je vais devenir police. Bah non, en fait, moi, j'étais jeune sapeur-pompier à l'âge de 12 ans. Ah oui ? Et bah là, je suis pompier volontaire et je voulais pas faire pompier pro comme mon copain. Donc j'ai choisi la police. Ah ouais, bah c'est... oui, pourquoi pas. Hein. Donc ton mec est pompier, toi t'es flic. Enfin, futur. Lui, il est pompier de Paris. Et pourquoi pas gendarmette comme Audrey ? Pourquoi non? Deux militaires à la maison, ça va pas le faire. Ah ouais. Ah ouais, avec les ordres et tout, ça peut être drôle, ouais. Et toi, Audrey, t'es maquée ou pas? Non, célibataire. Oh, parce que justement, on avait un week-end à Nîmes à faire. Ouais. Et on cherchait une escorte de l'aéroport jusqu'à... Non, mais comment ça se fait? À cause du travail ou t'as pas envie ou c'est quoi? Non, je fais que des mauvaises rencontres. Ah ouais, bah alors ça sert à rien, je vais pas te présenter Toff parce que ça va encore être une mauvaise rencontre de plus. C'est pas vrai, Audrey, je vais ta plus belle histoire d'amour. Arrête ton cinéma, vrai, ça va durer deux heures et encore. Il n'y a plus rien sur le marché, si, il reste Polo sur le marché encore. Hein. C'est vrai, il est là, il est sur le marché. Ah oui, il est sur le marché, ouais, mais tout le monde a marché dessus. Mais ça passe pas rien de plus. Bah oui, justement. J'ai 22 ans et demi. Faut attendre la vague de divorce, en fait, elle est comme on attend, là. C'est ça, vous êtes en stand-by comme Sandro. Hein. Ouais. Bah sinon, Audrey, t'as qu'à sortir avec Sandro, vous avez qu'à vous faire Gwyn. Ah non, il faut aller draguer ensemble. Non, de quoi, Audrey, tu dis? Je dis, il faut un homme avec tous ses attributs. Ah ouais, mais bah. Alors, deuxième raison pour laquelle je ne dois pas te présenter Toff. Mais il a pas de. Parce que tu seras visiblement très déçu. Mais le membre est mou. On sait que c'est mou. Mais je suis sûr que tu sauras le faire durcir, Audrey. C'est ça, ouais. T'as raison. Tu pourras me mettre tout dur. Ouais, bah, c'est bon, Toff, on a compris. Non, mais tu cherches quoi, Audrey, dans l'homme? Un mec fidèle. Ouais, mais ça Bah alors là, troisième raison pour laquelle je ne vais pas te présenter Toff. C'est un menteur, un hypocrite, c'est un goujat. Exactement. Et un enculé. Il a un problème avec le temps. Oui, il a un problème avec le temps, effectivement. Voilà. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, tout le monde le dit. Hein. Comme ta gueule, connard. Voilà, c'est ça. C'est tout le monde le dit. Tout le monde le dit. T'encules. Toi, ta mère, ta grand-mère. Voilà, tout le monde est là. Enculé de ta mère. Voilà, enfin, tu vois, c'est donc voilà. Toutes ces choses qui font que je ne dois pas te le présenter parce que ça va te faire enculer, connard. Voilà, c'est ça. Parce qu'on t'aime bien. Exactement. On rentre pas dans tes critères. Exactement. Et qu'en plus de ça, il y a des pratiques assez douteuses. Bah, t'as reçu ta meuf, là, on cule ta meuf, mais lâche-moi les couilles, là. Voilà, tu vois, il a des pratiques très douteuses, comme tu peux le remarquer, Audrey. Hein. D'ailleurs, avec des pratiques comme ça, ça mérite un peu de prison, ça, non, Audrey? Ouais, prison ferme, oui. Ah bah oui, un coup de matraque. Ah oui. Ah. Viens m'enfermer, Audrey. Ouais, c'est ça. Ah, pourtant, Audrey, t'es entourée d'hommes quand même au travail. Oui, mais alors le travail et l'amour, ça va pas ensemble. Non, mais oui, c'est clair. On est bien d'accord. Ah ouais, là, pour le coup, il vaut mieux pas, surtout à la gendarmerie. Franchement, tu te tapes toute la journée, après grave. Ça, t'as plus rien à lui dire. Non, pas forcément, c'est même pas ça encore le problème, mais tu sais, gendarmerie en plus, c'est bizarre quoi. Bon, bah merci Audrey en tout cas d'être passée. Hein. Mais je vous en prie, avec plaisir. Et bah tu reviens quand tu veux, Audrey, t'es chez toi. T'écoutes depuis longtemps, Fun? Depuis toujours, je crois. Depuis toujours. Très bien, Audrey. Bah, depuis que j'ai l'âge d'écouter la radio le soir. De quoi, Audrey? Depuis que j'ai l'âge d'écouter la radio le soir. Ça dépend, tu écoutes la radio depuis quel âge? Ouais, je sais pas, je vais avoir 12 ans. Wow. Ah oui, donc t'as connu t'as connu plein de trucs, quoi. Max, tout le bordel. Voilà. D'accord, ok, très bien. Ah bah parfait, bah écoute, ça fait plaisir, une fidèle Audrey. Bah je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Salut Audrey, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Ciao. Marion? Oui. Bon, on va laisser ton 90C à ton copain hein, qui en fera certainement bon usage. Ouais, bah oui. Hein. Bah j'imagine. Et puis, message pour ton copain d'ailleurs. Ta gueule, quand même. Voilà. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec de la jalousie. Pas du tout. Non, bah non. Pas de problème. Pas bon, voilà. Bah salut Marion, en tout cas, je te fais des bisous. Y a pas de soucis, ouais. Au revoir, bisous. Salut Marion, ciao à toi. On aura Sandrine dans un instant. Alors, Sébastien qui est toujours avec nous là. Sébastien. Ah, il s'endort. Ah, il s'endort, mais on va. Il est depuis 1h56 dans le standard. Il est courageux. Bon, Sébastien. Le mec, il est quand même quasiment le début de l'émission. Sébastien. Non, on va le réveiller, attends. Sébastien. Cours, vite. Sébastien, il y a le feu. C'est ton tour, Sébastien. Sébastien. Sébastien. Attends une seconde. Parce qu'il est dans le standard. On entend qu'il est connecté. À mon avis, il a dû s'endormir à côté du téléphone. Tu crois? Bah, sinon, tu sais, il a dû laisser le téléphone à côté de son oreille et raccroche, ouais. Rappelle-le. C'est possible. attends. Sébastien. Sébastien. Ah merde, putain. Bon, attends, on va lui raccrocher, effectivement, et puis on va le réveiller, quoi. Hein, parce qu'il nous a appelé pourquoi, là. Il veut demander à une fille si elle veut sortir avec lui. Note dans l'état où il va être, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Oui. Bon, on va quand même le réveiller. Au pire, on lui dira qu'on le reprend demain. Voilà. On va le rappeler, là. Allez. Et puis, si vous voulez écouter un son, là, hashtag et Mickaël, allez-y, je sais pas quoi mettre, là, pour l'instant, là. Hashtag et Mickaël, vous me demandez ce que vous voulez comme son maintenant. Et puis si c'est un truc bien, je le mets. Quelqu'un a proposé FL65. On a dit un truc bien, non? Blue, badabida, badabida. Sébastien? Oui. Ah, eh, dis donc, tu t'étais endormi, Sébastien, là? Oui. Ah, c'est. Bah, comment ça se fait? Et quoi, dis tout de suite, c'est parce qu'on dit de la merde? Non. T'es sûr? Oui. Ah bon, d'accord, ok. Non, mais ça me rassure quand même un petit peu. Bon, Sébastien, on va parler de quoi dans un instant? Je vais mettre Léa pour sortir avec elle. Tu vas appeler une meuf pour sortir avec elle, d'accord, ok. Mais allez. Tu la connais déjà bien ou tu la connais pas bien? Tu la connais comment? Ça fait depuis la rentrée que je la connais et j'ai des sentiments pour elle, mais j'ose pas lui dire que j'ai peur de me prendre un râteau. Ah, bah écoute, on va essayer que ça passe mieux, quoi. Je te garantis pas le râteau, hein, mais on va essayer que ça passe mieux quand même. Hein? Ok. Bon, bah écoute, on va faire ça. Hé, je l'ai retrouvé! Mon Dieu, ça a mal vieilli, hein. Quelle horreur! Ça me rappelle mes vacances en Corse, ça! Oh là là, les campings! Non, je suis pas au camping, moi! Non, moi, je parle de moi! Oh là là, mon Dieu! Non, mais attendez, parce qu'il y a quand même un moment. Oh, c'est bon quand même! Faudrait le remixer! Ah, attends, tu veux le remixer? Moi, je pense qu'il faudrait pas le toucher. Ah. Alors, attention, écoutez le meilleur moment là! Enfin, le meilleur, façon de parler. Alors, écoutez, attention! I'm blue! Ah non! Quelle horreur! Va te faire enculer, salope! Oh, c'est dur! Hein. Tu me dégoûtes! Est-ce que tu comprends? Tu me dégoûtes! Ah oui, je suis assez d'accord! Va te faire enculer, salope! Bon, est-ce que vous voulez que je vous le mette le truc? Ah, on proposait Tsunami de DVBBD là. Bon bah d'accord, ok, bah, alors peut-être que je le mettrai tout à l'heure. Bah dites-moi si vous voulez vraiment l'entendre parce qu'il est ringard mais ça peut être rigolo. Ah moi je veux donc, bien. Hashtag Mickaël maintenant ou alors par SMS, vous débutez le message par Mickaël et puis vous mettez bah oui ou non en fait tout simplement, vous envoyez ça au 64 900 ou au 3044 pour la Belgique. Alors en attendant, alors DVBBT Attends, où est-ce qu'il est celui-là? Faut que je le trouve aussi hein. Alors attendez. Je vais le trouver, sur vous, on est là, on a la cool. Tu es toujours avec nous Sébastien, tu t'es rendormi ou pas, non? Non. Bon, parfait, très bien. Non mais je me posais la question, tu vois, pour être sûr. Ah, DVBBS, voilà c'est ça. Bon, on se l'écoute celui-là alors. Bon, ça va réveiller tout le monde aussi, ça, très bien. Allez, j'attends vos messages, hashtag et Mickaël, allez-y, il y a Marie aussi qui dit FL65, toute mon enfance. Ah bah oui, c'est sûr, hein, c'est sûr. 1h39, on récupère dans un instant Sébastien sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. DVBBS à l'instant sur Fun Radio, c'était Tsunami. Allez vous faire foutre, espèce de tête de con. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct, effectivement, 1h43. Bon, vous êtes nombreux à vouloir qu'on mette le côté rétro là de FL65 avec Blue. Il y a Megumi. Attends, ça date de quand ce truc-là? Ça date de 98, 7. C'est ça, ouais. Pas loin, ouais, attends. Non, 19, j'irais. 97. Non. 18 mais pas plus tard. Attends, je te dis. Bon, il y a Megumi qui dit j'aime bien le FL65, Let's Be Freaks, il dit oh oui putain pour le délire je veux bien l'écouter. Marie qui dit mon enfance je veux. Le prince là qui dit mais oui Mickaël, mais vous me mettez des souvenirs plein la tête avec FL65, mes premières boîtes de nuit. Dames Nerdy qui dit ça c'est bon c'est FL65. Team Followback qui dit quelle horreur, je suis assez d'accord. The Phil 4444 qui dit nouvel auditeur québécois là. Votre concept est pas pire du tout. Ah mais pas le alors, québécois. Tu là. Sais, chez nous, The Phil 44, on dit votre concept est bien. Ouais. Parce que pas pire, ça veut dire qu'il y a quand même vachement pire, mais il y a mieux. Ouais, enfin, bizarre. Dans l'absolu, c'est vrai. Mais bon, en tout cas, merci hein, The Phil 4444. C'est très gentil d'avoir donné ton avis, ton envie comme ça à l'instinct là, sur le réseau social de Twitter. Voilà. 99 donc FL65. Voilà. Merci Polo. De quoi? 99, qui avait raison? Moi? T'es sérieux, t'avais dit 17 quoi. J'ai 99, tu ouais, dis 97, ouais. 18. Bon, y a Mika qui dit il va pas se prendre mais un râteau. Tu as demandé à Valentin? Bah je le ferai. Mais plus une pelle légendaire. Et puis Guillaume qui dit You make me Davichi pour mettre le son là. Bah du coup on va mettre Easy FL65. Bon alors Sébastien, t'es toujours là? Oui. Parfait. Tu sais qu'en plus j'avais oublié de couper la tranche du téléphone pendant qu'on mettait le disque. Mais heureusement, comme Sébastien était moitié endormi, ça ne s'est pas entendu. C'est le point positif. Bon alors Sébastien. Oui. Bon, on va donc appeler on va appeler maintenant ta copine, enfin ta future copine. Ouais. Puisqu'il est bien, c'est qu'à ce tour-ci, elle va bien le prendre quoi. J'espère. Bah oui, il va mais très oui, bien prendre. Va kiffer. Bon, on te laisse parler, Sébastien, hein, d'accord? Ok. En cas de problème, rassure-toi, nous sommes derrière. Ouais, merci. Juste derrière elle. Oui, non, bah non, parce que quel âge elle a? 12 ans. Ouais, bah, oh oui, non, on est loin, derrière, mais très très loin derrière, hein, t'inquiète pas. On ne la connaît pas. Bon, pas du tout. On est bon. Loin derrière, mais est retourné. Voilà, on y va, on l'appelle, et bonne chance, Sébastien. Montre merci. Que c'est toi. Attends, oulala, là là, je raccroche. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Alors là, je sais pas comment lui annoncer. Ah bah ouais, mais bon, bah, alors, imagine. Non, bah, imagine, c'est Sandro. Voilà. Voilà, elle décroche, ça sonne, tut. C'est pas du temps normal. Mais non, j'ai pas encore décroché, refait. Si, t'es. Ah ouais, non, j'ai cassé les couilles, t'as décroché. Mais non, pour pas faire la meuf au taquet. T'as décroché. Mais non, faut pas faire la meuf au taquet, faut laisser un peu sonner. Ouais, en plus, c'est un numéro privé, t'sais pas. Eh, j'ai pas faire sonner 10 fois. C'est vrai, c'est un numéro privé. Quoi, c'est un numéro privé? Bah, elle le voit pas. T'appelles en masqué là. Moi, je réponds pas. Eh, cassez pas les couilles. Affiche ton numéro. Hein. Affiche le number. Bon, je recompose. Vas-y. Bon, une seconde. Ah bon, on est équipé avec ce qu'on peut. Hein. Ah merde, ça c'est le côté ça. Ah merde. Oh mais elles sont où mes sonneries? On m'a piqué mes sonneries. Non. Tu le crois ça? Tu viens de la mettre. Je recompose. Oui, ben bah, je vais effectivement faire ça. Putain, Coralie, s'il m'appelle, qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai trop peur. Ça sonne. On l'entend pas parce que j'ai un problème technique, mais ça sonne. Ah, je suis sur vibreur. Oh, Coralie, c'est lui! C'est lui, je décroche ou pas? Bon, on décroche! Allô? Oh, c'est une bonne salope! Oui? Mais putain, va te faire enculer, la fille de putain! Oui, je voulais t'annoncer un truc. Oui, c'est qui? C'est Sébastien. Ah, Sébastien! Je suis dans ton bahut. Ouais, je voulais t'annoncer un truc. Je sais pas si tu vas le prendre mal. Non, déjà, il faut pas. Alors, non, faut pause. Dire ça va le prendre mal. Et... Voilà, il faut. Et pause directement. Il faut toujours lui faire croire déjà que l'idée vient d'elle. Et de deux, que tout est positif. Ne lui dis pas, je crois que ça va pas aller, mais je vais quand même essayer. Jamais. Voilà. Il faut jamais lui laisser la possibilité de répondre quelque chose. Et il y a enfin, à part oui. Okay. Un petit peu de mollesse. D'accord, là. Ouais, mais il dormait encore. Hein. Okay, il va se réveiller. Donc tu vois, ne lui laisse jamais la possibilité de répondre. Tu vois, comme par exemple, imagine, quand t'appelles quelqu'un pour un sondage ou n'importe quoi, la galère. Bon, excusez-moi, je vous dérange pas si tu me déranges. Bah terminé. Oui. Ah ouais, moi je leur demande jamais, hein, sinon ah ouais. Combien de fois on se serait fait raccrocher au c'est direct. Ça. Donc tu vois, tu laisses tomber, d'accord? Ouais. Bon, allez, moi je propose que tu l'appelles, tu dis ça. Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant. Voilà, t'essaies de lui dire ça pour voir ce qui va se passer. Ok. Ouais. Bon, donc, alors, ouais. Remise en situation. Donc Sandro a décroché, elle a fait t'es qui, machin, c'est Sébastien, boum. Alors, on en était où? Après, je commence à lui annoncer que si elle veut sortir avec tu moi. Tu parles à qui là? Non, tu parles à Sandro, Sébastien, comme allez, si c'était Léa. Allô? Oui, je suis toujours là. Perdu. Bah, j'attends. Oui. Est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Ta gueule, connasse! Ah ouais, merci. Arrête, papa! Papa, décroche! T'as mis au monde, t'as récupéré sur ton front, connasse! Arrête, papa! Enculé de ta mère! Mais arrête! Je crois que c'est t'as mis au monde, t'as récupéré sur ton front, connasse! Tu dis Sébastien? Je disais que j'ai pris le râteau, je crois. Ah oui, ah, ça c'est clair. Ah, t'as été coupé, mon grand. Espèce de petit pédé de merde, va. Mais bah. Je ne suis pas pédé. Non, mais c'est vrai que si on tombe sur le papa, évidemment, ça va être plus compliqué. Hein. Espèce d'enculé, va. Voilà. Bon, écoute, alors Sébastien, je pense qu'on t'a, inculqué tout ce qu'il fallait. Enfin, au moins, on t'a donné le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Donc, on va y aller, là. Ouais. Hein? Tu as rien à faire, c'est ce connard. Oui, si on tombe sur un mans, c'est ce qui risque de se passer. C'est son portable ou c'est son fixe? C'est son portable. D'accord. Bon, on y va, toute cette préparation alors que ça va être le répondeur. Enfin, comme le savoir, ça, enfin, je pense. Bon, on y va, c'est parti. Allez, vas-y, Sébastien, je crois en toi. Vas-y, mec, allez, vas-y. Merci, vas-y. Moche. Vas-y. Et parle normalement. Sébastien. Allez. Parlons en George Clooney. C'est pas normalement George Clooney. Mais vous êtes sûr que la fille a moins à 2 ans moins 10 elle va décrocher? Eh oui, on va voir. Alors attention. Avec la musique de Rocky 4 derrière. Sinon tu laisses un message. Bonjour, vous êtes bien sûr. Dis que tu le rappelles demain. Veuillez me laisser un message après le bijou, je rappellerai. Dis que tu rappelles demain soir. Une fois votre message enregistré, d'accord, vous pouvez raccrocher ou taper le dièse. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, là, c'est Sébastien, je voulais t'annoncer que, bah, si tu voulais sortir avec moi, bon, bah, salut. Allô? Ah mec, alors Sébastien, comment te dire comment te dire que là tu viens de tuer toutes tes chances. Je t'ai dit, dis-lui que tu vas la rappeler demain soir. Ouais. Et là, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as fait une demande sur un répondeur qui ne va pas te répondre. Et après tu dis, allô? Allô? Demain, elle, tu peux être sûr, toutes ses copines, elles sont là, ça, oui, elle va faire écouter à la terre entière. Ah. Maintenant, elle sait comment elle va te gérer. C'est-à-dire qu'elle sait comment elle va devoir te répondre. Oh Sébastien, putain, comment est-ce que je peux te sortir de cette merde? Ah c'est mort. Là on peut plus, là on peut c'est plus. C'est mort. Oh putain, merde. Oh. Plus de match au collège dans sa classe. Ah ouais non, elle a. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? En plus je te dis pour le répondre, dis-lui que tu le rappelles demain. Ok, tu me dis. Et puis tu démarres, est-ce que tu veux sortir avec moi? Ah oh. Mais c'est trop mignon, moi je trouve ça mignon. Si, écoute, demain on essaie de rappeler quand même. Ouais, demain on va rappeler, demain il faut pas lâcher l'affaire. À 23h on démarre avec cette affaire hein. Ouais. Oh putain. Et par contre, prends des vitamines parce que là, c'est pas possible. Là. Ah ouais, là ouais. Je suis endormi. Ouais, mais c'est pas une excuse. Il est en panique. Mais... Red Bull à fond demain. Oh putain, catastrophe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah je sais pas, là si je suis... Si vous avez des idées, dites-nous, hein, pour attraper le dos. Ah, moi j'ai qu'une seule musique hein, qui pourrait bien aller avec cette situation. Oh, c'est triste. Nous nous rappelons Sébastien, ce garçon sympathique, gentil qui... Gâchait sa vie. Gâchait sa vie sur des répondeurs. C'est juste Sébastien. Il a niqué toutes ses chances. Il a niqué sa vie sur un répondeur. Ah oui, Sébastien. Encore quand il m'a dit Léa, je la kiffe, j'aimerais bien sortir avec elle. Au pire, on peut ouvrir avec le Carolo demain. On peut l'appeler avec le Carolo. Oui, c'est vrai qu'on peut évidemment effectivement l'appeler avec le Carolo, oui. Pour attraper un petit peu le délire, c'est quand même positif, c'est que si elle le kiffe... Attends, Sandro. Ta gueule, connard. Pardon, voilà. Excusez-moi, je me suis emballée. Mais j'ai trouvé... Attends, vas-y, après j'ai trouvé la solution. Non, je disais que si elle le kiffe, et ben d'entendre ça sur son répondeur, la meuf, elle va sauvegarder le message, elle va le garder à la mort. Pas forcément. Il va être Facebooké. Et vous savez qui est-ce qui peut nous donner la solution? Qui ça? Valentin. Bah je suis pas sûr hein. Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Ouais c'est vrai que peut-être que lui pourrait ouais mais tu sais hein, je le pensais pas vraiment. Bah oui mais... T'as compris au fils de pute. Bah qu'est-ce qui lui arrive? Bah alors il est pété mon je pensais pas vraiment. J'ai dit ça mais t'es, je pensais pas vraiment. Voilà. Ferme ta gueule gros bâtard. Oui bon c'est bon on va pas y passer la nuit là maintenant. Bon Sébastien écoute on va te souhaiter vraiment tout le courage qu'il faut. On te rappelle demain. Okay, ça va aller. Est-ce que je peux avoir un pack fun demain, si tu es bon. Ok, merci. On te rappelle demain, d'accord? Tu veux pas une pelle pour monter? Ouais, un coup de pelle, ça je peux te donner. Hein. Ouais, voilà. Là, il faut que je me réveille. Ah non, mais rendors-toi là, Sébastien. Là, il vaut mieux que t'ailles dormir, là. Il vaut mieux que t'ailles dormir. Bon, Sébastien, à demain. Hein. Ok, merci beaucoup. Allez, salut Sébastien, ciao. Au revoir. Oh là là. Le mec, il s'est niqué toutes ses chances. Ah. Il a dit, bon, faut que je me réveille. Bah non, mec, dors, quoi. Non, ouais, on dort ouais. Là-dessus. Bah. Et il y a Victor Adrien qui a envoyé un message qui dit aussi sur Twitter, oh non, je suis trop triste pour lui, il faut le sauver, les gars. Bah ouais, essayez demain, là, on peut rien faire. Jonathan qui dit, il rappelle, il dit que c'était pas lui. Ah, oh, ça c'est le pire, alors là, comment t'expliquer? Non, c'est pas moi qui viens de taper. Ouais, c'est ça. Ah, je suis mort de rire, j'en peux plus. Je sens le râteau. Bah oui, là, ça y est, c'est fait. Il y a Lilou qui dit mon message de bienvenue. Bah attends, il est là le message de bienvenue. Alors, lequel message de bienvenue? Un bien sale. Ouais. Espèce d'enculé, va. Voilà. Et alors, il y avait quoi aussi? Chris qui dit il a niqué toutes ses chances, le pauvre. Lilou qui dit demande à Valentin. Bah là, c'est fait, effectivement. Florian qui dit ouais, mais Tsunami. Bon, on va le mettre, du coup, le Tsunami. Et alors, GTR qui dit oh putain, il s'est endormi, le con. Bah oui, j'étais endormi là. Mais alors, du coup, on l'a réveillé. Jessica qui dit aussi je suis agent de sécurité. 1m60, 40 kg. Les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans ce métier. Oui, bah écoute, c'est vrai, Jessica, mais dis-nous où tu travailles, Toff se fera arrêter. Ah oui, je viendrai, je vais tout voler dans le magasin. Exactement. Et quant à Kenny, je crois qu'il faut arrêter le lance-flamme à Toff, il est trop en chaleur là. Oui, ce soir, il est au taquet, effectivement. Et Megumi qui dit rappelez et mettez le son de tu sais, je le pensais pas vraiment. Bah, mais on va le garder pour demain, ça, on va le garder. Ah, oui. Il y a Sandra aussi qui dit moi, je veux un bunny, je me sens seul sans mon homme et je prends Toff avec, avec également. Bah, pourquoi pas, très bien. Moi, je suis disponible, toujours. Toujours. Et Tim Foloba qui dit trop marrant les canulars de Toff. Pauline aussi qui dit Paulina, pardon, je voulais vous dire que je suis une folle de vous. Merci, ouais. Paulina, oui, merci pour ce petit message. Et GTR586 qui va pleurer toute la nuit là, c'est pas bien le pauvre. Bah oui, mais bon, en même temps il s'est enterré tout seul hein. Nous on lui a donné des bons messages là, des bonnes solutions je pense, et bah rien. Et il y a Lilou aussi qui dit un petit message de bienvenue pour mes une semaine. Oh, ça fait une semaine que t'es là, avec plaisir Lilou. Eh ben on va te faire ça. Va te faire enculer maintenant. Voilà, ça me paraît pas mal Lilou. Bienvenue à toi. Bienvenue. Bon bah 1h55 avant de faire les résultats du top Twittos, avant également de prendre Sandrine et avant eh bien de faire le générique de fin, il faut le faire. Alors oui, ça a mal vieilli, mais oui, vous avez été nombreux, c'est pour le délire. On va vous le mettre maintenant, le son qui date de 99 là. Oh là là, Dieu sait que ça fait longtemps. Le son de FL65 qu'on écoute maintenant. Il vient de loin celui-là. Avec Blue. Oh là là, ça rappelle une émission qu'on avait fait avec Toff à l'époque. Oh là là. Une émission de dance. Oh là là. On avait droit à 1h tous les 15 jours. Avec le presque DJ. Tous les 15 jours. Mais Toff, il était presque DJ, il mixait l'émission. En fait, c'était les ébauches de Party Fun. Oh le bouffon. Ouais, c'était avant Party Fun encore. Ah oui, c'est vrai. T'as des photos ou pas? Une heure. Tous les 15 jours, mec. Attends, quand on était sages. On avait 12 disques à mixer, pas plus. C'est vrai. Et l'émission s'appelle Dance Train. Tu sais, déjà, il était avec le train. Polo, reviens, tombe pas. Allez, bouffons. Dance Train. Vous allez me tuer, les gars. Non, mais c'est vrai. Donc voilà, et on avait droit à 1h tous les 15 jours. C'est ridicule. Et donc Toff il mixait, mais comme c'était un presque DJ, il pré-mixait tout. Bah oui, c'est pour en live. Bah oui, attends. Et malgré tout, c'était mal fait. C'est pas vrai, t'es mauvais. Ah oh, si, nombre de gens avec les mix qui étaient pas dans le beat apparemment. Moi j'y connaissais rien, c'est ce qu'on m'a dit. Il y en a d'autres qui ont fait la même chose. Hein. C'est-à-dire. Qui mettait des CD de faux mix. Hein. Ah ouais, oui, mais ça c'est. Bah les escrocs, il y a partout. Hein. Il y en a partout. Bon, on se le met. Bah oui, allez. Allez, c'est dur, mais vous inquiétez pas, ça va vite passer. Hein. Yo, listen up, here's... 20h minuit. Mickaël, nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, et c'était bon. Bien la version remix là. Ah, c'était génial. Il y a Chris qui dit lol Mickaël, c'est mieux avec ton mix. Il y a GTR aussi, 586 qui dit bien quel est le petit PD de merde, trop bon. Lynn qui dit chanson mixée par Mickaël, rien de mieux. Comme je le disais, je serai bientôt résident à Party Fun. La direction de Fun me veut, mais il y a un moment où il faut payer le prix quoi. Non, je veux dire, tu vois, ouais, faut pas normal, se foutre de ma gueule, il y a un moment où faut mettre le tarif. La meilleure radio, c'est vraiment Fun avec vous. Merci Lynn. Il y a Megumi qui dit Roche danse avec plein de souvenirs dans la tête. Il y a Clem aussi qui dit remixé avec les Corses, là ça passe crème. Il y a Dams aussi, voici la parodie d'Eiffel 65, une pensée pour Pierre. Lilou qui dit Eiffel, c'est toujours d'actu en boîte. Ouais, mais alors en boîte. Hein. Tixek qui dit à défaut d'un message que j'ai toujours pas eu de bienvenue, je peux avoir un message de bonne nuit avant de vous laisser. Bah bien sûr, Tixek. Alors attends, on va t'en mettre un petit là, tu vas voir. Alors avant d'aller dormir, qu'est-ce qu'on peut te mettre? Eh, tu sais quoi, avant d'aller dormir, je te mets la totale, tu vas voir, regarde ça. Je te mets la full totale, full option. Ah, t'as été coupé, mon con. Eh ben viens, moi, je te coupe entièrement. Espèce de petit pili de merde, va. Amène-toi et tu vas voir un petit peu. Je t'accroche derrière ma voiture et je te fais courir jusqu'à Fouriane. Tu vas voir un petit peu si tu vas plus mettre de chaussures pendant toute ta vie. Espèce d'enculé, va. Voilà, sympathique, top class, quoi. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment bien. Bon, et puis sinon, en termes de vieux sons, si vous voulez, si vous avez des vieux sons à la con comme ça, on peut en mettre le soir. Une idée, comme ça, bon, FL65, c'est déjà mis. J'ai bien une idée ou pas? Non, rien, pas d'idée, non? Tragédie. Oh putain, non, mais ça, je peux pas. Non, ça, tu vois, ma religion me l'interdit. Attends, voilà. j'ai pire, Camaro. Oh non, ah ouais. Non, ça m'a... Non. Oh non, je suis désolé, il faut quand même pas déconner. Non, vous plaisantez là? Non, non, mais j'ai rien demandé moi pour l'instant. Parce que je sais qu'il est fan Polo Tragédie, mais faut quand même pas déconner non plus quoi. Il faut savoir qu'ils sont potes et tout, hein. Ils ont fait... Ils ont partagé un McDo ensemble. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Attends, je viens de taper dans les vieux sons et dans les vieux sons, je tombe un truc là-dessus. Bah c'est parfait ça. Là, on serait bon là. Ouais. Le son fume flore. Fumée de flore, elle est pas mal avec ça, tiens. Un petit bob à l'occasion. Bah, pourquoi pas, tiens. Hein? Weed flore. Ouais, pourquoi pas, ouais. Yeah, je crois que ça va être un son, c'est un truc remix. Il va avoir dit. Il est parti, mais en fait, non. Non, pourquoi pas, tiens. Hein, Sandrine? Ouais. Un petit son fume flore à l'occasion. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal, hein. Ah oui, ça serait sympa. T'es zen comme ça, à la cool, fin de journée, voire même fin de nuit presque pour certains. En mode à la cool. Bon. Fin de nuit ou début de journée, ça ouais, dépend. Voilà. T'en as pensé quoi de la FL65 là? T'as une autre idée de titre ringard comme ça qu'on pourrait mettre? Dorothée. Non, mais il faut pas abuser non plus. Hein, Non, quand même pas. Non. Après, j'ai pas trop abusé. Non, FL65, c'était pas mal quand même. Ah, en termes pourris, j'ai ça. Bon, y a pas la Macarena aussi dans. Ah si, ouais. Non, c'est DJ Bobo, ça. Chihuahua. Chihuahua. Oh là là. Quelle horreur. Oh, ça c'était quand même très mauvais. Chihuahua. Ouais, ouais. Allez, ta gueule, hein, c'est bon. Bon, alors, Sandrine, bon, on va parler de quoi avec toi, dis-moi. Et moi, j'ai une amie que j'aurais aimé avoir des conseils, savoir pour comment la récupérer. Enfin, récupérer son amitié, quoi. Son amitié, ce n'est pas une. Tu n'as pas envie de récupérer son amour. Non. Tu n'es pas une femme qui aime les femmes. Si aussi, mais là c'est plus une amie, c'est une grande sœur. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle s'est barrée? Ben, elle m'a dit que je lui envoyais trop de messages. Ah ouais, mais si t'es relou aussi, après on peut rien faire. Hein. Ouais, bah après c'est bonne journée, bonne nuit, voilà. Non mais c'est après, trop, voilà. C'est trop. Mais contente-toi de bonne nuit. Ouais, voilà, c'est ça. Mais non, mais tu mettais quoi en plus? Parce que tu vas pas me faire croire que c'était juste bonjour, oui, bonne ben, nuit. Oui, bonne journée la belle, voilà. Oh. Voilà, c'est tout. Non mais dis-lui que... Je te lâche la chatte, non, c'est pas ça. Non. Je te montrerai bien le minou. Ouais, c'est ça. Non. Ça non. Bon. Non. Non mais dis-lui, voilà, je suis... Voilà, je... Va te ranger, salope. Non, tu lui disais ça ou pas? Non plus. Ah d'accord, ok. Non bah très bien, non mais je voulais savoir. Est-ce que tu lui disais ça parfois? Tu peux aller te faire foutre, tu le demanderas à Valentin. Non. Non, c'est bon. Non, d'accord. Non, mais c'est pour savoir, ouais, c'est pour savoir. Ouais, mais tu sais, je le pensais pas vraiment. Ouais, c'est vrai. Où est-ce que tu... Je lui ai juste envoyé un message et une chanson. Si je m'habite. Non, t'as pas dit ça. C'était un message et une chanson que je lui avais envoyé, mais après je me suis aperçu que c'était plus une sœur. Tu lui as envoyé une chanson? Attends, parce que là, il oui. y a... Bon, écoute, hey, tu sais quoi, Sandrine? La dernière qui a envoyé une chanson, c'est ce que ça a dit. Bah, ça a donné top. Alors, pour vous expliquer... attendez, parce que... Non, mais non, attendez. Faut alors, juger, attendez, faut... parce que faut il faut... Expliquer. Est-ce qu'on peut raconter ça quand JB est pas là? Pourquoi? Il veut pas se ficher. Comme ça. Alors, attendez. Excusez-moi, hein. C'est toute une histoire, mesdames et messieurs. C'est toute une histoire. Tendez l'oreille. Mais bien sûr, bien sûr. Les secrets d'étoffe. Oh merde, c'est quoi cette radio pourrie? On a qu'un seul Bruel. Non mais c'est vrai. Comment se fait qu'on n'a pas Patrick Bruel dans la machine? Il faut demander à Jérôme, je m'en occupe. Non mais oui, parce que bon là, en fait c'était vite jetons. Bon désolé, j'ai que ça. Oh merde. Magnifique, c'est celui-là. Il y a un coup, il a mis je te mentirais. Mais c'est ça le titre. Ah c'est ça, bah magnifique. Magnifique radio Jérôme, hein, toutes les chansons sont là. Et donc alors je recommence. Donc alors du coup j'ai le bon titre maintenant. Et donc en fait il s'est passé quoi? Bah Toff, explique. Non vas-y, raconte. Bon alors Sandrine. Oui. Bon alors écoute bien. Non mais attends, écoute bien, tu vas voir peut-être que ça va peut-être avoir un rapport avec au niveau des chansons. Donc en fait il s'est avéré qu'un jour en 96 je crois je rencontre Toff. Ouais. Personne très gentille, propre sur elle. À l'époque. Voilà, c'est ça, bien, etc. Bon, un jour, il y a une meuf qui appelle à la radio, qui appelle à Fun déjà à l'époque, puisque je bossais déjà à Fun. Et donc moi, j'étais déjà maqué. Et donc, fait, à l'époque, ce qui se passait, c'est que toutes les meufs qui appelaient le standard et qui étaient intéressées par moi, je les rapatriais sur Toff. Et donc, les miettes à l'époque. Non, voilà. Donc déjà, du coup, je draguais les filles et après, je leur disais, ah bah non, je peux pas, mais bon, Toff, il est là, il va au ciné, etc. Enfin bref. Et donc, un jour, effectivement, il y avait une meuf qui m'avait appelé, je l'avais rencardé sur Toff et il s'est fait que ça a été une grande histoire d'amour. Ouais. Voilà, un ça a duré. D'amour. Ouais, il était. Bah à l'époque c'était un chouette mec et tout, franchement. Ouais. Aujourd'hui c'est un sale connard, mais à l'époque c'était un mec bien. Et donc en fait jusqu'au jour où comment on l'appelle, je sais pas si ça existe en France, ouais, en Belgique c'est les bisous farol, les bisutages, ouais, quoi, etc. Et donc elle fait ça et là elle-même qui était une fille charmante est devenue une grosse salope. C'est vrai. Oui. Voilà. Et donc pour. Salope. Et donc alors salope, salope, salope, salope. Allez, hop, top, terminé. Et donc du coup jusqu'au jour où arrive le moment où alors ça faisait quand même un an et demi qu'ils étaient ensemble. Presque deux ans qu'ils étaient ensemble. Et il y a un moment, la meuf ne lui dit pas bon écoute c'est terminé parce que je sais pas machin etc. Non, elle lui offre un album. Et cet album c'est ça. Voilà. C'est que je connais toutes les chansons par cœur de cet album. Voilà. Et en fait, donc elle l'a dégagé en lui offrant l'album de Patrick Bruel, qui était quand même un album qui lui proposait de se suicider. Hein. Faut quand même savoir. C'est clairement ça. Il n'y a qu'une chanson sur cet album qui est un peu chouette. Et il raconte qu'en fait, il a serré une meuf et que la meuf s'est barrée le lendemain. Quoi. Voilà. Bon, écoute, je te quitte, mais je t'offre quand même un dernier cadeau. Bah, génial. Bah, merci beaucoup. Hein. C'est au top quand même. Hein. Et donc, et depuis. Bah, elle sait pas ce qu'elle a raté. Ah bah, c'est une grande star. Mais c'est surtout que donc depuis ce moment-là, en fait, cette espèce de trou du cul a décidé de se venger sur toutes les meufs. Ouais. C'est ça. Non, j'ai pas arrête, dit. Si, arrête un peu, arrête. J'ai pas. Arrêtons, stop. Bah j'ai oui, pas décidé parce que pendant deux ans, je suis sorti quasiment avec une. Fille. Avec des mecs. Non. Je suis sorti avec une fille que j'ai même pas baisée. Et non. Il était en deuil encore. Hein. Ah oui, c'est deux vrai. Deux ans de deuil, c'est normal. Hein. Non mais juste après, on a dû se taper le sud de la France alors qu'on venait de Bruxelles pour trouver une meuf qui s'appelait Amy là qu'on a jamais trouvée. Ah putain. Et après c'est devenu. Et après c'est devenu l'enculé qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Toute simplicité quoi. Quelle salope. Donc tu vois finalement les chansons Sandrine, faut se méfier hein. Oui c'est sûr, mais là non c'était pas du tout dans ce sens-là. Ah d'accord, ok. Bon écoute, alors d'accord. Mais bon voilà, sinon il faut se méfier quand même, on sait jamais quoi. Bon bah du coup, alors ce que je te propose Sandrine, c'est qu'on en reparle demain, ça te dérange pas? Y a pas de soucis, on en parle demain. Bon bah très bien, bah, je te repasse Chandro Standard. Elle va prendre tout le numéro de téléphone pour le rappel demain. Le ménage. Il y a que moi qui peux imiter l'accent portugais, je suis pas. Ah, il y en a qui sont fatigués. Voilà, pas du tout, on est en pleine forme. On va aller jusqu'à demain matin si on le sait. On pourrait, ouais. Je voudrais bien voir ça. Et moi, bon. Je serai là demain matin, il n'y a pas de soucis. Hein. Bah, j'espère bien, Sandrine. Bon, bah, je te souhaite une bonne nuit, en tout cas. On se retrouve demain, d'accord? D'accord, à demain. Salut, Sandrine. Ciao à toi. Ciao. Allez, bye. Bon, il y a Fabien qui est là et qui voulait chanter le générique de fin avec nous. T'es là, Fab? Oui. Bon, bah, dis donc, t'as quel âge, Fabien? J'ai 18 ans. Non. J'ai 18 ans. T'es né en quelle année? Comment? T'es né en quelle année? En 92. Ah, 18 ans, en 92. Non. Bah non. Non. Ça rentre pas dans la case, hein. Ah, je sais pas compter. Bah non, mais non, ça rentre pas dans la case, 2002, ça fait qu'on sera en 2010. Voilà. Il a 21. Voilà. Il a 21. Hein, Fabien, tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Ouais. Fabien? Oui. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule? Police de la FM? Un petit peu, hein, quand même. Hein. Bon, et t'as quel âge en vrai? En vrai, 14. 14, bah voilà. Pas de stress. Tu peux pas lui la faire à l'envers. Voilà, dis-nous, et puis nos malaises, hein. T'inquiète pas, on va pas te raccrocher au nez, hein. On va pas t'insulter. Donc, t'es né en quelle année pour de vrai? Comment? T'es né en quelle année pour de vrai? En 98. Oh, presque l'année où est sortie cette magnifique chanson. Ouais. Eh oui. T'es content ou pas? Ouais. T'imagines que t'as été conçu en même temps que cette chanson est sortie. T'as été conçu là-dessus. Peut-être que t'as été conçu là-dessus, va savoir, t'imagines. Hein? Oui. Et donc tu te dis, hein, Fabien, si je t'emmerde. Hein. Non. Ah non, mais c'était pour être sûr. Bah il veut chanter. Hein. Oui, c'est vrai, il va chanter. Bah il va chanter, tiens. Allez hop, nouveau générique. Non, je plaisante. Oh, allez, non, c'est parti, on y va, t'es prêt Attendez, je me prépare. T'es prêt, Fabien? Allez, Fabien. Ah, je suis tout seul. Ah mais non, t'es avec Polo, t'inquiète pas, on est tous là. On est tous là. D'accord, t'es prêt? I'm blue. Non, c'est pas ça. 3, 4. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Coupe des bites, t'as fait sucer. Toi l'enculé. Allez, Fabien. Un enculeur, t'en cul ton nom. Comme toi. Quand tu veux, Fab, hein. Car c'est toi qui encule ton nom. Allô? Allô? Chante. Oui. Car t'encule ton nom toute la journée. Pom. Enculé de ta mère, je ne dis pas ici. Allez Fabien, hein. Ils sont canadiens. Allez attention, ça va démarrer pour le refrain là. Toi l'enculé. Attention. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de l'air, toi l'enculé. Tout le bout des bites te sucer. Toi l'enculé. Ça te fait enculer. Et toi ton oncle c'est l'enculé. Allez vas-y Fabien. On Bite. Merci Lou, voilà. Ah bah comme d'habitude. Hein. Après avoir fait sa prestation. Comme d'habitude, exactement. Avec un masque. Et elle est payée une blinde pour faire ça. Oui. Hein. Elle est payée très cher, Lilou, là, pour juste de dire ça à la fin. Allez, reviens, Lilou, reviens. Allez, refais-le comme ça. Allez. Ouais, bon, je te paierai deux fois plus. Suce ma bite. Voilà. Merci, Lilou. Voilà, Lilou, reste un peu, quoi. Ouais, t'as vu, elle fait hop, elle rentre, elle sort. C'est. Enfin bon, le rêve de Toff, quoi, rentrer, sortir. Enfin bref. Bon, Fabien. Oui. Bon, t'as servi à rien, là. T'as pas bien chanté, Fabien. Hein. Je connais pas trop. Ah bah oui, mais enfin bon. Fallait pas appeler. Bon, mais si, il a bien fait. Mais du coup, tu seras en pleine forme pour demain pour la refaire, Fabien. Comme vous voulez. Ouais, bon, si on la remet, tu la refais bien. Ouais. T'es sûr, hein, t'as entendu la chanson là maintenant. Oui. Bon, c'est quoi les paroles? Allez. Les paroles, c'est quoi? Ferme ta gueule de merde, Paul enculé. Parfait. Et ben voilà. Allez, c'est parti, on y va, on la remet. Hein, allez, on y va. Ferme ta gueule de merde, Paul enculé. Tu bouffes des bites à te sucer, toi. Et t'as l'enculé. Vas-y, ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton enculé. Tu ne peux plus dormir, mais on t'a mangé comme un ton donc toute la journée. Vas-y, va te faire enculer, connard. Mais putain, va te faire enculer, la fille de putain. Bon, la grande classe. Suce ma bite. Non, pas là, Lilou. Oh, elle a rien compris. Oh, qu'elle est bête. Oh, qu'elle est bête. Que veux-tu? Elle s'appelle Lilou. Attention, vas-y Fabien. Allez Fabien. Toi l'enculé. Allez, toi l'enculé. Tu bouffes des bêtises parce que c'est toi l'enculé. T'aimes ça te faire enculer. Et toi t'as un nom. L'enculé. Oui, tous les deux, on est des enculés. Allez, venez-nous. Suce ma bite. Merci. À chaque fois elle part, c'est dingue, c'est bizarre, ça quand même. C'est bizarre. Bon, ben merci Fabien d'être passé en tout cas, hein. Salut à toi. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins. Alors, je fais une dédicace à Joanna et voilà. Oh, et ben voilà, amoureux. Parfait. Oh, ben c'est mignon. Salut à toi Fabien. Salut. Allez, à bientôt, ciao. Et le top Twittos là pour terminer ce soir. Numéro 5, j'avais envie de dire. numéro 5, allez, attention, top Twittos là. On y est. 5, c'est The Monsieur BFH. The Monsieur BFH. Ouais, The Monsieur BFH. C'est à nouveau, parce que j'ai pas encore vu celui-là. Bravo à toi. Bon, numéro 4, donc ce sont les 5 auditeurs les plus influents ce soir avec le hashtag Mickaël. Numéro 4. Dame Snertic. Eh ben, très bien, il a perdu un peu de plume lui. Ouais. Numéro 3. Sheva GTR. Sheva GTR, très bien. Et numéro 2. God Bless Holly. Très bien. Et numéro 1. The Let's Comeback of Let's Be Freaks, qui avait perdu sa première place hier soir. Qui est de retour donc au numéro 1. Bah, très bien, Mister. De quoi? Killeuse, ouais. Et il y a Mister Steven qui dit tu peux aller te faire foutre, tu demanderas à Valentin. Oui, bon, on essaiera de lui demander d'ici à demain. Et puis le prince là qui dit ouais, un Daft Punk il y a longtemps ça pourrait être bien. Oh ouais. Alors attendez. On fouille. Ouais, bah vous savez quoi, je le mettrai demain. Ce sera plus simple. Bon, bonne nuit tout le monde, on se rencarde demain par ça 23h. Merci à tout le monde qui est connecté ce soir sur le Facebook de l'émission, le Twitter, Mickaël officiel. Bon courage pour ceux qui vont taffer demain et puis pour ceux évidemment qui reprendront les cours demain. Eh oui, bonne nuit tout le monde. Nos limites. Mickaël. Tu veux me prendre ta gueule ou on attend? Mickaël, nos limites. Nos limites. Sur Fun Radio. Bon, peut-être un peu tard pour le poing dans la gueule. À moins que Jimmy le veuille. Non, ça va. Non? Non, ça va. Bon, le alors, prince de la night. The prince of the night. Tu veux qu'on se fasse un petit Daft Punk? Petit Daft Punk? Bah ouais, j'avais calé le Bouya, mais on peut se mettre Daft Punk. Ouais, attends, c'est bon. Et en prog, j'ai One More Time. Ouais, bah je m'en fous. Alors attends. C'est énorme. Ouais. Alors attends. Moi, je vais t'en mettre un, moi, tu vas voir. Alors, est-ce qu'on l'a dans la machine? Est-ce qu'on l'a dans la machine? Sinon, je vous le mets demain, c'est pas grave. Et ben on l'a pas. Parfait. C'était lequel? Attends. Peut-être que je l'ai dans ma machine, ne bouge pas de là. Sinon on descend à la cave le chercher le disque hein. Ouais c'est une idée ouais. Attends. Oui parce qu'il date pas d'hier hein, pour le coup c'est clair. Et ben je ne l'ai pas non plus dans ma machine. Attends, peut-être que je l'ai dans mon autre machine. Ouais parce qu'il a 50 000 machines. Ouais bah une seconde. Alors attends, je l'ai hein, je dois l'avoir hein, ouais, c'est sûr. Ouais. Bougez pas hein. Non, t'inquiète. Sinon ça va? Bien et toi? Passez un bon week-end, j'y vais tranquille à la cool. Excellent, je vous ai écouté. Non. Non. Ah bon. me voilà rassuré. Bon alors attendez parce que je peux pas être partout hein. Ah bah on s'était bien rendu compte. Alors attends. Alors attention, alors. Il l'a trouvé sur YouTube. Non, pas. pas du tout. Non, sur YouPorn. Non plus. Alors attendez, parce qu'il faut que je branche tout le bordel là. Alors attendez, vous êtes prêts? Ouais, voilà. Bah nous on est prêts, mais toi. Bah moi je suis prêt, quasiment là. Ça s'entend que je suis prêt quasiment ou pas? Ouais, quasiment. Ouais. Bon, alors très bien. Alors attendez. J'avais ça. Bon là le son est pas terrible, je vous le mettrai vraiment demain à mon avis, hein, mais c'est celui-là. Alors écoutez. Ça marche pas. Ah si. Ah oui, c'est un peu violent. Comment c'est violent? Mais non, il est bien ce Daft Punk là, tu oui, rigoles ou quoi? Il est bien, mais il est violent. Parfum Radio, c'est la radio de Daft Punk ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Bon, bah très bien. Alors. D'ailleurs, si tu vas voir dans le couloir, ils sont encore là. Exactement. Bah tu connais quand même JB? Oui, oui, mais bon, je serais pas donné le titre. Alors là, moi je pensais que je parlais à un connaisseur. Bon, je vous le mets un peu plus loin. Ouais, il est un peu violent, hein. Non, en fait c'est le truc qui bug en fait. Hein. Ouais, et le morceau fait 7 minutes. Waouh. Hein. Wow, ah, ouais, t'aurais été bien, ça t'aurait fait la moitié de ta nuit. Eh hey, brûle l'oreille. Fort mec. Il a fumé, j'y vais. Bon, c'est vrai que c'est un peu répétitif. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre les strobes dans le studio là? Ouais, on peut, mais... On pourrait là. Hein. Ouais. Tu vois, il est bien, non? Il est pas mal. Je préfère One More Time. Ouais, mais toi t'es dans le classique, toi, tu vois. Bah ouais, ouais. Ah, tu préfères dans le classique. Voilà, il est pas mal, là. Demain? Bah je le mettrai demain, ouais. Allez. Ça me paraît un bon plan. Je vais essayer de trouver la version radio edit hein, pour pas en faire 7 minutes 30 non plus. Ouais. Mais ouais, j'essaierai de le mettre demain, pas de problème, ouais. Bon, on va passer une bonne nuit, du coup, on se quitte avec Showtech. Ah bah allez. En plus, je l'avais promis tout à l'heure, là. Showtech avec Bouya. La bonne nuit, monsieur JB. À demain. Mes amitiés, votre cher patron. Jérôme Foucré. Qui a le plus beau prénom du monde. Ah oui, bah ça. C'est vrai. Ah oui. Et en plus, c'est sa fête hier. Enfin, il y a 2 heures, quoi. Non. Si. Ouais, t'as raté ça. Ah, tu lui as passé tes bonnes fêtes? Ah bah non. Bouh. Eh bah bravo. J'ai eu oui dire quand t'étais viré. Bouya. Arrête-il. C'est bizarre que ton badge soit passé encore. Oui, c'est bizarre, effectivement. Ouais. C'est bizarre que le badge soit passé. Oh, Jérôme, bon, je m'excuse. Eh bah, bonne nuit tout le monde. Loupez pas tout à l'heure, à partir de 6h, ce sera Bruno en pleine forme. Ouais. Voilà, Bruno avec toute l'équipe évidemment, Bruno dans la radio bien entendu, Enzo qui sera là juste derrière. Il y aura Dario l'après-midi aussi à partir de 16h et puis bah nous et puis Bélovine Fan à 20h aussi et puis nous à partir de 23h. Bonne nuit, puis bon bah bon début de journée pour ceux qui la démarrent, il y en a aussi les boulangers, tout ça, et demain cupcake alors en théorie. Hein. Cool. Mais JB va venir plutôt que prévu demain, mon ami. Ah bah j'arrive. Cupcake Times. Allez, merci d'avoir été là ce soir et puis gros bisous à demain et puis c'est JB là, bah c'est parti hein. Ah bah y'a Avicii, y'a Robin Sick qui arrive. Et bah ils sont dans Florge jusqu'à 6h. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Yes, all we care about is some party, keeping them good vibes.